T'en penses quoi, toi, de ce J'ai passé au moins 150 Faut trop que tu testes cette table. C'est franchement la série. Si tu veux, je te prête le premier tome. Faut vraiment l'écouter, ce podcast. Salut à tous, c'est Gizmo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Geeks et Moi, épisode numéro 67. Et bien heureusement, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Ancien présentateur du podcast de Mes Geeks et Moi, fatigué d'entendre des inepties, il a été récemment diagnostiqué dépressif. Ce n'est autre que Olinfari Rimiz. Ah, salut à tous. Bonsoir. Il a du talent. Et quand il s'en donne la peine, il est capable de nous faire de belles pubs, mais pas pour notre propre intérêt. Ce n'est autre que Jimbo. Salut tout le monde. Il est toujours présent, petit par la taille, grand par la mauvaise foi, et mauvais perdant lors des quiz. Bonsoir Mimi. Bonsoir. Je suis pas mauvais perdant. Non, non. Vous trichez. T'as pas du tout repris. T'es le seul à râler quand. Non, j'ai repris, je me suis inspiré. Ah ouais. Inspiré. Alors là, à ce stade-là, c'est du plagiat, tu vois. Est-ce qu'on râle pendant les quiz? Oui. On verra ce soir. Donc, au sujet de cette émission, on va commencer par le traditionnel checkpoint. Comme dirait notre Only for Gamers. Dom, tu le fais bien. Le quiz proposé par Only. Il fait tout Only ce soir. Donc attendez-vous, on s'attend à un petit quiz du style des primes et réponses ou bien culture générale et crise de nerfs. Alors ouais, effectivement, t'es pas loin. Okay. Et on continuera par un grand sujet où on parlera tranquillement de notre avis sur le jeu vidéo d'aujourd'hui et son avenir incertain. C'est bien. Ah oui, ah oui, bien, mais oui, bien sûr. Tout à fait. T'as l'air étonné. Non, mais je le. Il vient de lui nommer le titre, je crois. Tu l'as maintenant? Non, t'inquiète. Ah bon, ok. J'ai pas compris de quoi on allait parler de toute façon. On va parler tranquille, t'inquiète pas, laisse-toi aller. Bon, on commence par le checkpoint. C'est parti. Allez, go. Checkpoint. Alors, pour le checkpoint, c'est moi qui vais commencer, hein. Tu n'as pas d'objection? Tout à fait. Ouais, c'est bon. C'est calé. Alors, du coup, je vais vous parler d'un petit jeu sorti en 2020. Parce que j'ai fait des jeux, mais vieux que je. Donc, on en parlait avec Guise, je suis passé complètement à côté. Vieux 2020, ça va. Bah, je suis passé à côté. Ça fait 5 ans quand même. Bah ouais. Ouais, mais c'est pas vieux. Donc je vais vous parler de Manifold Garden. Donc moi j'y ai joué sur Switch, mais il est sorti sur PC, Mac, iOS, PlayStation 4, 5, Xbox One et Xbox Series. Développé par le studio... t'aurais dû juste dire là où c'est pas sorti en fait. Ça serait ouais, mais après vite. Non, ouais, ouais, c'est vrai, on aurait pu aller plus loin. Tu m'as troublé. Pardon. Donc développé par le studio William Cheer Studio. Donc William Cheer, c'est le nom du gars. Alors il y a une légende qui dit que c'est lui qui l'a développé tout seul. Ce n'est pas vrai. Il y a quand même une grosse équipe derrière. Enfin une grosse équipe. Il y a une équipe ils derrière. Ils étaient trois. Non, ils étaient beaucoup plus que ça. Mais très belle découverte. C'est Manifold Garden. C'est un jeu d'énigmes à la vue à la première personne. Donc où les lois de la physique peuvent être manipulées. C'est-à-dire qu'en gros tu as un cube. Si tu vas sur un mur. Tu cibles ce mur, tu cliques, et en fait, le sol devient ce mur. Tu vois? Le mur devient ce sol. Et après, tu avances et le plafond devient le sol. Et le Oula, sol, ça, le c'est plafond. Genre truc que comme ça. Un système de cube, quoi, en fait. Tu tournes en fonction d'avance, de... En fait. Donc, t'as un petit code couleur qui te permet de dire quelle face tu regardes. C'est très sympa. Alors, le monde est constitué d'architecture impossible. C'est-à-dire, en gros, on va dire que je suis sur le toit de la maison et j'ai besoin d'aller... Non. Je suis au rez-de-chaussée de la maison et j'ai besoin d'aller sur le toit de la maison. Ouais. Si je regarde en dessous de moi, je suis dans le vide, mais en fait, je vois une maison qui est la même maison là où je me trouve. Donc, si je saute dans le vide, je me retrouve sur le toit, sur de, le la toit de la maison. C'est une structure impossible, en fait. Ça me fait penser à tout ce qui est superliminal. Un petit peu, ouais, oui. Et l'autre qui était en... Celui-là avait l'appareil photo et tout ça, là. Ouais, Viewfinder. Mais c'est un peu dans l'idée, c'est ce genre de puzzle. Mmh. Du coup, t'as dit, tu l'as fait sur quoi? Sur Switch. Ça tourne très bien. Pour savoir comment t'as joué en fait Sur télé, en docké. Ok. Donc voilà l'histoire de. Alors au fil et à mesure que le jeu avance, il y aura des mécaniques qui vont s'ajouter. Donc tu vas t'apercevoir qu'en posant un cube à certains endroits, ça va te créer un arbre qui va pouvoir te créer d'autres cubes, qui va pouvoir ouvrir des boutons poussoirs, etc., etc. Tu as 6 mondes à explorer, qui représentent les 6 faces du cube. T'as une courbe de difficulté, tu le sens puis, oui, ouais. Tu le sens bien, ouais. D'accord, okay. je me suis bien accroché. Voilà, petit jeu, franchement je l'ai pris au hasard en regardant les jeux de puzzle sur Switch. Je tombais là-dessus, j'ai fait vas-y, ça se tente et je l'ai fait. Et du coup, durée de vie par contre entre 5 et 6 heures, c'est une petite expérience. Mais tu les vois pas passer. Bien. Sachant que ça peut être plus long si tu galères, parce qu'il y a des moments où vraiment les puzzles sont vraiment galères. Tu t'es pas aidé du tout de. Si, à quelques passages à un moment donné. Alors je savais qu'il y avait ça à trouver et. c'est le genre de jeu où si tu observes pas bien, tu passes à côté d'un arbre, d'un oiseau, d'un machin. Ouais, c'est de l'observation. Beaucoup. Bon, y a aussi beaucoup de logique, mais oui. Tu peux vite passer à côté d'autres choses. Bien pensé. Et ainsi le graphique psychédélique. La fin, j'ai jamais vu une fin autant sous LCD. C'est un truc de ouf. Oh putain. T'es dans un kaléidoscope, c'est entre rez. Ah oh, waouh. La fin, c'est juste une musique avec le crédit qui passe. C'est waouh. Ça fait mal. Ouais. Non mais oui, tu sais, non mais souvent. Non mais comme oui. Ça, c'est tu peux pas regarder ça en fait. Ouais. À la rigueur, c'est un trip sous acide réellement. Ouais. Bon. Alors le mec, je sais pas ce qu'il fait, mais bon, c'était une bonne expérience. Ensuite, tant que j'ai le Game Pass, j'en profite un peu, parce qu'ils ont rajouté le Ubisoft Plus classique. Bon bref, on s'en fout, c'est de la merde. On en parlera tout à l'heure de toute façon. Oui. Donc j'ai pu jouer à un jeu qui s'appelle Transference, qui est sorti en 2018 du coup. Je suis passé complètement à côté. Développé par Spectre Vision. Alors je ne savais pas, ce studio en fait, il a été fondé par Elijah Wood. Ah ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas... C'est qui? Voilà. Le Seigneur des Anneaux, celui qui fait... Ah oui, c'est vrai qu'on en parle assez souvent. Voilà. Alors en gros, c'est un thriller psychologique qui se déroule dans une simulation corrompue des cerveaux d'une famille. Oui, okay. Ou pas? Vas-y, ouais. Je m'ai perdu. Bah, en gros, ils ont scanné la mémoire du père, ils ont scanné la mémoire de la mère, la mémoire du fils. Et en fait, toi, tu tombes là-dedans pour découvrir ce qui s'est passé, pour dénouer les liens et résoudre l'enquête. Mais cette sauvegarde est corrompue. Ok. Donc en fait, des fois, tu vas plonger... Il manque des... Ouais. Par exemple, t'es dans un appart, mais t'as la vision du gamin, la vision du père, la vision de la mère. Et du coup, l'appart, il change en fonction de... qui le... Oui, la vision à eux. Quelle vision t'es, tu vois. Waouh. C'est super intéressant. Alors, ça essaye aussi de mettre une pression psychologique, de te faire un petit peu des jumpscares. Mais bon, tu t'y attends. Donc du coup, ça... Ah. T'as pas un vrai danger. Je veux dire, quand tu vois une ombre passer au loin dans le couloir, c'est des trucs qu'on a vu des millions de fois. T'avances c'est dans prévisible. Le couloir. Ouais, t'avances dans le couloir pour chercher cette ombre. Oh, comme par hasard, elle a disparu, mais la porte qui était bloquée juste avant, elle, tu vois, c'est téléphoné. Mais l'ambiance est super cool. Donc l'ambiance fonctionne très très bien. Sachant aussi qu'il est sorti sur toutes les plateformes, ça j'ai oublié de le préciser. PC, PlayStation 4 et Xbox. Donc c'est un jeu assez gourmand. Et on peut y jouer en VR. Et je pense qu'en VR... ça apporte quelque chose de plus. Vraiment, je pense qu'il a été prévu pour ça. Je crois que c'est un appel. Non, mais Guise aurait pu tomber là-dessus et je pense que ça aurait pu lui plaire. Pour l'expérience que ça propose. Donc le concept est qualité de production excellente. C'est beau graphiquement. T'es vraiment retourné sans dessus dessous. Des énigmes, environnement. Bon, ça c'est mon délire. Hein. Ouais. Voilà, tu suis le fil pour savoir où il va. Ah ouais, donc dans ce bâtiment, il va falloir rentrer parce que ça va te débloquer la suite, etc. etc. Alors, par contre, durée de jeu entre 2 et 3 heures, c'est... Donc, ce qui me fait dire que c'est un jeu développé pour le VR, parce qu'en général, sur VR... C'est une expérience, quoi. Ouais. Très agréable. C'est quoi le titre, Julie ? Transférence. Ouais, déjà, le titre, ça fait un logo avec plein de couleurs. Transférence. Voilà. Mais bon, je pense qu'il faut le faire en VR. Et j'ai pas le conducteur. Mimi, tu comptes parler de quoi ce soir? Tu comptes parler de Pokémon ou pas? Non, justement, je suis laissé. Ah, bon, alors ça, du coup, ça va faire un gros checkpoint. Je vais vous parler de Pokémon Légende ZA. Donc ça. Moi, j'y joue sur Switch ZA. J'y joue sur Switch 1. Mimi, toi, tu y joues sur Switch 2. Ouais. Et moi, sur Switch 3. Ouais, c'est ça. Donc on peut dire que le système de combat et de capture est original et innovant. Repensé. Ouais, innovant, original, on est d'accord. Ah oui, clairement. Ça, c'est un gros point positif. Ah, franchement, c'est ce qui sauve tout. Moi, je trouve que. C'est ce qui m'a fait peur, parce qu'avant d'y jouer, j'étais sceptique. Eh bien, moi, si on se rappelle bien, je ne voulais pas y jouer, je m'en battais les couilles, mais comme je suis un gros pigeon et que j'aime Pokémon, je me suis dit, je le ferai. Bien sûr, c'est grâce à toi qu'on a des jeux de cette qualité, d'ailleurs. Merci, Mimi. Merci. Et étonnamment, en fait, c'est tout ce qui m'a plu, c'est ça. Le premier truc en fait qui m'a plu, c'est la découverte de ce nouveau mode de combat. Je trouve génial. Et la différence entre la baston contre des Pokémon sauvages et la baston contre les dresseurs. Alors tu vois, on va rien te cacher. T'es arrivé le dernier ce soir pour le podcast et on a testé un petit peu le jeu en off. Ouais. Et j'ai dit, vous allez voir, Only pendant le podcast, il va dire que le système de combat qui est plus du tour par tour, ça va le gonfler. Bah non. Je pensais que du coup ça allait te. Alors oui, c'est plus du tour par tour, mais c'est pas mal en fait ce système où les capacités des Pokémon se rechargent en fonction d'un cooldown sur les capacités. Ouais. Mais oui, tu peux les lancer d'affilée dès que le cooldown est... Mais il suffit de bien calculer qu'est-ce que tu envoies avant quoi pour faire des combinaisons. Ça, c'est hyper intelligent. Par exemple, faire baisser la défense ou faire baisser la défense d'attaque spéciale et balancer ton attaque spéciale juste derrière. Non, exactement. Mais c'est... D'accord, non, c'est bien. C'est là où tu vois vient l'intelligence de connaître les capacités et qu'est-ce qu'elles font. Tu vois, jusqu'à maintenant, je m'étais pas intéressé de qu'est-ce que faisait rugissement. Mais en fait, au final, ça permet de diminuer la défense, non ? Oui, mais tu vois, oui, c'est ça, je crois. Oui. Mais tu vois, en fait, tu t'attardes plus à tout ça, en fait. Le problème du tour par tour, c'est que ça te nique le rythme, en fait. Ouais, clairement. Que là, ça. Ça fait une attaque vide. Ouais. Alors que là, en fait, c'est en direct, donc tu t'en prends. Après, t'as quand même sur le côté l'effet que ça prodigue au Pokémon adverse. Oui, mais au final, tu vois le lien direct. Ah oui, oui. Là, c'est en full, quoi. En parlant des capacités, on va rester là-dessus. Chose, petit truc en plus. Ton Pokémon, quand il apprend une capacité, il n'est pas directement équipé. C'est à toi d'aller équiper la capacité que tu veux. Et tu n'oublies pas les anciennes capacités. Non. À la RPG. Tu l'équipes... C'est toi qui l'équipes à la RPG, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu le prépares comme tu veux. Avant, la capacité, tu la prenais, elle était perdue. Oui. Oui, tu faisais un test en te disant je vais tester pour voir ce que ça donne. Voilà. Tu faisais. Putain, c'était de la merde en fait. L'autre était mieux. T'étais baisé. Que là, non. Et ça, c'est. C'est génial. C'est bien. De pouvoir gérer ses capacités, j'ai bien aimé. Mais tout est. En fait, tu dois tout gérer. L'évolution. Ah oui, c'est à toi de dire. L'évolution, c'est à toi de choisir. Ouais. Par exemple, mon Pichu, je ne vais pas le faire évoluer. T'as juste une flèche sur le Pokémon qui dit il peut évoluer. T'as une flèche level up. Et en fait, c'est à toi de dire je le machin et je n'empêche pas. La modification. Qu'avant, à chaque niveau, ça te disait il va évoluer, voulez-vous là. Bon, j'appuie sur B pour l'arrêter. Ils ont changé beaucoup de choses, quoi. Ah, mais clairement. C'est une nouvelle expérience, hein. Ouais. Donc, il y en a plein qui crachent dessus. Je comprends pourquoi ils crachent dessus. Il y a des défauts. Ouais. Oui, mais en fait, comme tous les jeux, j'ai envie de te dire. Le problème, c'est que c'est ce que je disais. Je sais plus auquel des deux là. Un intelligent encore. C'est à moi que tu parlais ? Non, pas toi, justement. Non, mais je disais, tu vois, les gens attendaient quelque chose. Il y a eu quelque chose de proposé de nouveau, ça va encore pas. Putain, à un moment donné, en fait... Alors, c'est pas sur le système qui gueule. Oui, en fait, déjà, d'un... T'as de tout. T'as des gens... Écoute-moi, t'as surtout plein de gens qui ne jouent pas à Pokémon et qui disent graphiquement, c'est de la merde. Oui. Parce que c'est de la GameCube. Alors non, déjà, vous allez vous calmer, c'est de la PS3. Donc, Non, sans déconner. Par curiosité, j'ai été regarder le jeu Infamous sur PS3, qui se passe dans une ville en monde ouvert. Guise avait fait ça. Mmh. Ouais. Ben, en nombre de BNJ ou quoi, on n'est pas très loin de ce qu'on voit sur Pokémon. Hein. Voilà, oui, non. Il n'y a rien de... Bah, encore... Et c'est ce qu'était la Switch, en vrai. Donc, De ce qu'on a testé ce soir, de ce qu'on a vu tous en let's play ou tout ça, c'est encore feignant, quoi. Ouais, c'est feignant, mais en même temps, c'est du Pokémon. Moi, ben ça ne me choque pas. Ça me choque pas. C'est... Ça reste du Pokémon, en fait. Le truc, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à mieux. Non. Alors, c'est triste. Pour aller plus loin, si les leaks... sont avérés. Oui, sur la génération. On s'attend 10. À beaucoup mieux après. Mais là, pour un jeu. On se rappelle d'Arceus. Oui, mais il faut savoir que celui-là, ils nous ont pris pour des cons. Il est prêt depuis un moment. Tu vois, il n'était pas conçu pour une Switch jeu, c'est pour une Switch jeu. Enfin, on est d'accord. Non, mais ça, voilà, c'est on est ce que au clair. Tout à l'heure. Ouais, non, ouais. On est d'accord là-dessus. Donc, je me dis, sur un jeu Switch 1, moi, je le trouve magnifique. Non. Bah, si, franchement. Bah, sur la Switch 1, ça tourne pas. Ça tourne pas bien. Si, ça tourne bien. Ça mais tourne. En tant qu'Arceus, quoi. C'est. Oui. Voilà. Ça fait le job. Ça crache pas, ça crame pas les yeux. On peut pas dire quand tu prends un Xenoblade Chronicle et que tu. C'est ce qu'on disait avec Zelda. Hein. Quand tu prends Xenoblade Chronicle et que tu prends ça, bah, graphiquement, il y a. Oui, y a c'est pas pareil. Mais bon, en fait, oui, il y a pas d'effort. Mais c'est du Pokémon. Faut pas s'y attendre. En fait. Ça sort pas de la norme. Il ne faut rien espérer de cette licence. C'est normalisé c'est de Pokémon comme ça, tu vois. Ben en oui, fait, mais voilà. C'est pas normal. Non, mais ça, on est d'accord. Mais c'est comme ça, c'est leur patte. Là, tu vois, j'accepte. Ils se font pas chier. Putain, non, mais c'est triste, mais ils se font pas chier, tu vois. Mais les prochains, j'attends vraiment un gros gap. Mais ils s'en branlent. Et c'est ce que je disais sur Twitter la dernière fois. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils mettent, allez, combien? 20 millions dans le jeu? Ça leur rapporte 10 fois plus. Ouais, c'est clair. Oui, et c'est même pas leur produit phare de la licence. C'est pas ça qui leur rapporte du blé. Non. Ils en ont rien à branler. Ouais, non, mais c'est les cartes, les peluches. Ouais, le merchandising. C'est le merchandising autour. Oui, non, mais tout à fait. Oui. Non, là, tu vois, moi, ce qui. Alors, je veux bien passer sur celui-là. Je veux bien dire, ok, il a été fait pour la Switch. Ouais, hein, je l'ai fait pour Arceus. Tout ça. Non, à la limite. Mais maintenant, ils arrivent et ils nous disent, regardez, sur Switch 2, on peut faire du Cyberpunk, on peut faire du Elden Ring et tout. Tu vois, ils arrivent en montrant, ouais, on est pareil les autres. Donc, le prochain Pokémon, je veux juste qu'il soit. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Mais d'où qui parlait des leaks de la génération 10. C'est pour ça que c'est je vraiment disais, ce qu'on a vu. Voilà. Celui-là, faut vraiment se dire que. Avec la rumeur de monde ouvert. Voilà. De vrai monde ouvert. Celui-là, il a vraiment pas été construit pour de la Switch 2. C'est de la Switch 1, level un peu plus élevé, tu vois. Il y a eu de l'optimisation pour la Switch 2. On a fait la différence mais entre y a rien les deux. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Mais tu vois une différence quand même, tu vois. Mais bon, on va continuer à parler un peu du gameplay. Ouais, aussi, parce qu'on a un peu dérivé. Ouais, vas-y. Y a un cycle jour-nuit, qui, comme je te le disais, c'est un peu brutal. C'est-à-dire, ça te dit, la nuit va bientôt tomber, paf, la nuit tombe. Ouais. T'as une coupure, t'as un petit temps de chargement, ce qui... Après, ça s'explique parce qu'il y a après, des zones. Si tu fermes pas les yeux, toi aussi, quand on te le dit. Non, c'est pas ça. Ouais, mais moi, la Switch, elle met du temps à charger aussi. Ouais, mais... Non, c'est pas ça. C'est que la nuit, il y a des zones de baston qui s'ouvrent, en fait. Donc, ça s'explique pour ça. On a été con, on n'a pas regardé le temps de le chargement. Le chargement est plus rapide. Bah, je pense. C'est, ouais. C'est plus rapide, oui. Mais ça, après, il n'y a rien de. Oui. Ouais, mais tu vois. Parce que moi, je trouvais ça pas si long que ça. Et quand tu m'as dit ça, j'ai dit. Ouais, okay. Même moi, sur Switch, je ne trouve pas si long que ça. Ah, ok. C'est ça, non, truc. Mais parce que c'est ce qui est ressorti beaucoup, c'est que il y a des gens qui disent les temps de chargement sont dégueulasses, machin et tout. Alors, j'ai regardé tout à l'heure quand on a fait la téléportation. Alors, t'es un peu plus rapide, c'est pas Breath of the Wild. Non. Qui, ouais, ça, c'est long, ça, tu vois, quand tu fais une téléportation. Long, ça, c'est clair. Voilà. J'ai juste une question. À la grandeur de la map, oui. Est-ce qu'il y a de la diversité quand même dans la ville? Bah, c'est une ville. Bah, est-ce que tout se ressemble ou est-ce je que... ne suis qu'à 6 heures de jeu. Alors, donc, je suis à 6h30, hein, donc c'est pas non plus. Mais genre, il a pas vu les égouts. Voilà, j'ai pas vu les égouts. Il a vu des égouts, je les ai pas encore vus. En fait, concrètement, si tu veux, c'est une ville. C'est une ville, Paris, hein. C'est pas la carte oui, de c'est l'inspiration. C'est l'inspiration de la carte de Paris en fait. T'as des égouts, t'as des machins de ce que j'ai compris. Et dedans en fait, t'as des petits parcs. Des fois, tu vois, avec des petits lacs, des machins. Donc t'as quelques petits trucs. Après, faut pas s'attendre à des mondes ouverts de fou. C'est une ville. C'est une ville. C'est comme se balader à Bordeaux, tu vas arriver au grand. Ouais, mais tu vois, c'est encore une fois un truc où les gens, franchement, faut qu'ils arrêtent. Ça a été vendu comme ça. C'est pas caché, c'est ouvertement dit. Ouvertement de sa gueule, mais ça proposait rien de plus. Ouais, voilà, c'est ça. T'en as qui disent ouais c'est de la merde, c'est une ville. Mais il y a fait, quelqu'un qui a fait. C'est indiqué. Il y a quelqu'un qui a fait un rapprochement avec Yakuza qui se passe à Karumocho Karumocho, j'ai plus le nom. C'est un quartier d'une ville. C'est oui, personne c'est gueule. Oui, non mais oui. Oui tu mais vois... c'est ça le problème. Alors, c'est que les gens ont pris l'habitude si de chier sur Pokémon non, parce mais... que juste pour chier dessus, tu vois, chaque version de Pokémon maintenant, j'ai l'impression que c'est lequel arrivera à le défoncer le plus. Mais sans raison valable forcément. Ça fait des vues. Non mais exactement. J'ai vu un streamer en parler et je comprends son ressenti. C'est-à-dire que lui, pour lui, dans son esprit, les Pokémon sauvages sont dans la nature. De les voir comme ça se balader dans une mais ville. Mais ça s'explique dans l'histoire. Ça, il ouais. trouve que c'est voilà. C'est ouais. la ville qui doit initier les Pokémon. Ouais. ouais. En fait, c'est ça le combat. Oui. Mais bon. Et sachant qu'il y en a qui moi, sont pro Pokémon et d'autres qui veulent pas qu'il y ait trop de Pokémon ils en ville. Ils veulent plus qu'il y ait de Pokémon c'est... en ville. Bah, butez-les. Mais c'est non, un mais peu. Voilà, c'est l'histoire en fait. Hein. Ouais. Je peux comprendre l'histoire des zones et sauvages alors, tout ça. Mais... Tu vois, les zones sauvages, ouais, enfin, moi je trouve que c'est bien foutu. Genre, t'as pas des Pokémon qui spawnent n'importe où non plus, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais. Genre... Alors si, quand tu te balades, tu peux avoir des Pokémon. Oui, mais t'as pas tout et n'importe quoi. Non, bah non, t'as des Rookoops par exemple. Voilà, ce qui est logique. Tu vois, t'as des Rookoops qui se calent sur des maisons, enfin des petites des cabanettes, des machins, ouais. tu vois. Enfin, je trouve que ça respecte, tu vois, un minimum. Tu vas pas avoir, je sais pas, ouais. T'as pas un chétifleur, quoi que tu, je crois que t'en as un, mais. Dans un, oui, mais dans un parc, dans par le exemple, parc, il est pas en pleine vois, rue. Voilà. Enfin, où je l'ai pas vu en tout cas. Hein. Non, mais tu vois, non, mais si. Là, en rose bouton par exemple, bah, tu vas le trouver dans un parc. Oui. Tu vas pas le trouver. Moi, j'en ai trouvé sur les toits, dans un jardin. Tu vois, c'est vraiment. Les Magikarp, ils sont dans l'eau, bah oui. Dans ah la oui, rivière, là, qui d'accord. Court. Bah oui, mais c'est logique. tu vois. Ouais, c'est ça. Ensuite, l'exploration m'a bien plu. Je passe un temps à explorer. Il y a toujours un truc. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des trucs redondants, mais. Il y a trop de trucs. J'aime explorer, aller sur les toits, parce que la map se divise en trois niveaux, les toits, les égouts. Alors, je mets en grosse parenthèse, je ne sais pas la taille qu'ils ont. Il n'y a plus les dégâts de chute comme il y avait dans Arceus. Non, tu peux sauter du haut de l'immeuble, ton Mutisma, il te stoppe. Et en fait, bah, ce qui est pas mal. Ils ont joué là-dessus parce que t'as du parcours maintenant. Ouais. Tu dois gérer justement le fait que tu dois sauter sur des bâtiments, de toit en toit. Pour aller chercher tel ou tel objet. Trucs, ouais. T'as des petites mécaniques à réfléchir, tu vois, des fois. Un peu de plateforme. Ouais, vite fait, à te dire, putain, comment je vais aller là-bas chercher, tu vois une Pokéball qui brille. Mais en gros, tu sais que c'est un objet plus important. Ouais. Plus la couleur est, tu vois, est violet, machin. Plus ta truc est important. Mais tu vas réfléchir un peu plus à savoir comment je vais y aller. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, un petit point classique de Pokémon, l'histoire est méga linéaire. Je veux dire, on te propose deux choix qui... Tu sais, quand on te pose des questions, en fait, c'est soit oui, en fait. Donc... Ouais, ok. Et du coup, au début, on te propose toujours trois choix. T'as suppose. Toujours le starter, ouais. Mmh. Les starters. Mmh. Okay. Donc tu as Germignon, Caiminus et Gruik. Ouais. Gruikui. Gruikui. je crois. Ouais. Feu, eau, plante. Plante, comme oui, ça, c'est la base. La base. Ah, donc évidemment, les bons partent sur la plante parce que c'est quand même le plus stylé. Non. Le en feu, évoluant. Toujours le feu. Non, moi je prends. T'as vu ce gros porte-tout dégueulasse voilà. Que ça donne à l'arrière. Moi je prends d'habitude toujours le feu parce que Tim c'est la mèche à la base. Forever. Bien sûr. Mais là je prends alligator. Dégueulasse. Caiminus il est magnifique, arrête-toi. Non. Allez, je vais te croquer les Macronium, fesses. Là j'ai la deuxième. Macronium, oui, paye ta plante. Il est mignon. Super, va manger des haricots verts. Pardon. Mais okay. Va te faire enculer toi tout simplement. Qu'est-ce que tu m'emmerdes. Non, voilà, non, mais en gros. Je comprends les reproches qu'on lui fait et pour la plupart sont justifiés. Graphiquement, on s'attend pas à ça. En termes de gameplay, par contre, c'est marrant. Il y a de l'innovation. On peut pas reprocher. Je veux dire, Pokémon, c'est une licence. On peut pas le reprocher. Arceus, c'était une autre proposition. Il y a eu des plus classiques, genre Scarlet. Épée Bouclier, c'était quelque chose de plus classique. Il y avait bien. Mais en fait, mais je veux dire, il y a des nouvelles propositions. Alors, donc, j'ai découvert qu'il y a deux. Pas déconner. Il y a deux teams. Ouais, de l'or compliqué. En fait, c'est quand t'as deux versions. Bleu, rouge, machin. Épée bouclier. Voilà. Bon. C'est un certain nom. J'ai pas retenu parce que je m'en branle. Et quand t'as qu'une seule version comme là, genre Arceus et ceux-là, tu vois, mais c'est un autre truc. C'est ça s'appelle Légende. Voilà, c'est le phase des légendes. Et en gros, les légendes, c'est toujours des tests en fait. Ben ouais, mais. Mais qui sont pas forcément appliqués derrière, mais c'est pour tester des nouveaux trucs. Ben, Légende d'Arceus, moi j'aimais. Moi j'ai envie de dire, franchement, les gens, arrêtez de casser les couilles pour rien. Faites-vous kiffer. Ça vous fait kiffer, tant mieux, ça vous fait kiffer. Enfin, pas kiffé, justement. Et il est pas si cher que ça. Donc, on était à 50 euros sur Switch 2 et 45 sur Switch 1. Comparé au jeu qu'on a aujourd'hui, c'est. Ouais, bon. C'est pas Mario Kart à 90 boules. Non, mais voilà. Je veux dire. Il est pas à 90 boules non plus. Faut arrêter avec les prix de fou non plus. Non, non, on parle des prix conseillés. Hein, des prix que tu trouves sur Amazon. Oui, mais c'est de la merde. Allez à Leclerc, vous les payerez toujours 50 balles. Nintendo, le prix. Pour lui, le prix de base, c'est 90. Quand ils sortent, c'est 50. Bref, on n'est pas sur les prix. On en parlera après. Voilà. Donc, c'est bonne proposition pour ce que. Voilà. Mais il faut pas s'attendre à autre chose que ce qui est proposé en fait. Voilà. Enfin, ouais, c'est tout pour moi. C'est très bien. Je passe la main. C'est très bien. Donc c'est à moi. Je vais vous parler de Pokémon. Non, je déconne. Champions. Champions. Ouais, 2026. Non. Pour ma part, sur mon checkpoint, je vais vous parler du festival Animasia, la 21e édition qui a eu lieu à Bordeaux. Il n'y a pas très longtemps. C'était le week-end dernier au moment où on enregistre. Voilà, pour les petites infos, ce festival a réuni plus de 30 000 festivaliers. C'est beau. C'est les gens qui sont venus ? Oui. D'accord. Et c'est quoi cette question ? Non, c'est les boutiques. Mais ça aurait pu être que ça, voilà. C'est les gens qui sont venus faire la fête. Ouais, allez, go. Il y a eu à peu près 153 heures d'animation. Et sur ce que je vais vous parler davantage, l'Ending Game Factory, des studios indépendants qui viennent présenter leur jeu. Une cinquantaine de jeux pour cette 14e édition avec plus de 3400 playtests effectués. J'ai quand même l'impression que c'est quand même à ce festival où il y a beaucoup de jeux indés. Ouais, parce que il y en a plus qu'au BGF. Mais il y en a pas. Il y a toujours l'Ending Game Factory à Animasia qui n'est pas au BGF. D'accord. Mais c'est con. Alors, ouais. C'est comme ça. Du coup, moi j'en profite. Je vais chaque année tester mes petits jeux indés et j'en ai retenu quelques-uns dont je vais vous parler immédiatement. Le premier, c'est End Seeker. Alors, je vous ai fait tester quelques jeux en off avant l'enregistrement du podcast. Celui-là n'en fait pas partie. Je ne vous l'ai pas fait tester. Merci, ça vaut le coup de le préciser. Voilà, je préfère vous le dire comme ça, vous aurez la totale découverte. End Seeker. Développé et publié par Mad Studio Game et sorti sur Steam le 9 juillet 2025. C'est un jeu d'aventure stratégie. Donc j'ai dit que pour le moment uniquement sur la plateforme Steam. C'est un jeu d'infiltration avec des mécaniques de roguelite. C'est un tout petit chat, je vais expliquer après. Le placement de la salle est différent à chaque lancement de jeu. Et le but, c'est de trouver son chemin à travers des gardiens qui surveillent les couloirs. Donc, vous êtes un petit chat, ça en vue 2D. Hein, c'est je de suis la 2D. Toujours senti petit chat, moi. Alors... J'ai toujours senti petit chat. Et donc, j'ai petit cochon. Il y a ce qu'on appelle des gardiens, qui en fait, c'est une espèce de totem avec un œil. Et en fait, ils vont balayer... de droite à gauche ou de haut en bas l'écran, et vous, il ne faut pas que vous fassiez prendre par la lumière. Donc voilà. Et vous avez tout un... C'est les anneaux, en fait. C'est Sauron et... Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. On peut voir ça comme ça. C'est du tout petit phare. Si vous vous faites prendre, ben, vous êtes éliminé, vous repartez depuis le début, sauf si vous avez réussi à traverser un checkpoint entre-temps. D'accord, il y a des checkpoints, donc vous pouvez à un moment le passer et repartir de cet endroit-là. Moi, j'ai bien kiffé. Alors, il y a des petites combines à avoir. Au début, j'y arrivais pas, je comprenais pas. Il y a ma fille, la plus jeune, qui était venue avec moi, qui a testé le jeu, et puis il m'a dit, mais si, en fait, regarde, il y a un petit truc, c'était là, en fait, tu te mets sur cette ligne, tu traces tout droit, et en fait, il te voit pas. Et effectivement, quand tu... Elle a trouvé le truc. Donc effectivement, après, plus tu refais le niveau, et plus t'avances, et plus tu trouves les petites astuces, les chemins, les moments à passer ou pas. Il y a des moments, c'est bien, faut passer à des moments bien précis et tout. Donc en fait, t'étudies le niveau au fur et à mesure, tu perds, tu recommences, et puis t'avances. Mais voilà. J'aime bien ce genre de jeu où genre t'as un soldat qui se balade, tu sais, il fait sa ronde, donc de droite à gauche, machin, et c'est à toi de timer le moment où tu dois aller. C'est le truc procédural, tu dois avancer. C'est ça. Bah, joue à Horizon Dawn, alors. Zero Dawn. Non, mais j'aime bien les vrais jeux. Mais c'est le même concept. Ah non, mais c'est nul. Non. J'ai déjà essayé, arrêtez, c'est bon, on va c'est pas en pas parler. C'est pas ton style de jeu, c'est pas nul. Tu craches pas sur Pokémon, tu craches pas sur Horizon. C'est la même histoire. Bref, ouais. Continue. Pokémon, ils ont le mérite d'innover. Bon, allez. Non. deuxième jeu que j'ai testé. Pas de la mauvaise foi. Deuxième jeu qui. T'as testé combien ? Hein ? 28. Je te vois là, donc. 4, mais je vais en parler. J'en ai testé plusieurs, mais je vais en parler que 2-3, pardon. Le deuxième, c'est Rogolf, que vous avez testé. Certains d'entre vous ont testé juste avant. Développé et publié par Seabird Interactive. Pour le moment, le jeu n'est pas disponible. Il y a une démo toutefois qui est disponible sur Steam, je vous conseille d'aller faire. C'est un roguelite mini-golf. Oui, je confirme. C'était pas mal. C'est très sympa. Du coup, chaque niveau possède ses propres règles et chaque parcours est différent. Jouer au mini-golf, acheter de l'équipement et marquer suffisamment de points pour atteindre le sommet. Donc en fait... À un moment, vous allez avoir sur votre parcours de mini-golf des pièces. Et des fois, ils vont vous dire, t'as 3 coups pour arriver à finir le parcours. Mais à chaque fois que tu prends une pièce, ça te décompte un coup. C'est possible, un coup bonus. Ça peut être aussi... Si tu sors des limites, t'as perdu. Si tu sors des limites, t'as perdu. Ou si tu sors des limites, ça ne te compte pas le coup. Oui, il y avait ça tout à l'heure. Voilà. En fait, à chaque fois, t'auras des règles différentes pour faire le parcours. Moi, j'ai eu la chance de le tester sur Steam Deck, donc en mode tactile, c'était très sympa. J'ai aussi testé en mode manette, ça passe aussi. Et à la maison, je l'ai fait avec la souris. Ouais, ça. Et je trouve que c'est bien aussi. T'as vu, tu m'as pas expliqué les touches, tu cliques sur la balle, tu pousses, enfin voilà, c'est très intuitif. Hein. T'as compris direct. Franchement, donc. Alors, il y a un petit reproche à faire pour l'instant, donc. Le point de la caméra, quand le niveau superpose, effectivement, bon, ben, c'est toujours une démo. Donc, c'est un point qui a été évoqué avec le développeur. Ouais, comme c'est des plans superposés, en fait, la caméra reste fixe et des fois, la balle passe sous un plan. Il y a l'indication par un petit cercle pour savoir où est ta balle, mais tu la vois pas. Tu la vois pas. Et il y a une petite gênance là-dessus. Moi aussi, ça m'a un peu perturbé. Ne serait-ce que peut-être de pivoter la caméra. Pivoter, mais de haut en bas, juste histoire de dire... Pour le visuel, toi. Ben ouais. Ouais. C'est con, hein, mais c'est un détail. Mais c'est bien parce que ça nous a fait la même... Ouais. Ça, c'est le seul truc. Sinon, le reste, c'est super sympa. Sinon, à prendre en main, c'est facile. Il faut s'étoffer, c'est un style minimaliste. Voilà. Et le développeur m'a expliqué que à la base il voudrait donc sortir sur Steam, sur Nintendo Switch et sur téléphone mobile. Alors il m'a parlé d'iOS, mais je sais plus s'il m'a parlé d'Android, mais je sais qu'iOS il l'a bien cité. Ouais, tactile c'est sûr, et Switch c'est complètement un jeu. C'est un très bon jeu pour la Switch, complètement. Ça passe très très bien. Troisième et dernier jeu, alors là c'est une petite surprise pour Guiz. Et ouais. C'est pas celui qu'on a testé. Hein. Non, c'est un autre. Je voulais vous parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti, mais j'ai testé une alpha, on va dire. La base alpha du jeu. C'est Atsum Journey. D'accord. Donc en fait, c'est un jeu VR que j'ai testé sur MetaQuest. Alors, le principe, c'est Marilyn Co. qui est en train de créer le jeu. Et donc le principe avec le MetaQuest, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a la détection des mains. D'accord. Donc une fois que les mains sont détectées, on m'a installé sur une chaise pivotante. D'accord. Et là, en fait, j'étais entouré donc dans un monde très joli, tout ça, rien à dire. Et il y avait une petite araignée. Et en fait, cette petite araignée, elle doit aller d'un point A à un point B. Et c'est à moi, en fait, de lui créer le chemin pour... Je suis Dieu. Pour aller lui faire traverser tous les obstacles qu'elle peut rencontrer. Donc, avec les mains, il y a une petite pierre sur sa route. Je l'attrape, la pierre, je l'enlève et comme ça, elle peut passer. Il y a une cascade qui coule. Je vais positionner ma main sur la cascade pour que l'eau ne la touche pas et qu'elle passe. Je vais lui faire un pont. À un moment, après, tout ça, c'était pas expliqué. C'était à moi de trouver. Hein, tu roules un journal et tu l'écrases. Bah non, c'est pas lui. Non, ça reste intuitif. Voilà. À un moment, il y a un trou. Voilà, qu'est-ce que je fais? Hop, j'ai eu l'idée. J'ai fait un pont avec ma main. Effectivement, pouf, elle est passée comme ça, ainsi de suite. Et en plus, du coup, c'est tout autour de moi. Donc en fait, c'est pour ça que j'étais sur un siège pivotant. C'est qu'il fallait que je tourne. À un moment, il y avait un grand niveau sur plusieurs étages comme ça. Et puis, il fallait que je tourne et que hop, je trouve les astuces. Des fois, faut t'avais faire quelque chose. T'as rien pour tourner à part ton siège pivotant. Ben, c'est pour ça qu'ils m'ont installé sur un siège. Ouais, c'est parce que vraiment le niveau est à 360. Ouais, mais alors ça déjà pour moi, hein, pour en avoir fait pas mal, c'est un point négatif. Mm. Parce que tout le monde n'a pas un siège pivotant. Bah quand après. Sur ton canapé, je peux pas m'amuser à pivoter. Ah non, là tu donc vois. Il faut toujours une fonction pour tourner. Ouais. Bah ouais, mais oui. Là, moi, de ce que. Peut-être que j'ai ça sera fait, inclus, hein. Vu que j'avais pas de manette, j'avais rien, puisque tout d'accord. était fait. Mm-hmm. Là, j'ai. Mais le Quest, il a un câble ou pas? Bonne question. Parce que s'il a un câble aussi, c'est vite emmerdant. Non, il a pas de câble. Non, je suis bête. Non, je fais plusieurs tours et tout. Non, il a pas de câble. Tout le fait, tu vois, tu le mets sur le PSVR. Ah bah, tu peux pas merder. Tu peux pas. Donc, ouais, c'est pas con d'avoir juste ne serait-ce qu'une. Donc. Ou tu l'intègres. Tu sais, genre, tu mets fixe, tu peux tourner sur avec les mains. Ouais, comme un zoom de téléphone. Exactement. Donc là, c'était vraiment une démo technique de la préparation de ce que va être le jeu. Parce qu'en fait, la créatrice m'a expliqué. Le but, en fait, ça va être plus profond que ça. On va arriver dans un univers un peu où les créatures, en fait, sont devenues vraiment sauvages et il va falloir apprivoiser une créature. Ce ne sera pas une araignée, ce sera une autre petite créature. Mais de toute façon, je serais elle, je ne prendrais pas une araignée. Non, mais là, c'était une mauvaise idée. Non, mais l'araignée, c'était encore, elle était mignonne, franchement. Oui, ça, non, mais d'accord. Mais non, mais ce ne sera pas du tout une araignée. Elle m'a montré une photo, ce ne sera pas ça, je pourrais vous la montrer après. Et donc, en fait, le but aussi du jeu, ça sera de l'apprivoiser, cette créature. C'est-à-dire qu'elle sera craintif par rapport à vous, et le fait de l'aider, de l'accompagner, tout ça, elle va commencer à prendre confiance et tu pourras aller plus loin, en fait. Ah, c'est rigolo, ça. Voilà. C'est là le but d'aller. Donc je vais surveiller ça de très près parce que franchement, j'ai trouvé la proposition sympa et du coup, je lui ai fait un petit retour. Et en fait, quand j'y ai joué, je sais pas pourquoi, j'ai eu la sensation de jouer à Astro Bot sur VR. C'est-à-dire d'aider un petit de toi être maître du petit personnage à faire avancer. Tu vois, j'ai eu ce même plaisir de jeu, en fait. Ok. Voilà. J'étais le... Je vois ce que tu veux dire, voilà. Même si Astro, quand même, c'est toi qui dirige. Non, il parle de Astro VR. C'est ce que je te dis. Oui, mais tu le diriges sur Astro VR. Il ne dirige pas tout seul. Non. D'accord. Mais voilà, il y a eu un petit peu cette sensation-là. J'ai apprécié. Voilà, j'ai passé un bon moment. Il n'y avait que trois niveaux. C'était vraiment t'es plutôt truc. Son coéquipier que son joueur. Ouais. Ouais. Bah oui. Et du coup, la petite l'a fait aussi en première. Et ouais, elle s'en est bien sortie. Elle a trouvé les énigmes. C'était pas trop compliqué. Voilà, elle a réussi à le faire. Oh, cool. Mais voilà, pour le moment, c'est vraiment en préparation. Ça demande beaucoup de travail. Je me suis permis de demander effectivement la conception d'un jeu VR par rapport à un jeu classique. Voilà, mais ça demande énormément de travail. Ouais. C'est pas si simple que ça. Le tracking des mains, enfin ouais, il y a plein de... Ouais, ouais. Alors par contre, le MetaQuest, c'était la première fois que j'en testais un. Ouais, la réception au niveau des mains, c'est assez impressionnant. C'est quoi, c'est des gants que t'avais? Non, non, c'est le casque qui analyse directement tes mains. C'est le 3, ouais. Alors ça aussi, c'est risqué de partir sur une technologie toute nouvelle, parce que c'est vraiment un truc de super niche. Ah, MetaQuest 3, il n'y en a pas. Ah, elle l'a dit, hein. Elle me l'a dit. On sait très bien que le VR, même de base, c'est alors, de niche. C'est ce que je te dis, le VR de base, c'est de niche. Ouais. Mais spécifiquement ce casque-là, Wow. Bon, il y en a qui achètent. Hein. Bah... Oui, oui, oui, on a. Ouais, mais enfin, si tu veux que ce soit rentable, c'est pas risqué. Après, hein. Il sera peut-être adaptable sur le 2, j'en sais rien. De toute façon, si tu. Il faut vraiment la détection des mains, tous les casques le font. Mais par rapport à l'orientation, elle a tout intérêt à l'adapter sur d'autres supports pour pouvoir tourner avec les joysticks. Et ouais, mais comment tu fais la position des mains et tout ? Ça doit pouvoir. Oh, oui, oui, bah, de toute façon, il faudra bien trouver des... Ça doit se faire, il doit y avoir un truc. Hein. Bah, enfin, je veux dire, c'est. Oui. Déjà que c'est de niche, si tu pars que sur ce casque-là avec cette technologie, c'est pas suicidaire, mais. De toute façon, voilà, on est conscient que le VR, là c'est pareil, on discutait beaucoup, elle me dit, j'essaye de contacter certains influenceurs, streamers, spécialistes du VR pour parler de mon jeu et puis bah oui, me faire sûr, connaître un petit peu. Il faut. Et elle n'en trouvait pas en France, je lui parlais de VR Singe Rhétorique, elle ne connaissait pas, donc du coup, voilà, non, bah, je lui dis là... Alors lui, il fait que du VR, du PSVR. Ouais. Ouais, donc bon, il n'y a peut-être pas... Mais bon, voilà. Mais il y en a beaucoup, il y a même Herbivr. D'accord, mais tu vois, il aurait été plus spécialiste mais que voilà, moi. Je lui avais parlé de toi, j'ai dit c'est dommage que... Il y en a deux, trois... J'ai dit c'est dommage que tu sois pas là, parce que toi, t'aurais vraiment apprécié, je pense que t'aurais... Oui, tu fais plus de VR que moi, je pense que t'aurais un avis un peu plus... différent du mien. Oui, différent. Moi, j'ai vraiment été... Immerger le monde, il est beau. Bah, c'est le premier truc que j'ai fait, quoi. J'étais là, j'ai regardé partout, j'ai dit, ouais, c'est cool. Évidemment. Oui, c'est con parce que oui, toi, tu t'as. Enfin, ben oui. T'en fais pas souvent, donc t'es bon spectateur. Ça se trouve, moi, j'aurais regardé, j'aurais fait. Oui, peut-être. Ouais. Ouais, oui, j'en ai déjà vu, ça, en fait. Peut-être. Là, c'est pareil, je l'ai pas dit, mais oui. À un moment donné, t'as l'araignée qui passe derrière une espèce de grande plante. Donc, je la vois plus. Et ben en fait. Mais tu pousses la plante ? Non. Ah, faut que tu te tournes. Je me suis tourné, j'ai réussi à me rapprocher pour voir comment elle était positionnée, tu vois. Puisque tu bouges la tête et t'arrives à. Ben le plan, en fait, voilà, c'est comme de mon micro, là, je bouge, oui, voilà, derrière, tu vois, voilà. Et ouais, l'expérience était bien. Franchement, j'ai bien aimé, je l'encourage parce que j'espère vraiment que le jeu sortira et puis que ça fonctionnera un petit peu, voilà. Ben, on espère pour eux, hein. Ouais. Voilà, pour moi, c'est tout. Pour mon checkpoint pour cet épisode et je passe la main. Merci. À mon cher camarade Mimi. Le meilleur quoi. Mimi. Attends, je sais plus ce que j'ai marqué moi. Ah. Donc je passe la main à Guise. Si c'est bon, j'ai. La mauvaise foi. Alors je la redonne à Mimi. Mimi la mauvaise. On dirait le nom d'un cow-boy. Des fois il y a la mauvaise graine, mais lui c'est la mauvaise foi. Laisse-moi une fois tranquille. Et tout le temps, j'ai écouté le podcast. Ah t'as vu toujours un râler. Niquer des points. Le mec, je lui rajoute des points, il me dit que je lui nique des points. C'est vrai en plus. C'est un truc de fou. Parce que attends. Un point pour rien. Exactement. Non, c'est pas pour rien. Non. Si, c'est pour rien. Je l'ai mérité. Non. Et tu m'as baisé la gueule sur d'autres questions après. Mais bon, c'est pas grave. Je suis bon joueur, c'est pas grave. Et t'es rentré chez toi, t'étais content quand même. C'est ça qui est énorme. Enfin, je suis pas rentré chez moi depuis, je suis en pleurs sous un pont. Mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, il a l'attention. Attention. Alors moi j'ai pas fait grand chose. C'est déjà pas mal. Tu trouves pas que c'est une phrase que tu dis à chaque épisode? Ah ouais, il dit tout le temps. Ceci dit, là, dû à des petits soucis de santé, j'ai vraiment pas fait grand chose. T'as dormi? J'ai dormi. Voilà, j'ai énormément dormi. C'est bien. Et alors ça s'est passé comment? C'était pas mal le sommeil, C'est réparateur quoi. Oreiller en mousse ou en plume de canard? Non, ça me casse les couilles moi de dormir, je perds mon temps. Oreiller en mousse ou en plume de canard? Le sein de ma femme. Là, d'accord. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est. Ok. C'est molletonné. Ok. Non, sans déconner. Donc, j'ai joué à. Ma chérie m'a offert Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Oui. Donc, que vous dire de ça? Donc, déjà, c'est un jeu qui est sorti sur Switch en 2024, que j'avais pas fait du tout. Donc, ça, je sais pas non plus. En novembre. Oui, enfin, il est sorti à la base sur DS. Mais écoute, c'est ce que tu m'as dit. Et alors, c'en est un autre alors. C'en est un autre, je crois, c'est un autre épisode. L'épopée fraternelle. Ben ouais, mais ça me parle. Ils ont déjà fait. Oui, ils ont déjà fait des Mario et Luigi. Une série comme ça, ils l'ont déjà faite, mais c'est un autre épisode. J'entends, c'est pour ça. À travers le temps, par exemple, c'est sur DS. Il me semblait que l'épopée fraternelle, c'était. D'accord. Ouais, j'ai pas vu. Donc en gros, là, en fait, c'est Luigi et Mario qui vont sur une. J'ai plus le détail du truc, mais en gros. En fait, t'as envoyé sur une note. Planète, un autre univers en gros, et c'est les lumis, en gros, c'est les lumières, c'est un bateau. En fait, tu es mis sur un bateau en fait, où ton mât, c'est un truc où. J'arrive pas à comprendre, c'est compliqué le truc. Nous non plus. En gros, je recommence. En gros, t'arrives sur un espèce de bateau, il y a un personnage dessus, si tu veux, où l'univers est géré par la lumière à la base. Ok. un phare, un gros phare en fait, qui a explosé et qui marche plus, donc tout est devenu affrontement maléfique, machin et tout ça. Et toi en fait, tu vas aller sur plein d'îles qui se sont éparpillées en fait au final dû à ce phare con là, tu vois, ça répartit tout. Ouais. Voilà. Tu vas sur les îles en fait et t'as des phares, des mini phares en fait, que tu viens raccorder à ton bateau pour recréer à la fin un grand phare et une grande île. Dans le principe, tu vois, ça semble non, très clair. Je vous ai perdu. Non, non, il y a des îles où il y a des petits phares que tu vas raccorder à ton bateau pour recréer le gros phare. Voilà. Et plus tu fais ça, en fait, et plus tu vas prendre des nouveaux pouvoirs. Des et le phare, il reste collé au bateau ou... En fait, c'est le phare, c'est le bateau. C'est le mât, en fait. Ah, voilà. C'est un arbre, en fait, c'est un arbre bateau. Mais c'est un arbre bateau phare. Je parlais d'un jeu psychédélique fait sous l'acide. Ceci dit, il est chelou. C'est Mimi qui l'a créé, évidemment. Et en gros, tu vois, en fait, ce qui est génial dedans, c'est que donc, tu viens gérer donc, le sens. De... Bah, vu que c'est un bateau, bah, tu vas dans le sens que tu veux. Tu navigues, en fait, sur plusieurs océans. Et donc, tu vas chercher des îles. Tu peux passer à côté de l'île sans pouvoir aller dessus. En fait, il faut être catapulté sur l'île. Après, t'as, donc, c'est un niveau, en fait, en gros, hein, si tu veux l'île. Donc t'as plusieurs niveaux. Ça j'ai capté, ouais. Voilà, donc en fait t'as ton niveau, donc t'as plusieurs missions à faire dessus. Donc des fois c'est des puzzle world, des fois c'est juste de l'affrontement. Tu gagnes des pouvoirs puisqu'en fait t'es toujours avec Luigi. Oui. Donc c'est un tour par tour, tous les affrontements. Donc ça c'est assez cool. Par contre tu peux utiliser, donc c'est un RPG. Donc... C'est un système de timing, enfin t'as un tempo à avoir. Non, genre... pas du tout. Ah bon ? Non. Alors, c'est pas genre l'ennemi t'attaque, tu peux sauter voilà, avec si, Luigi ou avec t'as un Mario. Mode timing, oui, d'accord, comme voilà. Ça, si tu veux. Mais en fait, t'es pas obligé de le respecter. C'est mieux, c'est toujours mieux, hein, parce que tu fais plus de dégâts, t'enchaînes plus de combos. Non, mais j'imagine que genre l'ennemi tourne dans un sens, tu fais ah, lui il va attaquer Mario, donc il faut que tu sautes avec Mario. Oui, voilà. Oui, t'as un truc comme ça. Oui. Ok, on est d'accord. Alors, donc t'as ça. Alors après, la DA est cartoonesque à mort. Et je la trouve hyper jolie, en fait, elle est scintillante, c'est lisse. Chatoyante. Oui, chatoyante. Il aime bien ce mot-là. Non, je le dis tout le temps, c'est tout. Ouais, mais moi je préfère scintillante, c'est mon checkpoint. Mais je t'engueule pas. Mais moi non plus, je te parle tranquille là, ok. D'accord, monsieur. Non, ouais, donc pas mal d'innovations. Ça me rappelle un peu les Paper Mario. Ouais, dans le ouais. Principe, ah, tu ouais. Vois, au final. Mais voilà. Mais j'en avais fait un, mais Mario Luigi, il y en a eu plusieurs. Et je sais que j'en ai fait sur DS et 3DS. C'est et bien, alors moi, c'est la première fois que j'en fais un. Hein. Et c'est sympa. Et c'est hyper sympa. Même des endroits où t'as des puzzles, je pense, où il faut que Mario monte sur la tête de Luigi. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'as des petits. C'est pour ça que je disais, t'as des puzzle world. Enfin, c'est pas vraiment des puzzles, mais genre. Si. Oui, oui. Faut trouver la solution pour aller à tel endroit. Exactement. Qui vont te permettre de débloquer des trucs. Et comme, donc, je te disais, c'était avec ton frère. À un moment donné, si tu veux, dans l'histoire, donc tu retrouves plein de personnages du monde de Mario, en fait, qui se sont. Trois jeux Mario, Luigi. Trois? 3. Mario Luigi Superstar Saga, Mario Luigi ouais. Voyage au centre de Bowser et Mario Luigi le temps. L'épopée fraternelle. Ah bah c'est Voyage au centre de Bowser. Voilà. Bref. Ouais. Et tu m'as perdu, je sais plus ce que désolé. C'était. Oui, donc en fait, dans cet univers, en fait, en gros, c'est un tourbillon de lumière qui est venu capter tout le monde. Ouais. Donc t'as plein de personnages de l'univers de Mario qui allaient sur ce... Dans cette dimension-là. Dans ce nouvel univers, ouais. Exactement. Et ce qui est hyper drôle, donc bah, le but du jeu, c'est de retrouver tout le monde. En gros, sur le bateau, à la base, t'as juste un personnage qui s'appelle, je sais plus, Illumine ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est une ampoule à la con ou une prise. Et en fait, mais plus tu vas faire de monde, plus tu vas être raccordé au monde. Et en fait, les gens vont pouvoir venir sur le bateau. D'accord. Et ça va faire, ça va créer des bâtiments, des commerces. Chaque personnage va t'apprendre des nouvelles choses. D'accord, tu fais évoluer ton bateau, ça devient une ville, quoi. Exactement. Le bateau, c'est une ville. Sauf que le bateau, lui, en lui-même, changera pas beaucoup. Tu veux, mis à part les bâtiments. Non, mais ça va rajouter une boutique. Mais voilà, ça va rajouter des petits trucs et tout ça. Et tu as toujours moyen de revenir sur les îles que tu as faites. Pour, parce qu'en fait, ça te débloque d'autres trucs qui vont te permettre d'avancer, de refaire les niveaux pour gagner d'autres nouvelles choses et tout ça. Ouais, ça change les niveaux quand tu reviens sur l'île. Ouais, parce qu'en fait, quand tu les débloques. Un peu à la Mario Odyssey. Une fois que tu as terminé le niveau une fois, et ben, tu reviens et tu fais ah, ben, y a eu ça qui est. Et bien, en fait, ça te débloque. En fait, du moment où tu le rebranches, tu as plein de fleurs en fait, qui s'ouvrent. Ok. Tu parles à l'électricité en fait. Donc, tu les ouvres. Et ça t'ouvre des nouveaux chemins qui te permettent de faire de nouvelles choses. Nos objectifs. Et honnêtement, je l'ai toujours pas fini. Parce qu'il y a pas mal d'heures de jeu et qu'entre temps, il y a pas Pokémon qui est sorti. Donc je me suis mis sur Pokémon. Mais du kiff tout le temps. Par contre, le défaut de ces jeux, je trouve, c'est long. En discussion. Ah bah ouais. C'est monotone. Et l'histoire est pas très intéressante. Elle est nulle à chier. Mais t'es obligé pour essayer de comprendre un petit peu. Il y a quelques passages drôles parce que bah, c'est à la Mario, tu c'est vois, un peu Mario, rigolo. Voilà, sûr. Exactement. Mais sinon, putain, ça parle beaucoup trop. Ah, tu vois, c'est le genre de jeu qui m'énervait. Je ferais, vas-y. Allez, bah, c'est ce que je fais. Franchement, moi, je passe tout au bout d'un moment. Tu sais, quand je vois que c'est pas intéressant pour l'histoire, je m'en branle. Quand c'est des petites veines à la con, tu vois, je les passe vite. Mais sinon, il est pas d'accord. Le jugement. Non, je suis pas dans le jugement. Il va te dire, oui, c'est encore la même chose. Dans le dégoût. C'est pas la même chose. Pourquoi du dégoût ? Vous me dégoûtez. Pourquoi ? Là, vous passez des cinématiques, vous achetez un jeu à 50 balles et vous passez tous. Alors là, tu vois, je l'ai acheté à moins 50%. Mais même, je m'en branle. Non, mais oui. Tu dénatures l'œuvre. Bah, pas du tout. Mais on s'en branle. Ça sert à rien, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. Mais même si c'est pénible, des fois, on sait jamais, tu peux passer à côté de quelque chose. Mais parfait. Je m'en branle. Ah ouais, il y a YouTube. Ouais, il y a des jeux où je suis d'accord, tu vois, le lore est intéressant de savoir pour la poursuite du truc. On est d'accord que truc. Mario, genre, du coup, c'est pas intéressant. Un jeu comme Mario ou Final Fantasy XVI, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais là, en fait, le problème, c'est que si tu lis ou tu lis pas, ça fera pareil à la fin. On peut passer les cinématiques. Je suis pas d'accord sur FF16, mais bon, passons. Bon, de toute façon, c'est de la merde, les FF, mais bon, c'est autre chose. Mais non, mais tu vois, le problème de Mario, c'est ça, c'est que tu lis pas, l'histoire va se dérouler pareil, tu vois. Tu vas rien perdre, tu vas pas passer à côté de quelque chose. Mais Pokémon, c'est pareil. Hein. Tu vas suivre le chemin. Ouais, c'est sûr, ouais. Juste un point qui se marque, il faut aller là-bas. Allez, c'est vrai bon, que c'est pas. C'est, faut pas faire Matsup pour faire Mario quoi. Non, voilà. Clairement pas. Tu vois, mon gosse pourrait le faire, quoique. Faut appuyer sur A, B, X, Y. Faut le rythme. Faut le rythme un peu, mais. Me lancez pas sur ça. Mais non, mais voilà. Donc c'est un super bon jeu. Et je pense que je le finirai plus tard, mais. Ah bah ça, ça va faire une Zelda. Il va plus finir tard. Dans deux ans. Bah, comme dans tous les jeux qui finissent jamais. Mais non, Zelda, je l'ai fini direct. On en a parlé il y a pas longtemps. Ouais. Oh. C'est mon checkpoint, c'est pas mon jugement. Tu l'as déjà dit. Bon. C'est bon. Allez, parle-nous d'un autre jeu, tu finiras pas. Alors, si. Non. donc, bah, pour ce jeu, c'est fini. Et après, alors j'ai réussi à regarder les 4 fantastiques. Lequel ? Lequel ? Le dernier. Le tout dernier ? Oui. Avec. Il y a un acteur connu. Il s'appelle. Premier pas. Pardon, les... parlez pas en même temps. Les Jessica 4... Alba. Mais non, c'est pas celui-là. Non, Jessica Alba, c'est le premier. Les 4 fantastiques, premier pas. C'est avec qui est dedans ? Il y a un acteur connu. Oh putain, c'est encore un reboot. Pedro Pascal. Ah, voilà. Pedro Pascal. Voilà. C'est un reboot ? Oui, c'est un reboot. D'un reboot qui est un reboot. Ouais, mais je trouve Marvel, que. Marvel, ils font que ça. Alors, c'est pas Marvel. C'est pas Marvel. Bah, si, 4 fantastiques. C'est Marvel. Ah, bah, si. Ils sont chier. Oui, mais là, il est intégré en fait dans le lore. Des, de, ouais, vraiment des, de Marvel Avengers. De Marvel et Avengers, ça, exactement. Du MCU. Tu vois, du MCU. Ouais. Ah, c'est okay. La suite du MCU. Oui, mais je ne l'ai pas vu, je sais juste. Moi, c'est, comme, c'est, comme Spider-Man. Hein. Spider-Man, ils ont fait 3 reboots, ils sont tous les 3 intégrés au lore du MCU. Oui, ah, à la fin. Ils sont parce que c'est des multivers. Oui, bien sûr. Et bien, alors, là, c'est pareil. Ouais, voilà. Bah oui, c'est l'intégration du multivers. Moi, j'aimais bien quand ils étaient tout seuls dans leur coin. Là. Ils ne faisaient pas chier, ils étaient 4. T'as raison. Ils faisaient leur life. Oui, mais si tu suis les comics. Mais à un moment donné, ils se rejoignent tous, hein. Ouais. Non, alors, moi, je vous rejoins. Je suis, enfin, désolé, je te coupe. J'ai kiffé la saga de l'infini. Je l'ai aimé. La saga de multiverse, je peux pas l'avoir en peinture. C'est trop. Oui, par contre, oui, c'est compliqué. Je peux pas l'avoir en peinture. Les séries, les films et tout, je suis d'accord. Dans n'importe quelle série où tu dirais, je prends les séries à la con DC, là, Flash, Arrow. Ils ont fait un putain de multiverse à la fin. Et ça a chié. Parce que le premier Avenger a tout niqué. Le premier Avenger est arrivé, c'était cool de les voir tous réunis pour un film de temps en temps. Ça faisait plaisir, je l'avais déjà dit en podcast. Ça faisait plaisir, c'était le truc unique. De temps en temps, ils sont réunis. C'est bien. Sauf que quand c'est arrivé, ça a tout cartonné et tout le monde a voulu le faire. Ils ont vu tous les fans qui se pignolaient dans la salle avec les mouchoirs et puis voilà. Et du coup, comme tu dis, après t'allais voir un Captain America ou un Spider-Man ou un Iron Man, il fallait qu'ils incluent. Fallait inclure ouais, dedans oui, d'autres super-héros. Fait trop, mais après, ça moi, cassait moi, les ça couilles. Cool. Bon, bref. Vas-y. Donc, celui-là, donc, il m'attirait pas parce que bah, je trouve qu'ils sont moins badass. Non, mais tu vois, genre le surfeur d'argent, c'est une gonzesse. Ah, parce qu'en plus, il y a le surfeur d'argent dedans. Oui, il commence direct avec ça. Alors, ça me dérange pas que ce soit une femme, hein. En soi, je m'en fous. C'est un homme, des femmes, c'est dans celui-là que Doom Fatalis, c'est. Si, Pedro Pascal. Non, non, bah non c'est tu Robert vois pas en Donnie Junior. Oui, mais tu le vois pas. Tu le vois pas là. Mais tu le sauras pour après en fait. Oui. Si tu. Enfin, à la fin, tu t'en doutes. Ouais. Donc, oui, donc en fait, si tu veux. Donc, il m'attirait pas plus que ça parce que voilà, c'est. Ça... Les 4 fantastiques, on a eu la première. La trilogie parce qu'on avait les deux, là, les deux premiers. Que j'ai surkiffé à l'époque. Ils ont fait la nouvelle version. Que j'ai trouvé médiocre et nulle à chier. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pas été trop déçu. Ah, c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. C'est des gosses. Tu vois, ça correspondait pas. C'est un bon film, mais c'est pas un 4 fantastique. Oui. Tu vois, ils ont un certain âge, une certaine expérience, un machin et tout. Qu'ils avaient pas du tout, là, tu vois. C'est juste des grosses têtes qui sont tombées dans un trou noir au fin fond du trou du cul du monde. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, c'était pas ça ouf. Dénature totalement la nature des 4 fantastiques. C'est un remake, quoi. Et là, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils squeeze toute la partie de comment ils sont devenus les 4 fantastiques. Donc, tu l'as pas. Parce que t'es censé déjà connaître. T'es censé déjà connaître. Et alors, faut savoir qu'en fait, voilà, comme c'est dans un multiverse, il te l'explique rapidement, mais vraiment, c'est... tu comprends que c'est pas ça la base du film. Tu vois, on s'en fout de ça. Pour vous spoil ? Je vous spoil ? Je vous spoil pas ? Ouais, moi, je connais un peu l'histoire, donc. Alors là, je rejoins Anneli. J'en ai rien à branler. Je me souviens plus, même plus des noms. Miss Connasse qui se devient transparente. La femme invisible. La femme invisible, merci. Bon, moi, c'est Albert. Elle tombe enceinte, tu vois, dans celui-là. Elle a un bébé. Donc, du coup, en fait, tout on se base. Son bébé. Ouais. Tu vois son fils avec le fils. Hein ? C'est pas la question en même temps, mais. Non, attends. Ouais, j'ai pas de question. C'est le fils avec Mister Fantastic ? Oui. Comment il s'appelle ? Le gosse ? Oui. Je sais plus. Oh putain, mais t'es. Oh. Pourquoi ? C'est un peu lui qui peut contrôler la réalité en fait. Oui, c'est ça. Oh putain, Fantastic lui, Boy, il déchire. Hein, je sais pas. Ça, c'est un putain de. Sauf que. Alors voilà, sauf que là, c'est un bébé. C'est pas encore. Oui, mais bon. C'est la création de ça. Mais en fait, j'ai regardé et ça existe vraiment en fait. Je suis passé à côté de plein de trucs, moi je savais pas. Mais je savais pas. Bah, sinon, je le saurais pas. Dans l'histoire, combien. Oui, mais bon, tu vois, j'apprends des choses en regardant. Adam, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas. Oui. Regarde si tu veux, non, si non, ça t'éclate. Google Geese, il regardera pire. Et en gros, si tu veux, donc c'est ça plus. Le gros méchant, c'est... j'ai même plus les notes. Galactus, merci. On le voit enfin. Franklin. C'est Franklin. C'est ça, ouais, il a le contrôle de. Il contrôle la réalité. Mais en fait, ils le savent pas encore du tout ce qu'il contrôle. En gros, c'est Galactus qui veut le récupérer. Bah, tu m'étonnes. Pour faire. Pour l'utiliser à sa place. Manipulation de et la sauf réalité. Sauf que, mais enfin, on voit Galactus, tu vois. Enfin, c'est un truc qu'on attendait avec impatience depuis des années. On le voit, il est. Non, bien. C'est nul. Non, c'est... on le voit, il est badass, machin et tout ça. Après, la phase de la surface d'argent, en fait, bah, c'est pareil. Tu comprends qu'elle est là pour accrocher Johnny, tu vois, au final. Donc, il tombe amoureux, lui, vite fait. Enfin, il est con comme un balai sur le coup. C'est pas foufou, quoi, tu vois. Enfin, en fait, j'arrive pas à savoir si j'ai aimé le film ou j'ai pas aimé. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. En fait, c'est juste que t'es bon public, moi. C'est exactement ce que j'ai pensé quand je t'ai vu. Oh, putain. Et donc, le verdict. Il sait toujours pas, peut-être. Il sait toujours pas, sur la réserve. Non, mais tu vois, en fait, j'ai apprécié le regarder. Je pourrais le re-regarder. Mais il y a des trucs qui m'ont tellement dérangé. Je pense que du coup, faudrait que tu le regardes une deuxième fois pour être. Peut-être qu'il y a déjà regardé deux fois. Ah bon ? Ouais. Parce que justement, j'arrivais pas à me dire j'aime ou j'aime pas. En fait, j'aime beaucoup de passages et je déteste beaucoup d'autres. En ce moyenne. Qui fait que... mais, non, mais je suis hyper mitigé en fait. Ouais, tu vois, en fait, j'arrive pas à me dire j'aime ou j'aime pas vraiment. Marvel, ils vous ressortent la même soupe tout le temps. Tout non, parce temps, que là, tu vois, temps. Déjà, c'est dans les années 60 ou 70, enfin, tu vois, c'est avant. Donc, déjà, ils ont respecté le décor, le machin, donc tout ça, c'est beau. La DA est nickel, machin, tout ça. Même les façons de vivre. Pourquoi c'est avant ? Mais parce que c'est un multivers où ils sont en retard par rapport à. Ça reprend vraiment l'origine du comics. Un peu comme Pokémon. L'innovation en moins. Ouais, ça va me fatiguer ce genre de truc. Oui, tu mais vois, tu vois, l'innovation en moins, donc c'est avant nous, notre ère, puisque c'est dans les années 60. Mais technologiquement parlant, ils sont supérieurs à nous, mais de ah ouf, bon tu vois, à un moment donné. Bah, clairement. Alors qu'ils sont dans les années 60. Oui, c'est ça. C'est, tu vois, c'est trop une contradictoire. Dystopie, en fait. Genre, à un moment donné, ils sont en train de préparer un téléporteur pour téléporter la planète entière. Tu vois, donc en fait, le gap, je sais pas, c'est chelou. Bah ouais, bah rien que d'écouter déjà, c'est chelou. Ouais, c'est clair. Donc voilà, donc. Mais il y a quand même le fils de Monsieur et Madame Fantastique. Ouais. Ça déchire. Franklin. Ouais. Pas la tortue. Non, mais là, il devrait faire un film que sur lui. Je veux dire, le mec, c'est ce pouvoir de ouf. Il a une carapace. Et il va dans les égouts. Là, après, t'as Docteur Doom qui va essayer de l'avoir. Mais il peut. En fait, potentiellement, s'il gère son pouvoir, il peut éclater tout le monde. Mm. Même Thanos, je contrôle. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il veut faire de mieux que contrôler la réalité ? Bah oui. Bah rien. Je veux dire, lui, s'il veut téléporter la planète, il peut téléporter la planète. Ah, mais il fait ce qu'il veut. De toute façon, il fait ce qu'il veut. Il est cheaté, ce drôle. Enfin, ah, voilà. On verra. Donc, concrètement, voilà. Avoir... essayez de le regarder. Oui, toi, tu le regarderas pas, on le sait très bien. Oh, tu pourrais, ça pourrait te surprendre. Des fois, je regarde des trucs. Mais tu dors. Alors, il est rarement conseillé que tu regardes des choses que nous ne te conseillons. Non. Non, ça arrive. Il est rarement. Je me rappelle une fois en 96, j'ai regardé un truc à une créature, quand tu la mouilles, ça fait des créatures qui sortent de son dos. Je vois ce que tu veux dire. Milins, Mikitsins. Oui, Grenes 4. Ouais. Mais Geek et moi. Voilà. Crocodile Dundee. Tu mouilles pas son dos. Non, mais en même temps, ça merde. Dépend quand il est sous la douche, oui. Bah avant d'entrer dans l'eau, il mouille sa nuque. Hein. Oui, il se multiplie pas. Bon, il multiplie pas. Il se multiplie pas. Multipass. Non, mais si, des fois, je l'écoute. Okay. Non, mais pas du tout. C'est un truc Marvel, tu vas pas regarder, on le sait. C'est du Marvel, loulou. Oui, parce que c'est trop de Marvel. Voilà, tu vois, je viens de répondre à la question. Tu regarderas pas, on le sait. Donc voilà. Et ok. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. Et c'est déjà pas mal. Et il a dormi. Deux sujets, à peu près 20 minutes, ça va. Ouais, mais parce que je suis bon. Ok. Bon, t'as quelque chose, toi ? Merci. Je te donne ma voix. Ah, bah non, pas ta voix. Non, pas ma voix. Bon, mais je te donne la parole. Pour ma part. Juste ton silence. Pour ma part. Avant de commencer ma partie jeux vidéo, on va parler. Je sais pas si vous êtes au courant. Nous avons eu un petit commentaire sur Facebook. D'un admirateur. T'es obligé de revenir là-dessus. Ouais, j'ai envie. Ouais. Moi, je vais faire un commentaire. Il va falloir que t'arrêtes à chaque émission de mettre des trucs qui sont pas dans le doc. Hein, de dire des trucs qui sont pas dans le doc. Quoi, c'était pas le premier à dire ça, justement, que Annie faisait ça tout le temps. Non. Moi ? Ah non, moi je respecte, c'est bien. Non, c'est bon, je sais plus qui rectifie ton doc et que tu. Je l'ai pas vu, moi. Qui c'est qui a fait ça la dernière fois ? Je sais plus, c'est pour ça que je dis ça, je déconne. C'est pas impossible. Ah, c'est moi qui ai dit, c'est pas dans le doc. Oui, ah oui, ouais, bah, voilà, c'est toi qui l'as dit. C'est qui l'a dit à qui, mais. T'as rajouté un truc. Certainement, on en a rien à branler. Bon, bref, si, c'est moi, t'as raison, je me souviens. Donc j'ai continué la série Chucky. Ah. Parce que c'était par rapport à ça, on a reçu un mail. Putain. Un petit message négatif. C'est pas un mail. Chucky. Non, Chucky. Je suis pas. Non, Chucky, c'est Chucky. Chucky. C'est pas même si mail. En anglais le U, tu peux le dire ou hein. Chucky. Donc non. Si, tu on, peux. A reçu, on a reçu un commentaire sur Facebook. Bon, pas sur mail. Oui, un commentaire sur Facebook. Donc je tiens à dire quand même que les commentaires négatifs sont prenables. Bon, on l'a pris. Tout à fait, on l'a pris dans la gueule. Hein. Là, je l'ai pris dans la gueule, je l'ai pris. Et on y a répondu. Il n'y a pas de souci, oui, tout à fait. Non, non, mais si, il faut. Non, mais les commentaires négatifs qui sont constructifs, ok. Quand c'est négatif et que tu n'écoutes pas jusqu'à la fin, ça sert à rien. Si ça y est, ça te plaît pas, tu t'arrêtes. Bah, n'écoute pas en fait. Non. Si. C'est que. On va le répéter, je vais piquer cette phrase de Level Max. Nous ne sommes pas des professionnels. Pas des professionnels, non, tout on est fait. Des joueurs comme vous. On va parler pour vous, moi je suis pro. Ouais. Et, et voilà. Et on a dit des erreurs et on en redira encore. Ah, mais non, corriger. Des conneries. Je dis moi des conneries. Non, pas des erreurs. C'est voilà. Pas des erreurs, c'est des conneries. Qu'on vienne. Après, on peut venir rectifier les choses. Mais tout à fait. Mais là, on a pas dit trop de bêtises en vrai. Non, c'est que la personne en question, on est tombé sur un fan service de la série Chucky. Je le respecte, il n'y a pas de problème. Après, j'ai pas vu toute la saison en entière, donc j'ai pas pu dire tout ce qu'il y avait à dire. Forcément, il y a des choses qui ont été dites, mais qui ont été fallait rattrapées. Fallait préciser au début que tu l'avais pas regardé en entier la série. C'était précisé, fallait écouter en fait. voilà, si même toi t'écoutes pas, je peux rien faire pour nous. Bon, bref. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'avance, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et comme il le dit clairement dans son message, j'ai bien vu que c'était un grand fan. Oui, ça reprend plusieurs personnages, des acteurs, des anciens Chucky, que ce soit même un enfant, d'accord, des années 80, qui est maintenant grand. Ça reprend, quoi ? Non, je me dis qu'il doit y avoir 30 personnes dans le monde qui doivent être fans de la série et qui doivent se souvenir de ces putains d'acteurs. Oh, 30 t'abuses. Non, j'ai non, non. J'ai pas vu un film en entier. Et oui, c'est vrai toi, que mais... la série retrace très bien les 7 films. C'est vrai, ça reprend. Ça fait une Cobra Kai, quoi. Ça reprend les films qu'il y a eu avant. Ouais, beaucoup de clins d'œil. Mais ça se fait de plus en plus, ça me choque pas. Non, mais... Donc je vais rajouter mais que oui, tu voilà. Parles de Chucky. Oui, rajoute-le. Oui. Mais oui, bah oui, bah c'est sinon. Mais c'était vite fait, c'était un petit aparté parce que j'avais envie de chercher. Un aparté de 5 minutes. J'avais envie de chercher. Foutez ma gueule ou quoi, ça fait une heure qu'on parle sur un checkpoint, vous êtes 3. Vous n'allez pas m'emmerder la vie. Hein. Bref. T'écris Chucky comment? Comme la Chucky, ça se prononce. Mais, de celle que tu suces. La Chucky Choups. Chucky Choups. Bref, merci à toi de nous écouter. ça nous fait plaisir. Love. Mais non, mais c'est vrai, si vous êtes pas content. Soyez pas content. C'est souvent. Non, mais les gens retiennent souvent le négatif, mais jamais le positif. Non, en fait. En même temps, on va pas venir te voir. Mais je m'en fous, moi, de négatif. Ouais, voilà. Bref, allez, vous ne comprenez pas. Mais si, on est d'accord avec toi. Vas-y, Mamour, avance. Vas-y, continue. Sinon, un petit truc plus joyeux. Plus joyeux, je suis pas sûr. J'ai joué à Silent Hill F. Un peu de jeu vidéo. J'attendais ton avis. Alors, aussi. Il est sorti le 25 septembre 2025 sur PC, PS5, Xbox, Series X. Il a été développé par Neobards Entertainment. Je connaissais pas. Hein. Bah si. Si, c'est vrai. Si, c'est ce qu'on fait Silent Hill F. Non. Attends. Si. Oh, si. Bah, si, il a raison. Oui, mais attends, je sais ce qu'ils ont fait avant, mais je m'en souviendrai pas. Ça m'étonnerait. Parce que moi, je me suis renseigné, je les connaissais pas. Je te dis que si, mais vas-y, je t'écoute. Ils ont fait Resident Evil Reverse. Oui. Ah oui, je savais. Non, bah alors non. Et Resident Evil, je sais plus quoi. Ah, mais je confonds avec une autre équipe. Ouais, je pense. Ouais, ils ont rien fait de spécial. D'accord. Donc, c'est édité par Konami et le moteur du jeu est Unreal Engine 5. Soit. Bon. Okay. Classique. Bon, pour la petite histoire, on incarne Inako. C'est une petite lycéenne japonaise des années de 1960 qui vit dans une petite ville rurale qui se passe au Japon. Silent Hill. Voilà. Non, c'est pas le nom de la ville. Non. Ah bon, merde. C'est Ebisugaoka. D'accord, voilà. Pour la petite histoire, sa vie familiale est assez difficile. Du coup, à travers cette exploration, elle est confrontée à des traumatismes, à des choix moraux, et elle devra trouver un moyen de s'en sortir. Tout en découvrant pourquoi la ville, ce brouillard, qu'est-ce que ça signifie réellement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce jeu ? Il a l'air bien. Mais il est pas mal. Maintenant, alors, le jeu propose des fins multiples, selon les décisions que tu prendras. Donc ça, c'est pas Pokémon, quoi. C'est un petit peu négatif pour moi. Mais bon. Quoi ? Arrête de rigoler, c'est vrai. Bah non, si, c'est cool. C'est chiant parce qu'il faut refaire des runs. Si tu veux, si tu veux faire YouTube. Ouh, voilà. Tout à fait, comme Loosegard, si tu m'entends. Pourquoi c'est ce qu'il a Loosegard, il l'a fini, il a été voir toutes les fins sur YouTube parce que ça le gonfle de refaire des runs et je le comprends. Je comprends aussi. Voilà. C'est ce que j'avais fait pour 2-3 Become Human. Tout à fait, oui, comprends. Ah bah, voilà, il y en a plein. Bah, sachant que là, tu peux quand même reprendre où tu veux dans ta run. C'est vrai. Dans D3. C'est vrai. Bref. Du coup, contrairement à certains, volets qui se concentrent principalement sur le malaise, je reprendrai par exemple Silent Hill 2 en remake que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Celui-ci est orienté un peu plus sur le gameplay, en fait. Action, ouais. Voilà, plus action, esquive, parade et des attaques. Ça fait pas trop peur, en fait. Oh si, il y a quand même une petite tension. Attention, là, je te parle de ça, ça fait peur. Ça fait très peur. D'accord. C'est pas malaisant. C'est pas malaisant, mais ça fait peur. D'accord. Il y a des petits jumpscares. Franchement, les monstres font peur, ils sont très bien faits. L'ambiance est là. Ça reste sombre. C'est sombre. Oui, c'est très sombre. Surtout que c'est japonais. C'est éclairé comme un soleil de midi. Et puis le fait que ça soit l'univers japonisant, tu sais, comme ça, c'est vraiment la culture. C'est tout un autre univers que de ce qu'on connaît des Silent Hill. Bah, ça fait un peu The Ring ou tu vois ce genre de film. Ouais, tout The Grudge. Ouais. The Grudge, c'est un. Ça se passe au Japon. Mais The Ring à la base, c'est. Bon, bref. Oui, c'est. Donc, du coup, le niveau gameplay, c'est pas forcément le point fort du jeu. Pour moi, il n'est pas très au point. D'après ce que j'ai vu, effectivement, les coups n'ont pas d'impact. Quand tu tapes sur les ennemis, tu fais. Est-ce que tu l'as touché ? Est-ce que tu vois pas que tu l'as. Ouais, tu vois. C'est tendu déjà si t'arrives déjà à le toucher. Ouais, mais tu le sais pas en fait. Parce que même quand il prend un dégât, il bouge. Tu l'as il pas bouge stocké. Pas forcément, t'entends le bruit. Ouais, mais tu ouais, vois enfin, le sang, hein, ça se projette, mais. C'est léger quoi. Et moi, personnellement, ça m'a fait limite penser à un Soul-like le truc. Faut esquiver. Faut pas attaquer trop vite. Il y a eu le... Mais les développeurs ont démenti le truc. Pour eux, c'est pas un Soul-like. Hein. C'est sûr. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça, je t'ai dit ouais, mais moi, si j'avais le jeu, je mettrais les énigmes en normal et le. Et le et l'action en mode histoire, je tout crois à fait. Dit. Sauf tu m'as que dit, ça, tu peux mais... pas. Ouais. Voilà. C'est enfin et t'as que deux. Voilà, vu qu'il me parle de ça. Pardon. Non, non, mais il y a que deux modes de difficulté. T'as le mode histoire ou le mode difficile. T'as pas d'entre deux, quoi. Non, t'as pas d'entre deux. Et il me semble que tu. Alors, si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez certainement. Je me rappelle plus. Laisse un message. Au début, laisse un message sur Facebook ou sur Twitter. Tu peux choisir, il me semble. Pour l'action, l'action et les énigmes. Ah voilà, c'est ça, c'est pour ça il que il me semble. C'est, oui. Tu peux choisir histoire ou difficile. Moi j'ai pris histoire, je vous le dis direct. Et c'est compliqué. Et c'est déjà compliqué. Ah ouais, ok. Même j'ai pris l'histoire et c'est surtout les combats qui sont compliqués. Les énigmes sont très faciles en histoire, mais ça me va parce que je suis pas très bon sur ça. Mais c'est vrai que les combats, c'est pas gérable. C'est ce que je peux reprocher à certains jeux. Où le jeu m'intéresse, mais en fait, c'est l'action qui me casse les noix. Mais c'est l'action c'est qui con, fait hein. chier tout le monde. Non, mais de ce que j'ai compris, les gens veulent pas faire la deuxième run parce que le combat, ça les saoule. Ok. Ça leur met une barrière. Les armes, j'ai bien aimé. Enfin, j'aime bien, toujours, j'ai pas fini. Elles ont une durabilité. Alors, ça dépend de l'arme, mais pourquoi pas. Ben ouais, non, mais t'as de quoi réparer tes armes s'il faut. Mais t'as pas un tuyau métallique par exemple? Alors, on n'est pas dans un Silentine basique. Alors, c'est un petit clin d'œil, le tuyau métallique pour moi, c'est un petit clin d'œil. Hein. Oui, ouais. Sinon, ouais, après, tu peux avoir un couteau, tu peux avoir une hache, tu peux avoir une masse. D'accord. Plus ton arme est grosse, plus c'est long à taper, bien sûr, forcément. Titre. Pardon. Et oh du oui, coup, ça marche. Voilà, il y a une durabilité et c'est pas mal, je trouve. Ça apporte un petit peu plus de difficulté. Et ça a gueulé sur Zelda, bref. Of the Wild. Je la ferai toujours, ça. Ah, bien sûr. C'est gentil. Et du coup, moi j'ai kiffé. Enfin, pour le moment, je suis à la moitié du jeu, à peu près. Tu as 6 heures de jeu. Donc, il y a quand même une belle durabilité. Et l'histoire avec Imako, là. Inako ? Ouais. Ah, les Osef. Ah ouais ? Après, je comprends rien. Je comprends où est l'eau. Et tu passes pas les cinématiques. Et j'ai pas passé les cinématiques. Alors, Loosegard n'a pas compris. Et tout le monde dit apparemment qu'il faudrait faire d'autres runs pour comprendre l'histoire. C'est un peu alambiqué comme système. Ouais, franchement, c'est fou. C'est con. C'est fou. Franchement, c'est fou. L'histoire est folle. Je ne comprends rien. Je suis perdu. Je regarde. Il y a un gap quand même entre pas tout saisir et rien comprendre, tu vois. Mais je comprends pas parce qu'en fait, si tu veux, le jeu se. Tant pis, hein, enfin, si vous voulez pas écouter, écoutez pas. Le jeu se passe dans deux univers un peu parallèles. Ouais, comme dans Silent Hill, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ah, putain, oui. Et c'est comme dans le monde du jeu. Non, ouais, mais non, t'as Silent Hill, t'as le monde réel mais et le monde. C'est pas pareil parce qu'en dans fait. Dans la brume, tu vois. C'est, ouais, voilà, c'est à dire qu'elle, même quand elle est dans l'autre monde, elle se comporte pas pareil. Donc elle fait des trucs qu'elle aurait pas fait dans la vraie vie. Ouais, c'est chelou. C'est ça qui est en fait, faut le jouer, mais. Peut-être qu'elle comprend pas où elle est en fait. Je sais pas, il y a des choses. Je peux te jurer que si je me retrouve avec Silent Hill, je vais pas me comporter comme d'habitude. Non, mais quand ils disent, quand je vous ai dit qu'elle avait des choix moraux à faire, ouais. C'est des vrais choix moraux. D'accord. Voilà, elle est avec un groupe d'amis et tout. Attention, on n'est pas à la Silent Hill à l'ancienne, tu vois, où t'es tout seul. Ouais. Où tu rencontres un personnage par là, elle a des amis. Je la pousse du toit ou je la pousse pas du toit. Ouais, c'est limite ça, ouais. Ouais, ouais. Ou je la pousse du toit, mais c'est normal. Ouais, voilà. Oups. Voilà. D'accord. Moi, bah, j'aimerais bien le faire, celui-là. Bah, bon, je pourrais pas, mais. Achète-toi une console PS5, je te prêterai. Du coup, ce Silent Hill F devient le jeu Silent Hill le plus vendu en un jour. Plus d'un million d'unités vendues. Putain, c'est pas mal. Il était attendu, ouais. Bah, l'univers japonisant, je pense que ça a dû faire pas mal. Pourtant, j'étais pas. Cette franchise se relance aussi, je trouve, par rapport à une petite période de creux qu'elle a pu avoir. Là, il y a un très bon remake. Depuis 2. Le remake du 2, ouais. Ça, je le 2, c'était de la Bluebird Team. Non, c'est oui, pas ça. C'est ça. Ah, c'est ouais. Bluebird Team, ouais. Mmh. J'ai confondu avec bon, très, ouais. Très très très bon Silent Hill aussi. J'ai bien aimé. Alors je l'avais jamais fait. Et... C'était, je crois que c'est, je suis pas un fan de Silent Hill. Mais je crois que c'est l'épisode préféré des fans, le 2. C'est possible. Il me semble. Oui, alors le 4 est pas mal, The Room. Peut-être. Qui se passe dans un appart. Peut-être. Je suis pas fan non plus. Que dans l'appart. Principalement, ouais. Ah, pratiquement. Ouais, ouais, mais bon, t'as des boucles. Bref. Ok. Sois curieux, il est bien. Ok, bah ce sera tout pour Silent Hill F. Et j'ai joué à Little Nightmare 3. Ah, bah ça aussi. Toi qui es. Alors là, on peut pas dire que tu n'es pas fan. Enfin, en tout cas, je les apprécies un beaucoup. Très grand fan. J'ai kiffé le 1. J'ai kiffé le 2. Mmh. T'as kiffé la version. J'ai aimé le 3. Ah, il a aimé le 3. Ou ouais, enfin, par rapport. Après, mais personne n'a dit que c'était un mauvais jeu. Si. Mais il est en deçà. Il y a plein de gens qui disent que c'est un mauvais jeu, je vais leur cracher dessus. Allez, et bizarrement, nous on n'a pas le droit de cracher sur ceux qui crachent sur Pokémon. Mais bon. Non, mais. C'est ça. Si tu peux, j'ai jamais rien dit. Ouais. Mais surtout qu'ils crachent avec toi. Ah oui. Vas-y, crache ton verre. Titre. En fait, je trouve qu'en ce moment, je crache avec toi. Tu le disais, les gens sont jamais contents. Mais non, c'est sûr. Hein. Ils ne sont jamais contents. Comment tu peux t'attendre à faire que des bons jeux? Donc il faut savoir que Little Nightmare est sorti le 10 octobre 2025 et que le développeur n'est pas le même que les deux premiers. Oui, c'est vrai. Déjà, voilà, là c'est Super Massive Game qui l'a fait. C'est un indice qui pue la merde. Et toujours les Super Massive Game, ils ont fait quoi comme ils ont fait les Dark Pictures. Tous les Dark Pictures et ouais, tout ça, ils les ont fait. D'accord. Until Dawn, tout ça. Donc l'éditeur, c'est toujours Bandai Namco. Bon, on peut les retrouver sur toutes les plateformes, je vais pas vous faire le truc. Donc du coup, c'est un plateforme puzzle survival horror, avec des mécaniques différentes. Pour un jeu 2D, il me faisait flipper. Enfin, oui. Il y a une tension. Il y a une tension. Alors, il est, vrai que, il est vrai que dans celui-ci, il y a un peu moins de tension. Ouais. Il est vrai que pour celui-ci, Supermassive Games se repose un peu trop sur le 1 et le 2. Bah, c'est une licence qui est déjà bien en place. Voilà. Ça a marché. Ils n'ont pas voulu décevoir les fans, je pense. Et il est décevant. Il est décevant certains, si tu veux. Il est vrai qu'il est très court. Combien ? Moins de 4 heures. Ouh. Ah oui. Pour combien ? Il est vrai que Amazon vous emmerdez. Voilà. Il est vrai que... Non mais ça m'égave. Tu vois, je l'ai précommandé le jeu. La petite histoire, hein. Petit aparté. Vas-y, je l'ai précommandé le jeu sur Amazon. Il est pas que psychologue, il est aussi avocat. Oui. Non mais écoute, il est juste. Il est vrai. J'ai acheté il a plusieurs cordes à son arc. J'ai acheté le jeu 39,99 okay. Sur Amazon. Je l'ai précommandé à ce moment. Moins de 40 euros donc. Donc moins de 40 euros tout donc, à fait. 40 balles. Oui. Je vois une offre le jour de la sortie. Je l'avais pas reçu le jeu. Je vois une offre Leclerc 30,16€. Ah ouais, ça fait une différence. D'accord. Bah, 25% moins. Je pars sur quoi à votre avis? Bah tu annules ta préco. D'accord. Pour la recherche. Mais d'abord je regarde sur Amazon. Et qui font quoi? Le jour même de la sortie, le mettre à 30,16€. Pendant c'est pas du vol? Bah si. Sans déconner. Bah non, c'est pas du vol, c'est surf sur l'app des pigeons, mais ça c'est normal. Hein. Je le précommande, je le paye 40 euros et vous le faites à 30,16€. Bon bah j'ai renvoyé le jeu direct. Je l'ai reçu, je l'ai envoyé. Et je l'ai pris Leclerc. Ah non, j'en veux pas, bah attends. C'est quoi cette baisse? Enfin, ça se fait souvent. Mais pourquoi t'as juste pas envoyé un mail? Ah, non, mais quand tu fais le renvoi, ils te demandent déjà. Ah ok. Pourquoi? J'ai dit différence de prix, j'ai trouvé ailleurs. C'est ce qu'ils m'ont répondu. Si vous voulez, vous pouvez le garder pour 4 euros de plus. On vous rembourse 4 euros. Super. Mais ça, tu perds toujours. Voilà. Oui. Surtout qu'Amazon, ils te prélèvent le jour où eux, ils t'envoient. Ils font l'envoi. Oui, tout à fait. Ah, ouais. Bon, bref. Du coup, moi, je l'ai payé 30 euros à la base. Sinon, c'est 40. En précommande. Donc, 30 euros pour moins de 4 heures. Oui, voilà. Mais celle-ci nous explique pas pourquoi les gens n'apprécient pas ce jeu. Expliquez-nous, maître. Je vais vous expliquer. Dans celui-ci, on peut incarner un des deux héros. C'est on Jean-Cop. Donne la possibilité de choisir. Du coup, on peut choisir soit Lo, qui manie un arc, ou Elon, qui utilise une grosse clé à molette. Titre. Ouais. Du coup, vous aurez besoin l'un de l'autre, parce que vous ferez toujours l'aventure à deux. Ouais. Là, petit bémol, tu as la possibilité de jouer en coop. Ah, voilà, ce qui m'avait semblé... Mais pas en local. Pas en cross-platform. Oh. Et que avec un pass ami. Voilà. Donc, sans déconner. Alors, il y a que ce truc-là. Si je veux jouer avec Seb ou avec toi, Mimi, tu télécharges le pass ami. Tu peux jouer, t'es pas obligé d'acheter le jeu. Mais tu peux pas jouer chacun chez ah, soi. Ah, papa, ça dépend. Est-ce qu'il faut qu'ils aient l'abonnement internet? Oui. Oui. Ah, bah, bien sûr. Oui, évidemment. Full PS Plus. Voilà. Donc, ça, je suis. Money. C'était money. Presque. On y était presque. Et en plus de ça, il faut avoir un compte Bandai. Ah, oh, ça casse les couilles. Ah, bah allez-y, ouais, t'as la totale. Ah, ouais, c'est. Seb, tu as un compte Bandai. C'est énorme. On a j'en ai un, oui, forcément. Ça va se faire. Non, foutre. J'en ai pas. Non, mais voilà, pour jouer en local, tu peux pas pour jouer en console. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire qu'il faut avoir la même console, ouais. Un abonnement, le compte Bandai pour pouvoir faire un jeu de 4 heures en coop. Et quand tu dis la même console, je te reprends, tu as raison, c'est la même console. C'est-à-dire oui, que même sur PS4, il faut une PS4. Ah, oui. Ça marche pas, PS4, PS5, non. Ah bon? Oui. Allez, ils ont fait fort. Et là, ça gueule. Et là, je suis d'accord. Oui. Et après, on s'étonne qu'on fasse des sujets comme on va faire tout à l'heure. Non, mais c'est pas faux. Donc, du coup, moi, je l'ai aimé. Je l'ai quand même apprécié. Oui, non. Il y a, oui, ça vient cacher ton truc. Il y a un peu moins de surprises, il y a un peu moins d'horreur. Je pense qu'ils étaient sur la réserve. Je connais les mécaniques et tout. Voilà, je connais les mécaniques. Ils ont pris quelque chose qui marchait. Ils ont dit, on va pas faire de la merde. On va rester sur les trucs basiques. Mais du coup, ils ont un jeu basique. Voilà, il n'y a qu'à la fin où t'arrives à avoir un peu de gameplay, mais c'est dommage parce que c'est dans la dernière demi-heure. C'est dommage. Bah, ça va, ça représente quand même 15% du jeu. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'est pas long. Hein. Après, je veux dire, franchement, j'ai torché. Hein. Enfin, je l'ai fait en ligne droite, quoi. Il n'y a rien à chercher. Ouais. Dans les autres, tu avais des petits items, des costumes à chercher. Je n'ai pas trouvé grand-chose. Ah si, j'ai un passage où tu es dans la cabine du capitaine du bateau, tu as des trucs à chercher dans le 1. Ah oui, dans le 1 et le 2, oui, mais pas dans le 3. Pas trop. Ah ouais. Pas trop. C'est bien que tu l'aies payé que 30 balles finalement. Ouais, ouais, ouais. Après, j'en garde un bon souvenir. Mais c'est vrai que je l'ai fait en 3 fois, quoi. Ouais, j'ai allumé 3 fois la console et puis voilà. Ouais, ouais. Mais il est très bien, mais il fait moins peur. Mais alors, voilà. Il y en a beaucoup qui disent, je sais pas si vous en avez entendu parler de ce que je vais vous dire. Dites-le nous. Que le 3 n'est pas le 3. C'est né, enfin, tout dans quoi dans l'histoire, dans la timeline? Non, dans l'histoire des Little Nightmares, en fait. Mm. Bon, en c'est, temps, alors, ils jeux. Disent que c'est pas le 3, parce que c'est pas le 3 de Tarsier Game, en fait. Ah, du développeur original. Du développeur original, parce que tu sais, je sais pas si vous savez, ils sont en train de faire un jeu qui va sortir en 2026. Mm-hmm. J'en ai entendu Il s'appelle Reanimal. Oui. Oui, il a l'air sympa en plus. Et c'est pareil, en fait, t'as deux enfants et tu dois t'échapper. Et apparemment, de ce que j'ai vu, il est en démo sur Steam, pour ceux qui veulent le faire. C'est vrai que c'est plus beau, ça a l'air plus intense, et apparemment, ils auraient donné la possibilité à Supermassive Games de le faire pour faire attendre les fans en attendant que eux ils sortent leur gros jeu. D'accord. Ça se tient. Alors après, c'est toujours le problème de déposséder le développeur original de sa licence. Sur Metal Gear, par exemple, quand ça a été une autre équipe Kojima, ben, tout le monde s'accorde à dire que ce jeu-là ne fait pas partie de la licence originale. Oui, tout à fait. Alors là, dans ce cas-là, ils ont été couillants chez Bandai. Pourquoi ils n'ont pas dit, ok, vous ne pouvez pas faire Little Nightmare 3, on va le donner à Supermassive Game, et qu'il ait appelé Little Nightmare Adventure. Peut-être qu'ils voulaient vraiment faire une suite, ou ils sont fait sur la hype aussi. Non, mais pour dire c'est un Little Nightmare, mais c'est pas, il est pas canon. Et le 3, il arrivera plus tard. Adventure, c'est pas possible. Je crois qu'il y en a un qui existe. Ouais. Il y en a sur téléphone. Mobile. Je crois que c'est pas ouais. celui-là. Ah merde, tu vois, je dis ça au pif en plus, tu vois. Mais non, mais voilà, c'est ce que. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça dépend. La fin du jeu, est-ce que ça te laisse imaginer une suite ou pas? Ah, y a pas de suite. Voilà. Donc la fin du jeu. Bon, vous savez les histoires de Little Nightmare, on comprend pas trop. Oui, oui. Mais là, tu comprends bien ce qui s'est passé tout le long. Pour moi, j'ai eu un début, une fin. Du jeu ou depuis le 1? Du jeu. Non, du jeu. Non, parce qu'en fait, pour avoir fait le 1 et le 2, le 1 et le 2 se suivaient pratiquement. D'accord. Tu comprenais l'histoire parce que tu retrouvais Six, celui qui était en impara jaune, tu le retrouvais dans le 2. Mm-hmm. Et ça finissait bien, en fait. Ça t'expliquait pourquoi ils étaient là et comment et tout ça. Enfin, ça t'expliquait. À toi de comprendre, de lire entre les lignes. Il n'y a pas beaucoup de paroles. Mais il n'y avait pas besoin d'un 3. Donc là, vraiment, c'est un... Ouais, donc comme disait, ils auraient pu dire Little Nightmare 0 ou... Enfin... Tout à fait. Après, je vous dis ce que j'ai entendu. Moi, je suis pas dans les petits papiers. Hein. Donc... T'es pas dans les petits papiers non plus, les pauvres. Et ça, c'est bien. Oui. Oui, ça... Je pense que c'est juste une histoire que c'était plus vendeur de dire que c'était le 3. Ouais, je pense que... aussi. Certainement. Donc là, maintenant, j'attends impatiemment... le nouveau jeu de Tarsier. On surveillera ça et tu en reparleras dans le podcast. Tout à fait. Voilà, c'était tout pour moi. Yes. Maintenant, je vous propose de passer au quiz. C'est parti, hein. Quand il faut y aller, faut y aller. Et c'est le quiz. Donc, pour le quiz, je vous ai préparé un petit quiz que j'ai noté, le quiz acronyme. C'est ce que c'est un acronyme? Ouais. Ouais, bon, c'est bon. Si, TGV, ça veut dire train à grande vitesse. D'accord. Alors voilà, le but, ça va être de me dire... Tout simplement dans les termes geek, je vais vous donner l'acronyme et vous allez me dire ou en anglais ou en français, à votre convenance, ça ne vous comptera pas de points. Putain, on avait fait un truc comme ça déjà, je crois. Je pense pas. On peut le faire en espagnol? Je connais pas l'espagnol, donc c'est en anglais ou en français, ce que signifie l'acronyme que je vais vous dire. Ça me va. Facile. Donc j'ai préparé juste avant un petit bol avec 35 bouts de papier, il y a 35 acronymes à trouver. Allez, c'est vas-y. C'est au plus rapide ou chacun son tour? Chacun son tour. Ah, tu fais chier, hein? Oui, je sais. Allez, je commence. Je la comprends, celle-là. Ça vous dérange si je commence? Oh oui. Non, vas-y, vas-y. Bon, tiens, vas-y. Non, mais si t'as dit non, oui, vas-y, t'as vas-y, dit vas-y, oui. Vas-y, vas-y. Ça gueule déjà. Voilà. C'est hein, même pas ce commencé. Que je dis à vos femmes, donc ça les dérange pas. Titre. Tu le prends et tu le gardes avec toi, le papier. Bah, tu passes ouais. à ton voisin. Tiens, tu prendras le prochain. Allez. Allez. Tu es prêt? Oui. Le numéro... T'aurais dû les plier encore plus que ça, les papiers, en fait. Je les ai pliés, en fait, je les ai écrasés dans mes mains. Ah ouais, non, mais... Ça change de plier proprement. Le 25. Le 25, Seb. Que signifie le terme OS? Qu'est-ce signifie le terme? Qu'est-ce qu'un OS? Une organisation syndicale. Non, ça, on est dans le domaine geek. Ah pardon, désolé. Ça marche. Je te le donne un point. Non, merci. Non, non. C'est pas moi qui fais. Alors, un OS. C'est Un OS, okay. C'est un organe sensible. Allez, c'est facile. Ben oui, mais je l'ai plus. Bon, quelqu'un là ? Non. Non. Open source. Ça affiche open source. Pas du tout. D'accord. J'ai essayé. Operating system. Système d'exploitation. Bah, système d'exploitation, c'est SE. Hein ? Bah oui, mais c'est operating system, la version anglaise. Nul. Mimi, à toi, du coup. Ça commence bien ce coup. Putain, il était super facile. Le 15. Bon, on me file toujours les questions les plus dures, de toute façon. Ah, dommage. Comme par hasard. Que signifie le terme URL ? Et n'oublie pas que t'as le droit au français ou à l'anglais. Au ton choix. United. Record. Moi, je ne l'attendrai pas en anglais. Listen. C'est quoi un URL, tout simplement ? C'est quand c'est... t'entends pas bien des oreilles. Non, c'est ça. Tu vas voir un URL. URL, c'est pas le truc internet ? Alors là, non, il faut que ce soit plus précis, mon bébé. C'est la base de l'adresse internet. Je peux pas te l'accorder. C'est l'adresse web, tout simplement. Mais c'est quoi, j'ai dit ? Pas du tout ça. La base de l'adresse internet. Sinon, c'est Uniform Your Source Locator. C'est la base de l'adresse internet. Allez, personne n'a de points pour l'instant. 17. Oh bah ça me fait plaisir que ça tombe sur toi, tu vas pas trouver. Ah oui, très Allez, bien. Qu'est-ce que le FOV ? F-O-V. Ça pue. C'est pas, mais je trouve que c'est pas très compliqué. Hein. Et si le tu rigoles, tu prends un point non, ou pas, non, non, moi je suis pas comme Guise. Je sais pas, c'est le fake overthink. Est-ce qu'on va en trouver au moins un français, on essaye de tout faire en anglais, nous. Moi pour l'instant, les trois, je les aurais trouvés. Oui, mais c'est normal, c'est toi qui as fait le quiz. Oui, mais même sans ça. Non, non, je sais pas du tout. Le FOV, Field of View, c'est le champ de vision. Je l'avais pas. Bah si, le champ. Classique. Ah ouais, bah, franchement. Le champ de vision, bordel. Facile. Le FOV. On va terminer à 0-0-0. Ah ouais, je crois que le premier qui marque un point a gagné le quiz. Non, mais non, il y a des trucs faciles. Il y a 35 questions. Putain, mais il faut que je déplie les bouts de papier avant. C'est pour ça qu'il faut le faire avant. Il y a des trucs durs. Putain, il m'a plié ça comme un cochon. Alors, alors là, je suis embêté. Alors, je dirais que c'est le 6. Hein non, c'est le 9. Fais voir. Non, c'est un 6. C'est un 6. T'as pas fait de barre ? Oui, c'est vrai. Ouais, t'as pas fait la barre. Celui qui prend. Ah, Seb, là, normalement, tu l'as celui-là. Qu'est-ce qu'un ARPG ? Un action RPG. Donc un action. Role player. C'est quoi le jeu ? C'est quoi le jeu ? Game. Voilà, role playing game. Et Seb, à ta point. À ta point. Et j'ai gagné le quiz. Ouais. Non, donc RPG. Merci. Tiens, RPG, je remets le trophée. voilà. Bah, facile, tu vois. Ouais. Attends, mon ami. Attends. Je redistribue. Pour l'instant, attends. Le 16, s'il te plaît. Le 16. Ça suit. 15, 16. Oh. Normalement, tu l'as celui-là. Qu'est-ce qu'un F2P ? Un fils de pute. Non. Ah, alors, putain, il n'y a pas des points pour les points humains. Alors là, ça me fait rire. Dans le milieu du gaming, il y en a beaucoup. Ah, ouais. Oui, mais non, facile. F2P ? Oui, tu vois marqué F2P. On dit pas F2P, nous. Quand tu vois marqué F2P, tu dis... Hein... Allez. Un deuxième joueur ? Non, mais putain. Non, je cherche un. Bon, mais si, c'est pas... C'est pas non, je l'ai pas, je le sais pas. C'est un free-to-play. Ah ouais. Mais ouais. Donc c'est un jeu gratuit avec un chat. Ouais. Je préfère mon truc de fils de pute. Ouais. Ça j'avoue c'était marrant, mais moi ça marche pas, y'a rien qui me fait rire. Putain. Moi je suis embêté parce que c'est un 8 et à l'envers ça fait un 8 aussi. Alors un 8. Tu devrais le trouver, normalement c'est assez facile. Ouais. PVP. PVP enculé. Bah putain, je peux pas. Franchement. C'est joueur contre joueur. Ouais. Voilà, joueur contre joueur. Player tout simplement, t'énerve pas. Ah merde, le trophée. Non, je le garde quand même, le trophée. À toi, Seb. J'ai répondu en premier. Le 28. Le 28. Alors, pourquoi pas. Qu'est-ce que l'UI ? L'UI. L'intelligence artificielle. Mais réfléchis un peu. C'est UI. Français ou anglais, je m'en fous, un des deux. Non, je l'ai pas. Tu peux essayer un truc ou pas ? Oui, ça te comptera pas de points, mais tu peux. Ah, c'est le truc du téléphone ? Non, pas du tout. Pourquoi t'essayes des trucs comme ça ? C'est un truc sur la. C'est pas lui le truc du téléphone ? C'est PC. Le moteur ça. Du téléphone, je sais pas. C'est l'OS. C'est une non, carte. Sur. Ou... MIUI, c'est son système d'exploitation, oui. Ah, et MIUI, le UI, pardon. Le UI, effectivement, c'est pour User Interface. Interface donc utilisateur. C'est ça ? Oui, enfin. Non, mais je suis à peu près bon, enfin, je suis dans l'idée. Oui, parce qu'ils ont noté ce truc UI pour interface utilisateur. Le okay. UI du, de ce que tu oui, parles, c'est ça. C'est ça. Oui, voilà, mais c'est, je pensais que c'était t'es ça. T'es trop fort, lui. Ouais, je savais. Comment tirer une réponse fausse à son avantage tu... Non, non, mais non, j'ai répondu bien. Oui, toi, oui, vas-y, Mimi. Ça te coûte pas de points, mais voilà. À côté, vas-y, Mimi, dis ton chiffre. Dis ton chiffre. Le 29. Alors, qu'est-ce que l'AR AR. Accusé de réception. Non, non, toujours dans le terme geek. AR AR. Je le sais, hein, mais là, je te le dirai pas. Ah, je sais. Oh, je sais. Moi aussi, je l'ai déjà absolument vu, mais pas. Alors... je non. sais, je peux dire si c'est ça. Bah, si Mimi... Non, vas-y, pas, vas-y, de toute façon, je l'ai vas-y. Pas... C'est pas la réalité augmentée. Si, ouais, augmentée voilà, réalité. Oui, si, bah, je le savais. Mais les cartes AR pas. À l'époque, sur la 3DS eh bah, oui. et tout. Mais oui, non, je t'ai dit que je l'ai, mais là, je le sortais pas. T'avais pas envie. Faux. 4. Oh, bah alors là. Que signifie le terme VR? On a eu de la R. Virtual Reality. Oh, et en anglais en plus, allez, je te compte deux points parce que c'est toi. Oh, oh, oh, se calme. T'aurais dû préciser ça. En anglais, deux points, en français, un point. Non, non, non, non, je vous laisse des chances. Vous n'avez pas trouvé au départ sur des trucs super faciles. 32. 32. Alors, oui, ça doit être jouable. Qu'est-ce qu'un TPS? Et pas la télévision par satellite, je la vois arriver. Alors, c'est une énigme et blague. Franchement, ça sert plus à rien de faire des quiz. Donc, TPS. C'est de la téléportation. Sérieux, c'est ça ta réponse? Mais non. Ah bon. TPS, TPS. Ah, mais si, je suis con. C'est. Oui, c'est. Pardon, désolé. C'est la vue à la troisième personne. C'est third personality system ou c'est. Oh putain, ça. Non, ouais, là. C'est la vue à la troisième personne. C'est pas la vue à la troisième personne, c'est... C'est une vue... Si, tu vois non, de... First person shooter, jeu de tir. Ouais, j'étais pas très loin. Oui, un demi-point. Guise, il a eu deux points parce qu'il a dit un truc en anglais. J'ai non, c'est pas vrai. Un demi-point. Non, non, t'as pas eu deux points. Non, je suis pas assez bon. D'accord. Enfin, je suis, mais... Mais pas assez, quand même. Pas assez. 14. 14 pour Mimi. Oh, bah... Que signifie le terme GG? Good game. Voilà, un point pour toi. Tu vois quand tu veux. Ouais. Facile pourtant. Bah oui. 31. 31. Ah, tu dois pouvoir trouver aussi ça, c'est facile. Que signifie le terme LAN? On fait une LAN. Ça veut dire qu'on joue en LAN. C'est une partie en jeu local. Dans la même pièce quoi. C'est pas mal. Réseau local. Et c'est plutôt ça que j'attendais, moi. Ouais, d'accord. Okay. Local Area Network. Ok. Je l'entends. Mais je l'accepte. Je l'accepte. Ah, tu l'acceptes? Oui. Ah bon. Non, mais oui, parce que regarde, tu lui as pas pris à lui, alors que pour moi, j'aurais accepté le sien. Non, non, non, non, c'est pas assez précis, faut quand même. Mais donc le mien n'est pas assez précis aussi. Ah non, carrément pas. Donc, je l'accepte. Mais Mimi a un point. Le 1. Le 1. Non, Mimi, il a pas de point. Mais bon. Si, j'en ai que eu. Signifie le terme MMO? MMO. Attends. On dit pas MMORPG, MMORPS, on s'en bat les couilles. MMO. Tu baisses la main déjà. On est dans un podcast. Attends, pas de blague avec donc MMA. T'es pas obligé de lever la main. C'est ok. Marrant. Mutuelle démo assurance, c'est pas ça. Bouge pas. MMO. En français, ça marche. Massivement multijoueur en online. Bon, c'est jeu massivement multijoueur en ligne. Voilà. Ça va. Ça va, c'est pas mal. C'est non, pas c'est mal. Massively multiplayer online. Voilà. Oh, bien, bien, c'est serré, c'est serré. Je l'entends. Et je l'accepte. 30. 30 juste. Oui. Qu'est-ce que t'as de la chance. Oh, si, si, tu vas trouver. Que signifie le terme GPU? Qu'est-ce qu'un GPU? Oh putain. En anglais ou en français? GPU. GPU. Putain. C'est truc graphique là? Non, c'est même pas truc graphique, c'est la carte mère? Non. Si. Moi je dirais ça, mais j'en sais rien, c'est ça. Ah, c'est con, c'est Graphic Processing Unit. Processeur graphique, tout simplement. Et j'ai dit quoi moi? La carte mère. Je suis pas sûr de ce je que t'as dit tu en fait. Je écoute le podcast. Ouais. J'ai pas tout compris à ta réponse. Non, il y avait graphique à un moment donné. J'ai dit t'es au début, j'ai dessus, une carte graphique et après j'ai dit non, c'est le processeur. Donc ouais. Oui, non. Non, t'as dit c'est la carte mère. Ouais, voilà. Bon, je n'accepte pas ton point. Non, non, on est d'accord. Est d'accord. Je tiens à signaler que aucune ce soir... Aucune mauvaise, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Ah, non, mais... cause des tricheurs, quand même, vraiment. 10. 10. Guise. Ah. Alors, tu. Bon. Qu'est-ce que sont les HP? Dans le terme du jeu vidéo. Les HP. Là, c'est à moi que tu parles. Bah, vu que c'est toi qui m'as dit ton chiffre. C'est des points de vie. Voilà, tout simplement, des points de vie. Les HP, heal point. T'as pas dit les haut-parleurs, c'est bien. C'est bien pour ça que j'ai précisé dans le jeu vidéo. Ouais, ouais. C'est vrai. Seb. 24. 24. Oh bah puis décidément. Que signifie le terme JRPG? Jeu de rôle japonais. Voilà, tout simplement. Rien de fifou. JRPG. Jeu de rôle Japanese role playing game. D'accord. 21. 21. Fils de oh. Oh non, mais 21. Pas toi. Non, surtout pas lui. Il m'a regardé. Après, il ressemble, c'est vrai. Oh non. Qu'est-ce qu'on dit, un chauffeur? Ouais. Ouais, vous nous laissez des commentaires négatifs et tout, mais ouais, mais après ça aussi. De toute façon, ils écoutent pas jusque là. Mimi, mais les mecs qui mettent des négatifs. Ah, oui. Que signifie NPC? C'est pas normal ça. NPC. NPC. No player NPC. En français. Français, t'emmerdes pas. Je sais plus. Non joueur. Oui. Non joueur player. Enfin non. Allez. Tout petit. Non mais ça. Moi je trouve qu'il tente quelque chose et c'est non, bien. Non je tente. NPC. Non. Personality, joueur, ou je sais pas quoi, là, ou computer, ou... Enfin, joueur, c'est pas un joueur, quoi, c'est pas un PNJ. Voilà, c'est un personnage non-joueur. Joueur. Ah, putain. J'ai l'impression d'être le dentiste et d'être arraché bah, ça. Là, en même temps, 21, quoi, enfin... Oh la va... ouais, putain. Et merde. Donc c'est pour non-player caractère. Voilà, merci. Ou alors, comme on disait avant, charactère. C'est dans notre podcast. C'est numéro 7. 7... 7 pour Guise. Guise, pour toi, qu'est-ce qu'un CPU? Putain, je suis dans la merde. Non. Je sais pas, c'est une carte graphique. Putain. Je sais rien. Là. C'est le GPU. Ah oui. Le CPU, c'est le Central Processing Unit. C'est le processeur ouais. Central. On va pas y arriver à ça. Oh la mais vache. Vous avez pas de points? Si, j'ai des points. Mais vous devez avoir au moins 7 points chacun. Bah, c'est pas possible. Bah, on est pas loin, hein. Tout réuni, on a un 7. Hein. Même pas, vous devriez avoir 12 points. Si, je peux avoir 7 points, j'ai répondu qu'à 6 questions. Bref, vas-y. Ouais, maintenant, c'est ma 7ème, la 12. Bon, bon, là, qu'est-ce qu'un PC? PC. C'est le parti communiste. Ah non, attends, dans le meilleur jeu vidéo. Dans le jeu vidéo. C'est un ordinateur. Un ordinateur personnel, c'est facile. Ah, il a pas dit personnel. Non, bon. Personnel computer. Personal computer. Yes. 27. Ça va lui plaire. Qu'est-ce qu'un RTS? Oh, Mimi. Quoi, Mimi? Moi, je sais pas ce que c'est. RTS? Mais oui. Roll? Non. Le R, c'est pas un roll. Return the system. Je sais pas. C'est le jeu que tu m'as prêté? Que tu kiffes Commando, c'est ça? Oui, Commando. Commando. C'est RTS? Oui. Bon, Real Time Strategy, c'est de la stratégie en temps réel. Ah, bah, je l'avais pas. Non, en français, c'est un STR. Ah, mais parce que je l'avais en français. Oui, ça doit être ça. Oui, voilà, toi aussi. Tu fais tout ton quiz en anglais. Sans déconner, tu connais mon bilingue 35. Tu peux potentiellement le savoir. Mm-hmm. On va t'aider au pire. Qu'est-ce que le DPS? Le TPS. Le DPS. DPS. Le DPS. Non, TPS, je l'avais tapé. Oh, je sais ça, putain. DPS. Ça me parle, le DPS. Bien sûr que ça te parle. Non, le DPS, putain. Si je me trompe pas, je peux l'aider ou pas? Bah attends, demande-lui si non, l'aider. Non, tu peux pas m'aider, non. Pense. Mais pourquoi? Parce qu'après, on va me dire, t'as triché, dans les tu lui as donné des points pour rien, alors qu'il savait pas, alors que je sais pas. Donc, est-ce qu'il veut répondre? Un DPS, putain, je vais dégoûter quelque chose. Attends, moi, c'est pas un DPS. C'est pas, c'est un pas DPS, quelqu'un qui raison. Protège les autres des joueurs d'autres choses. C'est con, ça, c'est un tank. Ah. C'est celui qui donne des trucs. Non, c'est quoi? Mais si, le DPS, c'est pas celui qui donne de la vie. Putain, c'est le healer celui-là. Ah merde. Ouais. Le DPS, c'est lequel alors? Celui qui tire de loin alors? Le DPS, c'est celui qui fait des DPS. On appelle ça un il fait des dégâts par seconde. DPS, ah, dégâts putain, par seconde. Mais quel connard. T'as les tanks, les healers et les DPS. Putain, oh, t'es vraiment con. Casse les couilles. Et Mimi, voulait t'aider. Alors tu vois, tu risques rien. J'allais les... Non, je voulais les dire en disant. La prochaine fois dans que les dis, jeux je peux en LAN, tu t'as non. Souvent un DPS, ouais. Un machin, tout ça. Mais après, lequel c'était exactement? Je sais non, bien. Mais ça, c'était cadeau, ça. En plus. Bah oui, c'est bah connu. C'est connu. Imagine en ligne. Vous inquiétez pas, je suis un bon DPS. Je vais tous vous soigner. Mais putain, Mimi. 11. 11 pour Seb. Alors, qu'est-ce que l'AI ou l'IA? L'intelligence artificielle. Ah, bah ouais, mais là, c'est. Là, c'est le hasard, ma pauvre Lucette. Ouais. Non, mais non, mais je fais comme lui. Mais non, moi, c'est le hasard. Ouais, mais moi aussi, c'est toujours le hasard. Non. Vous réfléchissez à vous donner les mauvaises questions aux bonnes personnes. Enfin bref, je me suis compris. Mimi, à toi. Je t'ai dit 20. 20 ? 20. Et puis potentiellement, j'ai calculé, vous devriez avoir 11 questions chacun. 20 ? Ouais. Qu'est-ce que l'AOE ? Ou l'AOE, ça dépend comment tu prononces toi. Mais normalement, on dit AOE. Dans le MMORPG, il y a beaucoup d'AOE en général. On fait attention. Super. Non. Je le sentais que c'est un peu plus. Mais bien sûr que si. Un AOE. Un AOE. Alors, A pour abruti. O pour oh putain. Et E pour enculé. Ok, donc si tu valides ta réponse. Oui. Donc c'est l'Era of Effect. C'est la zone d'effet. En général, dans le même RPG, quand le boss il va faire une grotte zone, on appelle ça un AOE. Ok. C'est mon AOE. Moi j'appelle ça un. Bougez de là, il va vous niquer. Oui, bah, c'est souvent ce qu'on dit. S, c'est un AOE. Ok. Le 2. T'es sûr de toi, c'est pas un Z? Bah, bon, ce que t'as mis un Z. Alors, qu'est-ce qu'une OST? Original sous-titré. Non. Ah, on est dans là. Non, pas du tout. Original sous-titré, c'est pas possible. En VOSTFR, ouais. Non, une OST. Je vais essayer d'autres chances. Facile. C'est un peu comme une maladie, mais pour ordinateur, je sais pas. C'est pas une musique? Je n'en sais rien. Original soundtrack. Ben voilà. Bah oui, très bien. Ben oui, une OST, c'est les musiques. Ben oui. Tu peux dire merci. Ah Mimi. Ouais, d'accord. Là, pour ah bah, mais c'est, bah, tout le monde ouais, dit bah, une OST. Tais-toi, il t'a mis un point. Tais-toi. Oui, d'accord. Mais merci. Mais arrêtez de râler quand vous prenez des points. Non, c'est pas ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te chagrine? T'as raison. Faut dire une BO. C'est pas une bande originale. Bref. 34. 34. Le cul éclate. Bon, bah, alors, qu'est-ce qu'un DLC? Un contenu supplémentaire. DLC? Non, c'est pas bon. C'est pas un contenu supplémentaire. Payant. Contenu additionnel? Non, c'est pas un contenu additionnel. Oh, qu'est-ce que je dis? Un DLC, c'est. Contenu. Je sais pas moi. Ah, putain! Je l'ai bien dit pourtant, non? Mais non! Ouais, non, un DLC. Après. Le D de DLC, déjà, tu l'as pas. Alors, non, DL... c'est en anglais, je l'ai, je crois. Mais... Ouais, forcément, sur la tablette. Non, bah oui. Oui, DLC, c'est anglais à la base. Oui. On est d'accord. Mais contenu additionnel complémentaire, je sais pas. Ouais. Payant? Ouais. C'est ça que tu veux? Non, c'est plus. Pas forcément payant. DLC, c'est pas forcément payant un DLC. Non. On est d'accord. Okay. Voilà. Tu me diras si je peux dire le tu D. Laisse tomber, peux... ouais, vas-y, dis le D. C'est pas de display. Pas du tout. C'est quoi? En fait, et des personnes. Downloadable content. C'est du contenu téléchargeable, un DLC. C'est pas du contenu additionnel. Téléchargeable. Oui, des DLC. Ok. 22. Ah, 22. Bah, Mimi, t'es un champion, tu choisis toujours les bonnes. Je sais. Qu'est-ce que la RAM? RAM. Ah, ça, si, je sais, ça permet de. Non, je veux pas, je veux savoir ce que c'est. Me dis pas, ça permet de faire ça, je m'en fous. Dis-moi ce que c'est. Le mec. C'est. La mémoire. Ah, c'est les bateaux. Du. PC. C'est quoi, de la mémoire? Vive. Ah, putain. Ouf. Ça, je savais. Les barrettes de RAM. Oui. Yeah. Et non pas les barrettes RAM de RAM pour Random Access Memory. Ouais, non. Random Access Memory. On va lui donner des partout en plus. 10. 19. 19. Ah, dommage. qu'est-ce qu'un SDK? Alors, je vois mieux que tu le trouves en français, celui-là. Scan disc. C'est une mobilette, ça, non? Non. C'est pas un scan disc? Non. Alors, non. Oui, si c'est possible, mais non. Parce que tu veux pas. Tu veux entendre ce que en, toi, en termes généraux, t'es vraiment moins maniable au niveau de tes quiz, j'ai bien remarqué. Guise, t'as un point supplémentaire si tu me fais rire, alors tais-toi. SDK. SDK. DK, c'est Donkey Kong. Non, je sais pas. C'est facile. SDK, j'en sais rien, moi, c'est un killer. Tu le. Non, tu ne crois pas. Zed ? Non. Bah, le kit de développement. Bah, tu m'auras d'abord en plus. Le kit de développement des consoles. C'est un SDK. D'accord. Pour Software Development Kit. D'accord. Ah, oh, bah si, c'est connu. Bah oui, c'est connu. Zed, vas-y à toi. Mets-moi un point, moi. Eh ben, comme ça, on pourra pas dire qu'il y a triche. J'ai eu le 9. Comme ça, j'ai eu le 6 et le 9. Hey. Oui, c'est vrai. Hey. Bon, enfin, tu les refermes bien vite, tes papiers. Ferme-moi, je dis ça. Oui, parce que j'ai dit le 9, mais en fait, c'est le 14. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'un GAS ? G-A-A-S. Ah, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure dehors. GAS. Oui, c'est pas le même. C'était G-A-Z. J'allais la faire. Ce qui se passe dehors doit rester dehors. Et vaut mieux, d'ailleurs. Oui, ah oui. Oui, faut que ça reste dehors. Oui, ah ça, je te garantis que... Alors, un GAS. Un GAS... Eh bien, c'est un gamer. Oh, mais c'est pas possible. En plus, on en a déjà parlé. Mais je sais plus ce que ça veut dire, mais on en a parlé. Oh merde. Non, je me rappelle. Un jour, j'ai parlé d'un jeu vidéo, il m'a dit, ça s'appelle un GAS. Ah oui. Game as a service. Non, c'est, oui, c'est un monstre dans Minecraft. Oui, pardon, c'est vrai. On a fait un sujet. Pardon. C'est un monstre dans Minecraft. Peut-être. Non, c'est un ghast. C'est un ghast. Bibi, vas-y, ton don. Le 5. Oh. Oh, celui-là facile. Ou le Z, je sais pas. Non, c'est il a eu le Z tout à l'heure. Non, c'est lui. C'est moi. C'est toi. Que signifie AFK ? Ah, joueur... Enfin, t'es... T'es AFK, pardon. Ouais, genre t'es plus devant ton écran, t'es en pause. Bon, allez, je te le valide. Ça veut dire littéralement absent du clavier. Pour oui, away from keyboard. Tout à l'heure, tu lui as demandé, tu lui as dit RAM, je veux pas savoir à quoi ça sert. Et là, tu lui as... Bah, parce que oui, il est pas devant son écran, c'est ça. Quand on dit je suis AFK, c'est que je suis et pas il là. A dit en français en anglais. Non, là, en franchement, anglais, je ne sors pas en français. Je trouve que l'explication j'ai moins de points que ah, vous. Non, mais l'explication, dans tous les cas. Je dis pas ça. C'est juste que ça ne concorde pas avec ce qu'il lui a pas offert tout à l'heure. Non, parce que tout à l'heure, on parlait d'un objet. D'un... À quoi sert là, cet c'est objet une situation. Là, c'est plus. Oui, voilà. C'est, ouais, c'est il est en train de faire du gaz aussi. Ouais. Numéro 13. Numéro 13. Ah, bah, c'est décidément. Tu as eu PVP tout à l'heure. Que signifie PVE ? Putain, ça c'est casse-couille. Hein. Alors, c'était joueur contre joueur, et là ça, c'est PVE, ça doit être joueur contre ordinateur. Bah non. Bah non, ça aurait été PVC. Là c'est joueur contre l'environnement. L'environnement. Player versus environment. Ouais. Ouais, tu joues. Comme Elden Ring, on fait du PVE, quand il y a des ans, on fait du PVP. Oui. Un peu ça, oui. Bah oui, bah oui. Okay. Vous nous faites chier, je vous demande comme ça. C'est mais bon. Qui parle comme ça? Le Trent 3. Ah bah ça tombe bien notre région. Keen. C'est une très bonne département. Ah bah Seb, t'as eu TPS tout à l'heure, maintenant tu as... Que signifie GPS. FPS. Ah tiens, bah ça pourrait être pas First mal. First Personnel Shooter. Ouais. First Person Shooter. Jeu de tir. Que signifie GPS Guise. Guide par satellite. Alors non. Quoi non ça tombe bien parce que ça tombe bien en français, mais normalement c'est Global Positioning System. Mmh. Mais moi aussi j'aurais dit guidage par satellite. Ça tombe bien. Non, c'est à Guise. Et un tour, il y aura pas de questions. C'est à moi. Oui, regardez qu'il en reste assez pour tout le monde. Non, il en reste deux. Eh ben, t'arrêtes là. Voilà. Mais pourquoi t'en as trop ? Bah, je m'en fous. Après, j'ai une autre question, on pourra la faire si vous voulez. Ah, j'ai le 92. Non. Ah, bah si, j'ai le 92. Donc, c'est le 26. J'arrive même pas à me relire à l'envers. 26 ? Oui. Facile. Qu'est-ce que l'XP ? Ah, c'est les points d'expérience. Eh ben voilà. Oh putain, tu repasses devant Guise. 18. Oui, mais pas devant Seb. Alors là, Seb, il est loin. Dommage pour toi. On peut plus faire. Qu'est-ce qu'un... Pourquoi écoute-moi bien. Un CRPG. Mais toi et moi. Je pense que sur pour 3 délais, tu l'as. Mais le premier, tu l'as pas. C'est un role-player game. Ouais, le CRPG. C'est le... C'est le coréen... Ah, t'as l'impression que c'est ça. Ouais. C'est pas ça, déjà. Mais bon. C'est quoi, la question? J'ai pas écouté. Qu'est-ce CRPG. Qu'un CRPG. Oh ouais. C'est un jeu de rôle, mais version country. Pour C. Tu trouveras pas. Là, oui, je trouverai pas. Computer Role Playing Game. Computer, c'est un jeu de rôle sur ordinateur. Pour moi, je voulais dire computer en plus, tu vois. Et... Ah, merde. Bah, oui. Du coup, on s'arrête là ? Bah, oui, c'est moi qui avais commencé, alors, il en reste que deux donc. Non, mais après, c'est pas grave, vas-y. Guise, t'auras ma dernière question. Ouais ? Ok. Question à 5 points. Tiens, Mimi, je te laisse prendre. Tu l'auras pas, mais si tu veux. C'était la question pour départager, donc. Voilà. Après, à force de parler avec vous, il y en a qu'un. Mélange bien, Mimi. Mélange bien, Mimi, avant de. Je le trouvais plus. Alors, attends, du coup, je déplie un petit peu le papier en retard. Et c'est le 23. Le numéro 23. 23, tu sais que c'est. Oh putain! Le 23, c'est porte mal. Non, c'est le numéro de Michael Jordan. Non, le, 23, non, le chiffre 23, le ça rend le nombre 23. Bon, bah alors, Seb, je sais pas si tu vas l'avoir celui-là. Que signifie? Écoute bien. Je vais t'étonner. RPG. Ah. Mais c'est un. RPG. Jeu de rôle. Voilà. Et Mimi, je pense que tu as le 3. Ouais. Moi, j'ai un CRPG, lui, il a un RPG. Oui. Moi, j'ai le M. C'est le. Et... C'est le hasard, c'est pas moi. C'est le hasard. Moi j'ai le M. Oui, donc c'est un 3. Tu vois, par exemple, là c'est compliqué pour Mimi. Du coup. Qu'est-ce qu'un HUD? On en a déjà parlé 800 fois. Ouais, l'HUD c'est un truc sur le PC. Non. Non, c'est un truc sur le téléphone. Non. Ah, c'est oui, un truc sur la console. C'est partout en fait. Ok, c'est la carte mère. Le système d'exploitation. Pourquoi c'est toujours la carte mère? Je sais pas. Il y a un moment, c'est ça veut bien être la carte mère. Display, c'est l'interface d'affichage à l'écran. Ah, c'est tout ce qui s'affiche à l'écran. C'est la carte mère. Non. Bon, aiguise. Allez. De toute façon, bon, c'est pour le fun. Mais lui, il a eu un point supplémentaire qu'il aurait pas dû avoir. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une question très dure. Et lui aussi. Non, lui, il avait une question normale. Pas très dure, c'est pas plus dur. Si, c'est la question. C'est le hasard. C'est pour départager. Vas-y. Que signifie, donc dans les ordinateurs, la marque Asus? Que signifie le ROG? Asus ROG. Ce ROG, il veut dire quoi? ROG. Portable. Non, personne. ROG. Le. C'est. ROG, c'est un. Ouais, ça veut dire quelque chose en fait. On dit Asus ROG. C'est une marque spécifique d'Asus. C'est les Asus. Ah, mais je savais pas que c'était des. Bah, tu l'apprends. Alors attends, vas-y. On est là pour apprendre. Revoir. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le R, c'est pas résistance. Okay. République. République. Ah bah oui, Republic of Gamer, je suis con. Et voilà. Il a raison. Ah alors, c'était bien ou pas bien? Non. Ça c'est jamais bien avec vous, vous êtes jamais content. Ça change un peu d'apprendre des trucs. J'ai rien appris parce que j'ai rien retenu. Mais c'était très bien. On refait le même quiz dans deux mois et on revoit. Mais vous aurez même pas retenu ce qu'on a dit aujourd'hui. Bah, bien sûr qu'on aura pas retenu. Si, le SSD. On l'a pas eu. C'est quoi? Non, on l'a pas eu celui-là. SSD, c'est State Solid Drive. Ouais. Non. Bon, mais félicitations, c'est. Attends, il a pas compté. Mais si, ça se voit. T'as 7 points, Mimi en a 4 et Guise en a 4. Quoi, ah, non, 4, Mimi en a 5 et Guise en a 4. Vu comment il caresse le trophée, tu peux caresser Mimi, c'est pareil. Hein. Ah ouais? Mais pas ici. Ah oui, pardon. Oui, du coup, tu disais j'en ai combien? 4. Trophée. Mimi 5 et Seb 7. Trophée. Il va repasser devant. Ah ouais, je vois pas. Sachant que vous aviez 12 questions chacun. Ouais. Le trophée il brille dans le noir. Moi aussi, t'inquiète pas. Ah d'accord. Après là c'est le hasard, on peut pas dire machin, truc. Non, si, c'était très intéressant, ça, c'est merci. C'est ce que tu dis, c'est toi qui nous dis les questions derrière ton écran. Hein. Bah oui. C'est le hasard, hasardeux. Moi je me suis amusé à faire ça. Et vous avez vu qu'il n'y a pas eu de mauvaise foi? Non, mais quand le maître du jeu est carré, qu'il est honnête, ça se passe bien. Enfin, et t'as vu, tu m'as dit, pas ça quand même, en off, tu m'as dit pioche les petits papiers avec le point noir dessus. J'ai fait ce que tu m'as dit. Mais discrètement, je t'ai dit. Discrètement en plus. Tu n'allais pas l'avouer. Non, ben non. Allez, bande de cons, passe à la suite. Hey, tu récupères pas la phrase bande de cons, mais ça me va. Enfin, vas-y, c'est toi qui gère de toute façon. Il y a des droits d'auteur dessus. Allez, on passe au sujet principal. Donc tu lances le jingle du checkpoint pour le sujet principal. Ah ouais, autant pour toi. Non, c'est pas grave. On refait. Bah non, je laisse ce checkpoint, c'est pas, on s'en fout. D'accord. Ah, un jingle, t'es, c'est un jingle. Vraiment mauvais. Alors aujourd'hui, ça, c'est mon travail. Parce que le truc, il faut que je note en même temps. Ah, c'est vrai. Et donc quand t'appuies sur le truc, moi je peux noter le timecode. Ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, vous avez échangé vos. On a échangé nos postes, ouais. Ah ouais, ça se moi voit, je ouais. trouve que je le fais plutôt bien et lui, c'est un peu. Non, il faut que je note en même temps, donc tu ne le fais pas bien. Alors pour mon checkpoint, moi ce mois-ci. Du coup, moi ce que je propose, c'est que Seb commence. Ah ouais, d'accord, t'es comme ça, ouais. Bah, sachant que c'est toi qui as lancé l'idée, c'est vrai du que c'est, sujet, moi, c'est moi qui ai changé. Je pense que la vie du jeu vidéo d'aujourd'hui est dans tes mains. Ok. Est entre tes mains. Donc, en fait, c'est vrai qu'en préparant ce podcast, j'ai remarqué que bah, souvent on se lance dans des débats comme ça qui sont bien passionnants. Ah non, on débat jamais, nous. Non, jamais. Jamais. Impossible. Au grand jamais. C'est comme ils font dans les podcasts un peu, tu vois. Ça arrive, tu lances un sujet, ça débat, tu vois. Ça digresse. Ouais, c'est pas du tout notre. Non, pas du tout. Non, pas du tout. On n'a pas commencé par 1h15 de checkpoint à cause de ça. Non. Non, non. Et du coup, j'ai préparé des petits thèmes. Je vais les lancer en fait. Comme ça. Je vais même pouvoir commencer, même si vous voulez les aborder. Et puis, bah, vous allez. Je sais que comment ça va faire. Ça va enchaîner tout seul. Allez, je, Pokémon. Je Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Pokémon? Non, non. Par exemple, le premier système que sujet que j'ai choisi, c'est Nintendo. Est-ce qu'ils seront capables de faire mieux avec la Switch 2 par rapport à la Switch 1, pour, selon vous? Alors, parce que maintenant, voilà, Nintendo, donc ça y est, ils ont sorti la Switch 2 depuis début juin. Oui. On est là au moment où on enregistre mi-octobre, donc oui. Ça commence à faire quelques mois. Oui. Et par rapport à tout ce que vous avez vu, la sortie des jeux, la console, tout ça, est-ce que vous pensez qu'elle sera capable de faire mieux que la Switch 1? En termes de vente ou en termes de tout ce qu'elle peut proposer? Les deux. Parce qu'en termes de vente, elle est déjà en train de tuer le game. Oui, mais alors attention. Elle est en train de tuer le game, mais qui te dit que va pas y avoir un gros ralentissement en cours de. Y a des, tu peux les avoir 370€ à Easy Cash. D'accord. Voilà. Ok. D'occasion. Tu vois, Guise, revends ta Xbox. Achète ta Switch. Ouais. Là, on sait que par exemple, là, bon, je vais poser la question. Pourquoi vendre la peste pour avoir le choléra? Là, actuellement, moi, de ce que je vois au niveau des jeux qu'elle propose, de tout ça, même encore du prix actuel dans lequel elle est. Moi, pour le moment, elle ne m'intéresse toujours pas. Est-ce que... Alors, Mimi, toi, on sait que tu moi, l'as je déjà. L'ai. Tu et l'as je déjà. Suis toujours Guise, très content. Est-ce que toi, ça te... Non. Non et... Pas pour le moment. Bah, ouais. Bah, non. Voilà. Moi, comme je dis, s'il y a le nouveau Pokémon comme je le vois, oui. S'il y a un nouveau Zelda qui vaut le coup, peut-être. À part ça, il n'y a pas d'autres licences qui m'intéressent chez Nintendo. Ok. Là, parce que moi, actuellement, honnêtement, sur la question que je posais, est-ce qu'elle fera mieux que la Switch 1, moi, j'y crois pas trop pour l'instant. J'y crois pas trop parce que, on l'avait dit quand on avait parlé de la Switch 2, ben, en fait, c'est une Switch 1 améliorée, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de révolution sur la console. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça va lasser. Ça va lasser les joueurs parce que ça fait une suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est. J'ai ma... était, comme disait Mimi, elle était pas. Enfin, elle était vendue pour ça. Hmm c'est pas elle une révolution. Comme ça. Comme la suite de la Switch. Ouais, c'est, ouais, vraiment, oui. Pas, c'est vraiment pas une révolution. C'est moi, ce que je lui reproche, c'est qu'elle est trop chère pour ce qu'elle fait, c'est tout. Pas que c'est une mauvaise console ou. Ah, j'ai pas dit que c'était complètement une mauvaise console. La console que je voyais. Juste que je la trouve trop chère. Là, c'est pareil en termes. En termes de jeu, alors ça fait pas un an qu'elle est sortie, mais c'est quand même. Pauvre en nouveauté, je crois. Oui, c'est famélique, comme on dit. Ouais. Ah ouais. Il y a eu quoi? Mario Kart, Donkey Kong. Bah ça fait vraiment pas un an qu'elle est sortie, ça fait 3-4 mois. Oui, c'est ce que j'ai dit, elle est sortie début juin et là on est mi-octobre. Là, il n'y a pas de. Ils ont sorti des jeux, il y a des jeux. Y a on, Mario. Peut pas dire, on peut pas dire qu'il n'y a pas de jeux. Il n'y a pas Mario de Kart. Nouveautés. Il n'y a pas un gros jeu. Mario à la sortie. Il n'y a pas une grosse. Ah, si, il y a Mario Kart. Mario Kart. Pas une nouvelle licence en fait. Il n'y a jamais une nouvelle licence avec nous. Ah, si, quand même. Quand ils ont sorti la Switch 1. Hein, il y avait quelques nouveautés, je veux dire. Et Mario Zelda. Odyssey. Si, Mario Odyssey. Non, ça reste un Mario. Oui. Pour moi. Quand il dit nouvelle licence, ah, okay, c'est okay, une nouvelle toi, licence. C'est vraiment de... bah non, Nintendo fait jamais ça. Jamais. Très rare. Ça arrive, hein. Je suis pas ouais, mais tu vois, non, quand ils ont sorti la, sortie, la Switch mais... 1, pas la so- à la sortie, ils ont non. sorti pas mal de nouveautés. Tu prends des jeux tels que ARMS. Ah, c'est vrai. Mais c'est pas à la sortie, hein. Si. Mais à ce moment-là, ah, t'as... ARMS, peut-être, si. T'as Dragon Drive, à ce moment-là, pour la Switch 2. ARMS, tu te rappelles pas ce jeu de boxe, là? Si. Oui, je sais, c'est de la merde. C'était vendu pour les Joy-Con, oui, le motion gaming. Je déteste ce jeu. Mais à ce moment-là, tu as Dragon Drive, le jeu dans fauteuil roulant. C'est celui-là, d'accord. L'équivalent, quelque part. Oui. Ouais. Ah, il y a d'autres jeux qui sont sortis quand même sur Switch. Bah là aussi. Tous les mois, t'as eu des jeux. Enfin, là. Mais c'était la politique de Nintendo. À l'heure actuelle, si tu veux, moi ce qui me fait rire, c'est que quand on me dit il y a pas de jeu, si on compare. Enfin, un petit comparatif. La suite de jeux qui sort actuellement, je crois qu'il y a quoi? Il y a peut-être. Et une quinzaine de jeux, on va dire. C'est un sujet. Non, oui. À mon avis, 15 jeux, beaucoup plus. Ça dépend des gros jeux, des grosses licences. Oui, je parle des gros trucs quand même, tu vois. Alors, il y en a moins de 15. Il y en a moins de 15, oui. Ah ouais, ouais. Je pense qu'il y en a. Ah, je pense, hein. Exclusivité à la Switch. Hein. Exclusif sur la Switch 2. Exclusif à la Switch, on en dit. Ou sur la non, Switch. Non, non, sur la Switch 2, mais donc des portages. Cyberpunk, tu le prends dedans. Mais bien sûr, tu vois. Il y en a quand même moins de 15. Ah, je pense qu'il y en a moins de 15. Alors que tu vois, si tu prends la PS5 quand elle est sortie. T'avais pas autant de jeux. Bah si tu vas par là, t'as tous les jeux PS4. Si tu pars dans ce topic là. Mais non, je parle des jeux de Switch 2. Oui. Ouais, mais que tu as eu sur... Tu vois, genre Cyberpunk, tu l'as pas sur la Switch 1. Oui, d'accord, mais... Tu vois ce que je veux dire ? Il y a 22 jeux. 22 jeux exclusifs. Parce qu'elle peut pas faire tourner. Bah oui, la PS4. Tu as la PS4, enfin, c'est pas, ça a rien de. Bah, les, bah si, t'avais. Oui, enfin, t'as le même système. T'avais le jeu, là, Fallen, le jeu Atlas, là, le guerrier de la, avec l'armure solaire au tout départ sur PS5. Ah oui, Godfall. Godfall. T'avais ce genre de jeu. Oui, mais t'en avais pas beaucoup. Bah, je pense qu'il y en avait plus que sur Switch. Ah ouais ? Et il y a Fast Fusion aussi. Et t'as les Astro. Mm-hmm. Astro, sur la sortie, tu devais avoir les God of War, si je dis pas de conneries, les Returnal, tout ça. Direct à Returnal la sortie. Returnal était sorti, enfin pas très loin de la sortie. Il y avait Miles Morales. Ah, tu parles que sur PS5 ? Oui. Exclusif à la PS5. Ah. Exclusif à la PS5. Je crois que t'avais 4-5 jeux, pas plus. Hein. Peut-être comparable. Ouais, c'est pas avec quelques-uns. Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que on va plus faire la transition sur se dire sur la Switch, il y a rien, alors qu'en fait, si, il y en a des trucs. Tu vois, ouais, mais que sur la PS5, c'était ouais, pareil en fait. Faut pas être. Quand mais c'était pas cher. Bon bref, moi je vais repartir sur mon terme de prix. Quand je prends une PlayStation, oui, j'attends quelques exclus, God of War, les Spider-Man, tout ça. Mais c'est aussi pour prendre les AAA ou gros jeux d'à côté, tu vois. La Switch, moi je la vois pas comme ça. La Switch, moi c'est pour faire les Mario, les Animal Crossing, les Zelda. Tu oui, mais parce que toi, t'as les consoles à côté. Là, ceux qui ont que ça. Là, j'ai la PS5, ok, depuis un petit moment. La Switch 2 arrive, je la prends. Mais si j'ai déjà fait Cyberpunk oui, ou si j'ai ça. Déjà fait tout ça, je vais pas les reprendre en fait. T'es déjà un joueur. Ouais. Tu vois, t'as déjà les autres consoles. Non, mais la personne qui achète sa Switch 2 là actuellement, qui a que ça. Mais ça voilà. Ça permet de jouer tous ces jeux, tu vois, si, me dis rien. Si tu sors tous ceux qui ont déjà fait. Si tu sors tous ceux qui ont déjà fait Cyberpunk et tout ça, bah déjà ça élimine une bonne partie des joueurs. Oui. Moi, le joueur que tu parles là, il jouera pas Cyberpunk, il jouera pas un Elden Ring. Par contre, il pourra peut-être jouer à Harry Potter, Hogwarts Legacy. Pourquoi tu dis ça? Parce que les vrais joueurs de gros jeux AAA, ils vont pas avoir envie de se lancer sur. Je vois ce qu'il veut dire. Ou ils ont déjà une console. Oui, moi aussi je vois ce qu'il veut dire. Et ceux qui ont pas ces consoles, c'est pas pour jouer à ce style de jeu. Tu vois ce que je veux dire ou... Mais en admettant, papa connaît pas la console, il achète une console à son enfant. Eh mais ça, cette excuse, elle va pas fonctionner. Non, écoute. Okay. Il joue à Mario. Il joue à Just Dance, qui veut mes couilles. Il a pas envie de se jouer à un jeu. Et papa, un jour, il décide, pourquoi j'essaierai pas la console? Est-ce qu'il n'y a pas un jeu qui me plairait à moi? J'ai pas envie de racheter une autre console. Cyberpunk, par exemple, tu vois, je sais pas. Alors, un mec qui aurait jamais joué, il va se dire, d'un coup, j'ai joué à Cyberpunk. Pourquoi pas? Je pense pas. Bah, il y a des gens qui se lèvent tous les jours et qui se disent, bah, aujourd'hui, je joue à la console. Oui, je vais essayer, tu vois. Oui, oui, non, mais oui. C'est une proposition parmi tant d'autres. Hein. Je dis ça, j'ai un collègue, il doit avoir plus de 50 ans. Un jour, il s'est mis à jouer à Assassin's Creed. Ouais, tu vois. Et tu lui dis pas qu'il va jouer Assassin's Creed, mais il joue, ouais. Ouais, ouais, ouais, non, mais oui, c'est pas la majorité des personnes. Non, je suis d'accord. Non, après, c'est toujours pareil, on parle d'une minorité, hein. Actuellement, c'est pas la console la plus vendue du monde non plus. Enfin, même si elle fait des bons scores, tu vois, et tout ça. Des bons scores. Mais là, ah, en oui. un mois, on est à 5,6 millions. Ouais, je sais pas, je suis pas allé. Donc, il y avait un gros garantissement parce qu'elle a fait 4 millions en une semaine, c'est ça? Non, donc elle a fait un gros démarrage. Ça, démarrage, ouais, mais il faut voir sur mais la longueur. C'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, ce gros démarrage-là, est-ce que c'est pas une partie de la hype, une partie de... Ah bah, moi si, aussi, clairement. Je vais avoir ma console Day One. Bah si. Et bah. Si ça se trouve, s'ils alimentent pas tout ça, on a eu le cas avec la PS Vita. Hein. La PS Vita avait fait, je crois, non, des démarrages pas trop dégueulasses. Mais non, mais le fait de pas avoir de pas l'avoir alimenté en jeu... Ben, elle est devenue inintéressante cette le console. Le problème de la PS Vita, c'est que t'avais surtout la console de salon qui monopolisait le truc. Nintendo, ils ont qu'une console. Oui, oui. Ils sont plus l'alimentant. Je veux dire, si tu l'alimentes pas, la Wii U, elle a pas été alimentée en jeu. Il y a des jeux. Ils l'alimenteront. Hmm mais là, il y en a. Il y a eu le Nintendo Direct, il y a gavé de jeux qui sont annoncés. Oui, oui. Non, mais il y en a déjà actuellement pas mal, quand même, mine de rien. Moi, je sais pas, je suis pas l'actu. Moi, j'ai rien. Mais là, tu viens de dire, il y avait 22 jeux déjà existants. Non, c'est lui qui l'a dit. Moi, pour le moment, j'ai rien. Qui me donne mais envie d'acheter la console. Parce que, mais c'est ce qu'on disait. Attends, parce, j'aime que Nintendo, tu as, parce que tu as déjà les jeux sur d'autres consoles, c'est des portages et machin. Mais Bonanza, s'il veut t'intéresser, tu pourrais jouer que là-dessus. Mario Kart, si, c'est en gros, toi, tu parles de grosses licences phares. Oui, y en a, pour l'instant, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a des trucs qui va arriver. Honnêtement, Mario Kart, ça aurait pu m'intéresser. Je kiffe Mario Kart, mais c'est le prix qui m'a freiné. C'est autre chose. Là, tu parles de deux trucs différents. Le prix te gêne. Bah, après, moi aussi, ça me gêne. Mais il y a des jeux intéressants dessus. Je dis pas le contraire, mais il y a rien qui me dise je vais débourser mon argent là-dedans. Ah bah moi de toute façon non, je débourse pas mon argent là-dedans. Voilà, c'est trop cher. Sinon en question, lancement depuis le 30 juin, enfin C'est les chiffres du 30 juin 2025. 5,82 millions d'unités vendues. Et j'ai dit à 5,6, moi j'étais pas loin. Hein. Ouais. C'est pas ouf. Hein. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Nintendo, ils ont annoncé qu'ils voulaient en fournir 25 millions jusqu'à mars prochain. Donc, D'accord. Je sais pas si elle rattrapera la Switch. Pour le moment, je la vois pas faire. Après. Je suis pas sûr qu'elle le rattrape parce qu'effectivement, il y aura l'aspect hype de ceux qui ont été déçus déjà de la Switch 1 qui vont faire. Non. Dès qu'elle triple, en fait. De quoi ? Dès qu'elle triple ses ventes là, à partir de juin. Ah si bon elle voudrait dépasser la Switch 1. Sérieux ? La Switch 1 avait 153 millions. Ah ! Oui, oui. Ah, au total, là. Au total. Oui, tout d'accord, d'accord. Sur le même laps de temps. Non, non, il s'est vendu moins de Switch 1. Tout à fait. Non, mais je parle en oui. total. Ah, oui. Oui, mais total, depuis le nombre d'années qu'elle est sur le marché. Honnêtement, on va falloir voir ce qu'elle va faire à Noël. Ça va être son premier Noël, là. Ça se trouve, c'est la Switch 1 qui va se vendre le plus à Noël. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Ça se trouve, bah, ils vont vouloir un écouler. Le problème de la Switch 1 actuellement, et là où je pense qu'ils ont fait une connerie, c'est que les prix sont les mêmes. Bah oui. Mais c'est là justement qu'ils devraient en profiter. Ils sont trop cons. Bah non. Si tu dévalues ta Switch 1, il faut que tu descendes ta Switch 2. Là justement, c'est malin, t'as 3 gammes de prix. Ouais. Bah ouais, c'est con. Oui, mais sauf que, c'est au contrario, demain t'as pas de Switch, t'en veux une, t'achètes laquelle ? Moi ? La 2. Si c'est au même prix, j'achète la 2. Non, si c'est pas au même prix, si c'est au tarif, non, là, au tarif actuel. Je sais pas. Bah, la différence, tarif. Elle est pas si énorme. Hein. Tu rigoles ou quoi ? Mais y'a même pas 100 euros d'écart. La 1 ? La 1 ou la OLED ? Et la 1, tu la payes 300. Combien ? 350 ? Non, tu la payes 300, non ? Pour au moins que ça, même. Je crois qu'elle a monté, hein. Bah, ouais, 200, ouais. 200, 250, j'en trouve une. Non, mais on parle sur du 9, hein. Oui, je parle sur du 9. Mais c'est pas ça ? Non, je pense non. Mais tu vois, je pense que ceux qui ont déjà testé la Switch et qui sont pas convaincus, ils achèteront pas de Switch 2. Ouais, oui, je suis d'accord. Après, ceux qui ont kiffé le concept, ils l'achèteront. Voilà, parce que les gens sont des Yankees, c'est normal. C'est pas une injure. Non, hein, non, c'est non, comme non. ça, c'est le système qui veut ça. Mais je suis pas persuadé qu'elle fasse aussi. Elle se vendra. Elle fonctionnera aussi, mais je pense pas que ce soit un banger. Enfin, je pense pas qu'elle arrive au niveau de la Switch 1. 470 euros pour la Nintendo Switch 2. Et 310 pour la OLED. Voilà, ouais, et modèle non OLED, 270. Ah bah ça fait une sacrée différence. Ça fait une grosse différence. Mais tu sais, si t'attends les promos, les machins, les conneries... Ouais, mais ça, c'est des suppositions. On parle en neuf. En prix neuf, là, la différence, elle est flagrante. Ouais. Ça fait quand même 200 euros d'écart. Bah oui, c'est pas rien. Je te parle pour la normale, la première. Switch classique, hein. Ouais, bon, bref. Oui, mais personne achète la première. Soit t'achètes la OLED à ce moment-là. Si j'ai pas d'argent, je vais acheter la première. Soit. Si mon gamin il demande et que je peux lui faire plaisir. T'es pauvre, tu joues pas, c'est quoi cette connerie hein. Faut reste... prendre la V1, on peut la. Pirater. On peut. C'est encore mieux ça. C'est clair. Non, mais oui, effectivement. Effectivement, moi je suis d'accord. Elle a un coût, machin et tout ça. Moi, tu vois, c'est pareil. Moi, je l'ai pris, je me suis fait plaisir. Après, je l'avais dit. À l'heure actuelle, j'utilise pas assez de ce que je l'ai payé. Mais je me dis aussi que demain, quand ils sortiront tous les jeux, les machins, je l'ai déjà en fait. Donc tu vois, j'ai plus oui, à me prendre après, le chou. Après, faut pas le prendre comme ça. Faut pas se dire, je m'en sers pas assez par rapport à ce que je l'ai payé. Parce qu'on est tous dans ce cas-là. Bah si. Mais moi, ça me va. En fait, le problème, c'est que moi, je suis pas sûr. Parle de pute. Ouais. Non, mais tu vois, moi, concrètement, depuis le début, je l'ai dit. Moi, je suis hype. Vous me connaissez, je suis fan Nintendo, tu vois, je kiffe. J'ai kiffé me lâcher, j'étais hyper content, machin et tout. Les jeux dessus, je me fais kiffer. Moi, ça me va, si tu veux, en fait. C'est pas ça que je vais chercher. Je savais que c'était cher, ça m'a pas dérangé. Ça a été mon plaisir du moment, tu vois. Plutôt que de m'acheter, je sais pas, une connerie, des paires de chaussures, des machins. Bon, moi, c'était ça, tu vois. Donc, en vrai, je suis très content de mon achat. Je peux comprendre que ça soit cher pour d'autres personnes, tu vois. Après, à contrario, comme je disais, quelqu'un qui a pas la console à l'heure actuelle, je sais pas si... N'achetez pas ça, ça vaut pas le coup. N'emmerdez pas. Je peux te dire un truc ? Vas-y. Alors, on parlait qu'il n'y a pas de sortie. Alors, ce mois-ci, on va avoir Once Upon a Katamari. Ouais. Donc, c'est un gros jeu. Enfin, après, je parle que des licences qui sont exclusives là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Parce que sinon, il y a les Two Point Zero, oui, Dragon oui. Quest. On va avoir le mois prochain Hyrule Warriors, la chronique du Sceau. Mm-hmm. Inazuma Eleven Victory Road. C'est un jeu minimum tous les mois. Non, mais là, on est toujours en novembre. Donc, ça en fait deux. Kirby Air Rider, ça en fait trois. Ouais. En décembre, on a Metroid. Prime 4. Assassin's Creed Shadow, voilà. En 2025, il y a Elden Ring. Donc non, il y a des grosses sorties aussi, il y a des gros jeux qui vont sortir dessus. Moi, pour le moment... Sans parler des exclusivités... Mis à part Metroid, parce que... Mais... Je vous dis sur un, elle sort sur un. Ça me... À 200 euros, la console. Ça me fera pas acheter une Switch 2 pour le moment. C'est ce que tu m'annonces, moi, ça me fait pas acheter une Switch 2. Mais parce qu'il n'y a pas de gros trucs qui pètent sa mère visuellement. Le truc Metroid, ce sera comme Pokémon Zelda. Oui. Oui. On va faire, ouais, c'est mieux, mais c'est pas c'est au pas niveau ça. D'une grosse console, ouais, quoi. Je comprends. Et ah, j'entends. C'est ça qui me dérange. Mais tu vois, il y a des comparos avec la Roguelite X, Xbox, Full Power, hein. Ils ont fait le comparo avec le jeu Cyberpunk, je crois. Alors effectivement, c'est plus fluide sur Roguelite, la résolution est plus grande, les textures sont un poil meilleures sur Switch 2, mais en comparatif prix-puissance, tout le monde s'accorde à dire que c'est sur Switch 2 que c'est mieux. Tu vois combien il te l'a vendu Roguelite. C'est quoi, c'est 900 balles ouais, mais sachant qu'en France, il n'y a pas le chargeur, c'est 70 balles de plus. C'est vrai ouais. Donc c'est 1000 balles à console. Ah ouais. Donc franchement, et le grand public, ce qu'on parlait, c'est celui qui compte. Ah bah, ils seront sur Switch 2. Si tu cherches une console portable, ah bah oui. On est là-dessus. Bah, totalement. Alors oui, je dis pas le contraire. Moi, là, clairement, la Roguelite, non. Mais bon, on était sur Nintendo. Je mets pas ça. Voilà. Donc, ça va faire de l'argent. Je suis pas sûr que ça fasse comme la Switch 1, mais ça va fonctionner. Oui, ça va marcher. Ça va pas faire une Wii U. Non. Bah, clairement pas. C'est pas dans leur projet. Le seul truc qu'il faut, c'est un putain de gros jeu qui claque sa mère visuellement. Après, voilà. Vraiment. Moi, j'espère qu'ils vont arrêter leur connerie avec les DLC, les machins là, comme ils ont commencé les à prendre. Les Game Key Putain. Ça, non, pas que pas. Les Game Key Cards. Ça déjà. Non, ça c'est. Et ils sont en train de se prendre des tirs hein, sur ça. Oui, mais sur quoi ouais, mais sur les Game Key Cards. Ça, ils s'en foutent. Bah oui. Oui, mais sauf que ceux qui font les jeux, tu vois, c'est les premières années quoi, au final. Ça leur rapporte moins cher. Moins cher pour eux de vendre. Non, pas les ceux qui enfin les concepteurs de jeux. Oui, mais ça leur casse les couilles. Mais pourquoi ? Je sais pas, j'ai vu un truc comme quoi ça leur fait chier parce que ils ont acheté des cartouches de Nintendo. Ah, c'est plus cher. Ça... Ah bah oui, mais faut savoir ce que vous voulez les mecs hein. À un moment donné. Ah oui, non mais moi personnellement, c'est ce qui me freine sur certains jeux quand je vois ça, franchement, je l'achète pas juste pour ça. Parce que t'as pas le jeu en fait. Je vois pas l'intérêt. Ça me si, t'as le jeu. Faut que je le télécharge. Oui, donc t'as pas le jeu. Ça change rien, c'est quand tu joues à la PS5, t'as des jeux comme ça, ou oui, t'achètes, oui. C'est mais la oui. même chose. Hein. Mais c'est ce qu'on disait la fois, après la différence avec Nintendo, eux ils s'est assumé. Oui ils le disent, mais voilà. Des fois t'achètes genre le Battlefield, les mecs ils gueulent parce qu'en physique, ouais bah t'as pas le jeu en entier dessus. Ouais. Bah oui, comme des plein de jeux depuis tant d'années. J'achèterai jamais ça moi, c'est pareil. De quoi ? J'achèterai jamais un jeu en DLC. Non, mais il y a forcément des jeux que t'as mis dans ta PS5 que ça dit télécharger 70 Go, parce que t'as pas le jeu entier. Mise à jour. Non, t'as pas le jeu entier dessus. Si, t'en rappelles pas, on avait fait un comparatif, vous aviez reçu un jeu, toi tu l'avais acheté en physique et c'est vous avez téléchargé la même ouais, chose. Vous aviez téléchargé le même truc, ah, c'est là où on avait gueulé. Mais c'est possible. En disant que la galette ça servait juste de clarification. Oui, oui. Mmh. Ok. Mais sauf que les autres le disent pas, mais souvent c'est le cas. Hein. T'as jamais la V1 sur le jeu. Donc il faut. En fait, quand on a du physique, faut déconnecter le Wi-Fi et voir si on peut jouer. Exactement. Et à mon avis, il y en a plein qui seraient méga surpris. Parce que si ça en se disant, trouve, vous ne pouvez pas jouer, dis, vous n'avez voilà. pas la mise à jour. Le jour où t'as plus de Wi-Fi, t'as plus internet chez toi, tu peux pas jouer à ce jeu. Le jour où les serveurs ferment. Je suis persuadé. Ouais. C'est pas faux. Il y a une société, alors, toi tu dois connaître, c'est une bibliothèque en fait qui réunit tous les jeux et l'espace numérique. Oh, putain, j'en ai entendu numérique. Parler. Ouais. Tu l'as vu ça ? J'en ai entendu parler. Ils ont porté plainte contre Nintendo par rapport à ça parce qu'ils disent en fait, eux ils sauvegardent tout ce qui existe dans le monde. De numérique et tout ça. Sauf que les Game Geek Cards, en fait, il n'y a rien de numérique, il n'y a rien de sauvegardable, en fait, dans les registres. C'est étant donné qu'en fait, c'est un serveur et qu'ils n'ont pas la possibilité de copier le serveur, le jour où les serveurs ferment, ça fait des fichiers nuls, en fait. Mais on s'en fout de. Oui, mais eux, concrètement, en fait, vu que c'est la sauvegarde nationale de je sais pas quoi, enfin, tu sais, mais de la sauvegarde est sur truc, les ordinateurs de tout le hacker du monde, qu'est-ce qu'on en a à branler. C'est ce qu'ils ont dit, en fait. À la fin, ils commencent à dire. Heureusement qu'il y a le piratage. Heureusement. Mais c'est. Ah, oui. La phrase de fin, tu vois, c'est que merci aux pirates en fait de garder en mémoire mais certains c'est trucs. Évident, il y a des jeux PC, des vieux. Heureusement qu'il y a Abandonware par exemple. Les jeux PC que personne pourra retrouver jamais. Le mec, il va peut-être le trouver sur sa galette, il va le mettre sur internet, ça atterrit là-dessus, tout le monde peut ouais, y jouer. Clair. Non, mais oui, clairement. Mais c'est dommage d'en arriver là, tu vois. Ouais, ça me choque pas. Il y a tellement de gens des maths. Ah, ouais, maintenant c'est. Ouais, bien sûr. Ok, bon, on passe au 1.2. C'est toi le chef, c'est moi je suis. Allez, la conversation, je fais rien. Mais je te dis. Alors on va changer un petit peu de fabricant, on va passer chez Xbox. Bon, je sais pas, c'est de la merde. On y en parlait tout à l'heure. Ils ont pris quelques tirs. Ils ont dit tant que j'ai le Game Pass. Ils vont en prendre encore. Hein. On va savoir pourquoi. Est-ce que Xbox, pour vous, Moi, c'est un sentiment que j'ai, c'est pour ça que je pose cette question. Se consacre trop sur son Game Pass. Mise trop sur son Game Pass pour son avenir, tout simplement. Est-ce qu'il mise trop là-dessus? Ils savent même pas où ils vont. Tu penses que... Ouais. Depuis le temps de tous ces changements de droite à gauche, non. À un moment donné, quand t'es une grosse société PlayStation, ils ont des critiques, mais au moins ils savent où ils vont. Quand tu dis on va par là, on dit pas on va essayer de faire ça, ah oui mais non, c'est pas une bonne idée, on va plutôt s'orienter là-dessus. À un moment donné, tes consommateurs ne te suivent pas. Les gars qui travaillent avec toi ne te suivent pas. Enfin, quelqu'un sait où ils vont C'est vrai que les pubs vraiment. Xbox, t'en vois jamais. Hein. Comparé à Play. Mais ouais. Là, en fait, Ceci est une Xbox. Rien n'est une Xbox. Là, je vais suivre le reste. Tu te parles de la pub que j'ai vue aujourd'hui, ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est. Les gens ne savent pas. Je vais suivre le raisonnement de Only. Regarde depuis la sortie de la série X ou série S. Ils sont arrivés, on a fait une Xbox série X puissante, machin, ça, puis une série S, machin. Oui. Et puis le Game Pass. On a le Game Pass, regardez, c'est pas cher, vous pouvez jouer à plein de jeux, tout, c'était très bien. C'était moi, le bon vieux temps. Non, c'était très bien. Même moi, je reconnais, j'ai bien une Game Pass sur le PC. C'est pour ça que j'ai acheté Xbox. Tu as acheté la Xbox pour ça. Et puis moi, ça me permettait de picorer, comme tu disais, certains jeux. J'en ai découvert grâce à ça, je suis super content. Puis on rachète des boîtes. Bethesda, tout ça, machin. Puis regardez, on va avoir des grosses exclus et tout, qu'on mettra sur le Game Pass, tout ça. Et puis regarde maintenant aujourd'hui. Attends, des exclus qui n'iront pas ailleurs, vous inquiétez pas, c'est sûr. Tout à fait. Regarde aujourd'hui, les exclus, elles se barrent toutes chez PlayStation. Le Game Pass, ça a pris 50% là quand même. Ça n'a pas augmenté. 50%. Non, ça a pris presque 100%. 50%, c'est gentil. Ouais. On était à 17, on passe à 27. Bah, ça a pris 10 balles. Ouais, bah 50, ouais bon, bref. Ouais. Mais ça devait pas augmenter aussi. Ça devait pas augmenter. Ça mensonge, a augmenté. Mensonge. Les consoles, j'ai l'impression qu'ils en ont un peu rien à battre d'augmentation de prix. What the fuck, bon, comme tout le monde. Hein, quand tu fais la 2 Tera au prix de la PS5 Pro. Voilà. Pour 1 Tera supplémentaire. Bon. En fait, oui, je suis d'accord avec toi. Je sais plus trop où ils vont là. Eux, ils savent pas non plus. Non, mais je pense que c'est même plus c'est même plus la partie Xbox de la société qui gère Xbox en fait. Ah non. C'est au-dessus qu'on leur dit, il faut faire ça. C'est Nintendo. Non, c'est Microsoft. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ils sont paumés. Là, je le vois plus Xbox comme. Regarde, ils comme sont comme un vendeur de consoles quoi. Je les vois. Moi, je les vois même pas comme un concurrent à PlayStation. C'est maintenant. Plus en console. Tu vois par exemple. PlayStation, ils se frottent les mains de ce qui se passe en ce moment. Oui, il y a tout sur leur console. Bah oui. À part ce que Nintendo fait, puisque Nintendo a leur propre écosystème. Moi, je me mets à la place d'un fan Xbox, de voir Forza arriver sur PlayStation. Il me dit mais merde quoi, qu'est-ce qu'elle me sert à quoi ma Xbox? Moi, j'ai l'impression d'avoir vu quelqu'un arriver, un collègue, il me dit tiens, tu veux ce jeu? Bah tiens, mets-le dans ta console. Ouais, ouais. Non mais ce qui est con, c'est que la machine est cool, mais d'un, péché originel, ce qui les a plombés, ils ont fait une erreur technique ou tactique, j'en sais rien d'ailleurs. Pourquoi faire une Xbox Series S? Pour tirer, les développeurs ça leur casse les couilles de faire 2 versions du jeu avec une sous-côté et une qu'il faut optimiser pour la console la plus puissante, c'est débile. C'est des temps de mais là où de c'est vraiment débile, merde. Là où c'est vraiment débile, c'est que tu vois, j'en parlais avec mon collègue Cyprien. Lui, il a la S. Ouais. Mais du coup, il l'avait pris que pour le Game Pass, puisque tu peux pas mettre de jeu. C'est que du démat. C'est que du démat. Ouais. Oui, oui. Tu peux pas mettre de physique. Donc lui, il le prenait juste pour le GP. Ouais. Bah là, du coup, je lui ai appris la nouvelle. Et il m'a dit, mais. Au revoir. Mais au revoir, en fait. Bah oui. C'est fini. Non, parce qu'il achète jamais de jeu. Il prend que le Game Pass. Oui, oui. Mais... C'est bien pour ça, ce qu'ils auraient dû faire, c'est une série X, ok, mais pas une console moins puissante, tu vois. Faire une console pour faire du stream, tout simplement, le Keystone, le projet Keystone, où on te dit juste, ça, c'est peut-être 100 balles, ça fonctionne que pour le Game Pass. Au moins, c'est clair, net et précis, mais en 4K, en tout le bordel qu'il y a derrière. D'accord, ouais. C'est ça. Et l'autre problème, c'est que maintenant, la Roguelite X, c'est même pas eux, c'est pas Xbox qui la fabrique. Non. Non, c'est Asus. C'est Asus. Donc moi, ce que je vois arriver à terme, c'est que Xbox, ce sera juste un putain de système d'exploitation sur des machines que tout le monde pourra créer. En fait, ils diront juste, techniquement, si vous voulez installer Xbox, il faut que vous respectiez d'avoir votre constructeur graphique. Je veux que ce soit AMD, tac tac. En processeur, je veux tel truc. En RAM, je veux tel truc. C'est les configs minimum et vous pouvez installer Xbox OS. Alors tu vas dire si je dis une connerie, ça tu me corrigeras. Je crois que même qu'avec la Roguelite, tu peux jouer au Game Pass, mais tu peux pas jouer à tes jeux Xbox. J'allais te le dire. C'est là où le bas blesse, en fait, c'est pas précisé. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté Forza sur ma console. Alors Forza, non, c'est Play Anywhere, ça dépend. Il y a des jeux qui s'appellent Xbox Play. Alors là, c'est pour ça que je dis ça faut où ils vont. Les jeux qui s'appellent Xbox Play Anywhere, ça veut dire que tu peux y jouer et sur console et sur PC. D'accord, simple. Ok. J'ai acheté Cyberpunk en démat sur le store, je l'ai installé sur ma console. Parce que là, vous suivez. Si je veux jouer sur le roguelite, faut que je rachète la version PC. Ah ouais. Mais c'est pas une version console. Tu veux pas y jouer avec le GP? Avec le cloud. S'il est dans le GP, oui. S'il est dans le... oui, alors, oui. Non, il y a des jeux qui le permettent, effectivement. D'accord. Mais imaginons, ça le permet pas, t'es obligé de le racheter. Alors que t'as le jeu sur ta Xbox. Ah ouais, oui, mais parce que c'est un PC, c'est pas une console qu'on a dans les mains. Avec le cloud, ça veut dire que t'es obligé d'avoir le GP. Oui. Oui, mais il y a des jeux qui sont où tu peux jouer de ta bibliothèque sur le GP, il a raison, Guiz. Même s'ils font pas par dans le GP. Oui, mais t'es obligé d'avoir l'abonnement. Si moi je veux pas de Game Pass, je veux juste. Alors attention, je suis niqué. Maintenant, le cloud il est disponible sur tous les types d'abonnements. T'es pas obligé de prendre l'Ultimate. Mais je dois avoir l'abonnement. Oui, mais tu peux, même si tu prends fonctionne à celui à 10€ par mois, ça fonctionne. Ouais. C'est nul parce que t'as 50 jeux par mois quoi. T'as un magasin. Ouais, enfin, et t'as pas les Day One. Enfin, même leur GP. Mais c'est ce que je dis, t'as que 50 jeux. Pour le corps, la première version. Pour le corps, ouais. Après, t'as une autre version où t'as tous les jeux sauf les Day One. Et t'as la dernière Ultimate qui permet d'avoir tous les jeux. Bon, bref. Donc, ils se perdent. Non, à terme, ce sera juste un distributeur d'OS. Lenovo pourra fabriquer leur truc, Nvidia, n'importe qui. Bah, peut-être pas Nvidia du coup, parce que graphiquement, ils pourront pas. Et est-ce que ce que je prône depuis longtemps, vous pensez qu'il va se produire ? C'est-à-dire que le Game Pass, il sera disponible même chez PlayStation et peut-être chez Nintendo. Ah, peut-être pas sur PlayStation et Nintendo, je suis pas sûr qu'ils aient gagné. Non, parce que de toute façon, PlayStation, ils ont leur propre truc. C'est-à-dire le Game Pass de Xbox, oui. PlayStation, ouais. Leur qui faisait, disons, arrêt de faire des consoles. Ils pourront pas vendre chez PlayStation, ils ont leur propre catalogue PlayStation. Ouais, mais ça peut être tu sais, ils peuvent dire, allez, on vous fait un catalogue spécial et en plus, on rajoute les Game Pass dedans, tu sais, et allez, Microsoft, ils se prennent une part, nous, pas ça va attirer du monde chez nous et terminer. Après, je suis pas sûr que PlayStation ait besoin de ça. Bah ouais, avec tout ce qu'ils vendent en plus. Ils ont pas besoin de se faire chier avec Xbox, au final. Forza, ça a été une des meilleures ventes de PlayStation. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils ont à... Après, non, tu sais... Ils lâchent leur licence à PlayStation et basta. Hein. T'as pas forcément besoin d'une console pour avoir le Game Pass. Hein. Bah oui. Y a des télés qui sont accessibles. Oui, c'est vrai. Au final... Et si Xbox devient qu'un OS, ça veut dire que tu peux avoir un petit ordinateur ou tu peux avoir Xbox. Ton compte Steam. Ton compte GOG, tout sous le Xbox OS. Ouais, ouais. Donc je pense qu'en fait on sera sur des machines complètement différentes. Ouais, on voit pas trop bien une console arriver au final. Mais de plus en plus, j'ai de plus en plus de mal à imaginer une nouvelle Xbox dans l'avenir. Alors une nouvelle Xbox, moi je la vois un PC consolisé. Ce sera un PC. Ouais, mais moi ça me va. Parce que est-ce que c'est eux qui vont faire ça ou est-ce qu'ils vont faire. Passer par. Alors, voilà. D'après les dernières rumeurs, ils travaillent, eux, sur une nouvelle console. Mais je les vois plus travailler en partenariat avec un autre constructeur. Ouais. Mais moi, si je peux avoir une petite console, un petit PC console, jouable à la manette et je peux y foutre sur ma télé tous mes émulateurs, tous mes comptes Steam, tout mon compte GOG, tout mon compte typique, ça se défend. Moi, j'ai une question. Ça dépend du prix aussi. Oui. C'est toujours relatif, ça. Avant que Xbox soit créé, c'était Microsoft. Oui, c'est une branche. Voilà, c'est une branche, donc il y avait Microsoft qui existait. Et ils ont alloué de l'argent pour créer Xbox. Voilà, pour faire à côté. Concrètement, en fait, il n'y a rien qui les empêche de continuer à faire juste des branches comme ça, tu vois, sans créer de console derrière, en fait, au final. Bah, d'où l'Xbox OS que je te parle. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est le plus logique, ça serait ça. Hein. Xbox Studio, Xbox OS. En fait, concrètement, quand tu vois qu'ils sont en perte sur leur console et que ça ne sert plus à rien, ils ont juste à créer des fiches informatiques, en fait, concrètement, et... À perte, ils donnent même pas les ventes en fait. Ils vont jamais donner les ventes. Dans l'ADN de la firme, Microsoft, c'est pas le hardware qui leur apporte de l'argent. Hein. C'est le software, le reste. Oui. C'est optionnel. Hein. Donc, bon. Non mais Xbox, ouais, j'ai été déçu d'avoir loupé le coche 360. J'y ai cru parce que PlayStation m'avait beaucoup déçu sur la PS5 et je me fais encore niquer. Je suis pas content. Sinon, la console est bien. Après, mais... non mais en vrai. Tu l'as fait tourner ta Xbox quand même. C'est pas la question, c'est que j'en ai marre qu'on nous vende du rêve et que ça suit. Et alors eux c'est pire, ils ont fait la girouette, putain. Ça m'énerve en fait. Qu'on te vende du rêve et que ça arrive pas, c'est bon, je fais chier. C'est pour ça que je dis je suis désabusé, que je préfère attendre maintenant, nique sa mère. Pardon. Ouais, ça m'énerve en fait. Ouais, non, mais je... Nous l'entendons et nous l'acceptons. C'est pas ce qu'on nous a vendu au départ. C'est pas ce qu'on nous a... Sinon le Quick Resume, ça il faut le mettre sur la PS6. Hein. Ça tue. Quick Resume, c'est super bien. Oui, oui. Mais voilà. Et le contrôle avec Alexa aussi. J'en parlerai à mon tonton, il le fera. Ouais, tu lui diras. Non, si, tu peux contrôler Xbox avec Alexa, c'est super cool. Oui. Ouais. Non, mais ouais. Ouais. Ah, si. Oui, c'est gadget. Ouais, bah tu peux allumer, tu peux regarder un DVD, fais pause, tac, c'est bon, hop. Ouf, j'ai ma télé qui le fait aussi, tu vois. Pareil. Regarder DVD, non. Non, avec Alexa. Oui, mais tu peux pas regarder des DVD avec ta télé. Oui, mais je peux très bien dire à ma télé d'allumer ma Xbox. Oui, moi je demande à Alexa d'allumer ma Xbox. Oui, mais ma télé est commandée avec Alexa. Moi aussi ma télé est commandée avec voilà. Alexa. Ouais, ouais, c'est gadget. Bah oui, c'est gadget, mais c'est bien. Oh, ça rien. Ma manette a fait pareil. Oh. J'appuie sur un bouton, elle fait pause. Bah non, ouais, faut play. Appuyer. Oh là là, mais oh. Toi t'es trop 2025. Oh le geste. Moi je me lève pour changer les... sur la télé. Sur la chaîne. Non mais Xbox, ouais. Bon. Du coup, alors je vais modifier un petit peu par rapport à ce que j'ai mis sur le conducteur, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que PlayStation dans tout ça se retrouve dans quelle position? Parce que bon, on va dire qu'ils n'ont pas trop dévié de ce qu'ils... Ils font des consoles, ils sortent des jeux, machin. On va dire. Ils ont fait... Ils font des périphériques qu'ils soutiennent jamais. Ils changent pas leur position, t'as raison. Oui, non, mais ça... Donc du coup, qu'est-ce que ça apporte tout ça? Ça leur fait un boulevard où ils sont un peu... Ah, mais ils sont tout seuls. Ils font ce qu'ils veulent. Tout seuls, quoi. Et la preuve en est, c'est que... Et ouais. C'est danger. Ça, je suis bien... Là, je rejoins Lee là-dessus. Je pense que c'est nous qui allons le payer cher du coup. Mais c'est ce qu'on disait, le jeu vidéo devient un truc de riche. Ça va être cher, c'est tout. Ça s'arrête là. On aura toujours ce qu'on veut, il suffira de payer. Ouais. Mais on perd une partie des gens en route. Ce qui va être cher, ils ça va être d'autres. Ce qui va être cher, c'est surtout avoir une machine. Avoir une machine, ça va être là quand je vois qu'au bout de 50 sorties de console, on arrive à augmenter les prix. Parce que elle est en fin de vie en plus. Ah, pas fin de vie, non, mais... Parce qu'à l'ancien, c'est début 2020, fin 2026, c'est... début 2027. C'est ce qu'on disait au dernier voilà. Podcast. Bah, c'est de la fin de vie. Hein. Je pense qu'elles n'ont pas montré tout ce qu'elles avaient dans le ventre. Je pense qu'on peut faire quelque chose de oufissime encore avec ces consoles. Ils ont annoncé les specs de la PS6. Ouais, ça y est. Et ils augmentent les tarifs. Là, c'est au contraire, on devrait arriver sur une partie de vie des consoles où, on commence à faire des promos, on commence à faire pour relancer un petit peu la machine... tu te dis si c'est ça l'avenir du jeu c'est vidéo. C'est pas logique ce que tu dis, Seb. Si elle se vend, si elle se vend à ce tarif-là, il n'y a pas besoin de la relancer la machine. Mais ils oui, mais il faut qu'ils arrêtent d'acheter à ce prix-là, putain, les gens, c'est pas possible. Bah, ouais, non, mais ça... Oui, mais quand tu l'as pas et que tu la veux, t'es obligé d'aligner le prix actuel. Il y en a qui ont payé 800 ou 1000 euros pour la avoir. Pro. Non, normal. Ouais, 550 euros, ça va pas les arrêter. Moi, je comprends. Enfin, je. C'est peut-être notre génération plus, qui fait ça. Vous abusez parce que ils ont refait une promo récemment, moins 100 euros. Ouais. Oui. Elle est au prix de sa sortie. Bien entendu. Non mais. Ils sont trop forts. Après, ceux qui dirigent, ils s'en battent les couilles de tout ça. Tout ce qu'ils voient, c'est combien ça nous coûte, combien ça rapporte. Ça marche. Ouais. Très bien. Alors, c'est même pas combien ça nous coûte, c'est combien ça rapporte tout court. Oui, bah si, c'est en bénéfice. Oui, voilà. Il faut que tu saches combien ça te coûte. Après, on va savoir s'ils ont pas augmenté les prix par rapport à. Tous les problèmes de garantie qu'ils ont eu, toutes les consoles qui ont été envoyées, les manettes. Je crois qu'il y en a eu beaucoup. Oh oui. Il y en a eu. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu. Avec l'ultra cooling, là, je sais pas quoi, là. Le liquide, le métallique. Ouais, le liquide métal. Les manettes avec le drift. Mais ça, personne ne le répare. Si, moi, je le répare. Switch, là, connerie de merde, là, drift. Ils auraient pu y changer, bref. Ça arrivera les drifts, on va en entendre parler. J'ai ma manette qui déconnait grave. Je l'ai donnée à Guise, qui l'a dépoussiéré plusieurs fois, et puis ça revenait encore le drift. Tu l'as fait prendre en garantie? Non, mais non, garantie dépassée d'un mois. Mais... Donc raté. Et du coup, j'ai vu un tuto sur internet où en fait le mec il démontait tout entièrement et il allait nettoyer vraiment les nappes, potentiomètre. Toute petite nappe ou ouais, un truc comme ça là, avec l'alcool et tout ça. Enfin, allez, je dis vas-y, je me lance, je l'ai fait et depuis. Donc tu nous l'avais dit ça, je crois. Dans le joystick, Seb. Dans le joystick, quoi. Ouais. C'est ce que je fais. C'est ce que tu fais. Tu nettoies avec quoi? Bah avec du coton-tige, de l'alcool. Ouais. Mais je sais pas, moi j'ai. Mais attention, ça, il faut pas trop le. Je sais l'écarter, ouais. Sinon tu le casses. Hein. Ben je l'ai fait avec le du nettoyant à contact. Tout ça, et donc depuis j'ai plus. Alors que bon, à 90 balles, t'avais une nouvelle manette. Ouais, ça fait chier, ouais. Bon, après, sans mentir, enfin, moi, tu vois, j'ai eu le drift sur les Switch. Ça coûte 4 euros un joystick. Hein. Oui, je sais. Tu changes le joystick, c'est fini. Oh, ouais, d'accord. Je l'ai fait, j'ai flingué la batterie. Est-ce que c'est un plus simple de le changer sur la Switch que de le changer sur la manette de PS5? Ah ouais. Non, les soudures, c'est chiant. C'était pas équipé. Ah, c'est soudé. C'est de la micro-soudure. Ah oui. Ok. C'est pas de la micro-soudure, mais c'est... compliqué, quoi. Ouais. Quand même un petit équipement. Ouais. Je dis pas que c'est irréalisable, mais... Après, si t'as perdu ta manette, tu peux toujours essayer. Hein. Parce que, comme tu dis, le joy, ça vaut 4 balles. Hein. Oui, non, mais oui. Quitte à qu'elle soit morte, ça sent. Ah, mais bien sûr, mais je suis pour. Pour bidouiller. Mais combien de trucs j'ai démonté? Et moi, donc? Que j'ai jamais remonté. Jamais remonté, ouais, voilà. Ah si, je les ai remontés. Ça veut pas dire qu'ils marchent. Oui, pareil. Du coup, avec tout ça, on va enchaîner sur encore un autre système, c'est le PC. Est-ce que dans l'avenir, en fait, le PC sera pas la meilleure façon de jouer? Non. Niveau rapport qualité-prix? Non. Certainement pas. C'est trop cher. Ah, oui. En matière de... De renouvellement. Tout simplement. C'est trop cher. Le problème, c'est qu'un PC, t'as le PC acheté, l'écran, le clavier, la souris, le tapis de souris, le meuble. Non, mais tu vois, l'ensemble, en fait, la tout pièce, ça, mis à part la tour, t'es déjà pas mal. Oui, mais tu vois, ça peut durer des années, ça. Le problème, alors, pas vous, ça va, tu vois, mais j'ai d'autres collègues, ils ont jamais assez du bon truc, tu vois. Je prends Titi en modèle, tu vois, il avait un super écran. Il est allé chez un pote qui a un écran encore mieux. Ouais, mais ça, c'est ça change rien en vrai, hein. C'est juste 200€ de plus cher. Mmh. Et il voulait celui-là. Ouais, mais là, c'est Ouais, mais tu vois, en fait, le problème, c'est que c'est. Ouais, mais ça, PC, c'est ça. C'est de la ouais. Oui, mais c'est ça, PC. Mais non, mais non, même un bon PC, il va toujours te manquer un truc pour bien. Ah, ça dépend dans quelle qualité. Si tu veux jouer en qualité Switch, non. Il va durer longtemps ton PC. Oui. Je donne mon raisonnement. Oui. Une fois, j'ai mon PC, là, j'ai tout, ça y est. Tac, je suis équipé. 5 ans après, il faut que tu changes de truc. Si je veux être toujours au top, il va falloir que j'améliore toujours un petit peu chaque année. Ma carte graphique, mon processeur, machin. Enfin, chaque année, mais ça, oui. Mais ça marche pas comme ça. Non, mais je veux dire. Non. Mais il faut aussi compter que sur PC, t'as pas d'abonnement. T'as rien de tout ça comparé à la PlayStation, la Xbox ou Nintendo. Steam, tout est gratos. Tu veux jouer au multijoueur, pas d'abonnement. Joue, c'est... Oui. Tu vois, t'as toutes ces économies-là que tu fais par rapport à une console. Mais même le jeu... Donc, est-ce qu'en globalité, au final, tout mis à bout comme ça, ce sera pas le meilleur rapport qualité-prix? T'as pas de physique, hein. Par contre, voilà, là tu renonces au physique. Là, il faut être clair, net et précis. Ça dépend, l'abonnement, ça fait combien par an? Ça fait 100 balles, 120 balles? 180, je sais pas. Pour PlayStation, pour PlayStation 80, c'est 80 balles à l'année. 80 balles à l'année, ouais. Bah voilà, mais genre, tu dis, ah, il me faut de la nouvelle barre de RAM, c'est 150 balles d'un coup. Oui, c'est tu ça. Dis, le processeur, on le change. Ouais, mais si ta carte mère va pas, tu changes la carte mère. Ah, merde, mes barres de RAM vont pas non plus. Après, voilà, c'est un enchaînement. Voilà, tu peux pas dire je change juste ça. Ouais. Dans la réalité de l'ordinateur, oui. Non. Est-ce que concrètement tu peux tenir 6-7 ans sans rien changer? Moi, oui. J'ai juste à rajouter peut-être de la RAM si j'ai envie pour être mieux. Et ma carte graphique, elle tient. C'est le but. Avoir combien coûte le PC avec une config à 2000 balles. Mais non, voilà, ça c'est casse ça. Les couilles. Voilà. C'est trop cher. D'accord. Si une console, tu vois, 500 balles, ça coûte trop cher. Ouais. 2000€ un PC, juste le PC. Oui. Tu vois. Dans t'as... mon cas, après. Voilà, mais... parce que si tu commences à prendre un écran G9, un machin, tu vois. Allez. Bah, tu rajoutes 1000 balles tout de suite, tu vois. Enfin... Après, l'écran lui tiendra plus longtemps que la tour. Mais... Oui, on est d'accord. Mais t'es, bon. T'es jamais à l'abri, ça se trouve, dans 4 ans, il va cramer l'écran. Ça, c'est oui. Tirage au sort. Tu vois. Bon, la télé, c'est pareil. Le PC. Bah, je sais pas. Tu vois, c'est ce que je te dis. Après, si dans 10 ans, je veux jouer aux jeux qui sortiront dans 10 ans. Ouais. Ça se trouve, mon PC le fera tourner, mais j'aurai une qualité de Switch. Enfin, ouais. Quand je dis de Switch, comparativement à maintenant, tu vois. Ça dépend quelle expérience t'attends. Si tu veux après une bonne expérience, la console, après, les jeux sont optimisés pour. Il y a plein. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Ouais. Donc, il n'y a pas de bon système. Le plus polyvalent, ce sera le PC. Tu sais, voilà. Tu prends mon PC. Hein. Mais toi, il a... J'ai certains jeux, même en baissant à fond, ça marche pas. Hein. Ouais, ça mais toi, bout à bout, il doit avoir. 65 ans. 10 ans, non? Je pense, facile. Hein. Ouais, facile. Hein. Ouais. Après, ton PC, c'est un chat, il a eu 9 vies, gros. Non, mais il est. Tu prends un rematch, même au plus bas, ça tombe pas. Ça saccade, en plus, c'est un jeu en ligne. Oui, oui. Ouais, donc, voilà. Et là, tu peux pas dire, je vais changer que la carte graphique. Non. C'est... Alors là, toi, c'est. Radical, tout changer. Tout changer. C'est d'autres philosophies. Ok. Le PC a toujours été... Enfin, la console a toujours été plus simple. Tu prends un jeu, ça marche. Le PC, tu veux le mettre et tu fais « Merde, ça marche pas. Qu'est-ce qui va pas ?» Après, à la différence aussi, c'est que le PC, c'est un... Comment dire ? C'est un élément de décoration dans un salon, plus qu'une console. Oui, maintenant. Tu vois, c'est devenu beaucoup ça. Avec les watercolling, les machins et tout ça, tu vois. Les plaques de plexi, tous les néons. Oui, mais tu vois, ça sur console, t'as le design de ta console, tout le monde a la même, basta. Que bah, sur PC... C'est parce que vous voulez, tu peux faire ce que tu veux avec ta console. Oui, mais dans la forme, ça fera toujours à peu près pareil. Mais si. Je peux te trouver des coques avec des LED. Oui, mais c'est des PS5 qui ressemblent pas à une PS5. C'est des mecs qui les ont fabriqués, enfin, c'est des trucs faits sur mesure. Ouais, mais ça, c'est pas un argument, ça fait joli. Oui, mais sauf qu'un PC, je veux dire, tu vois, un PC, tu vas sur n'importe quel site de PC, tu peux trouver 150 000 références de tout ce que tu veux. Et c'est encore plus cher. Oui, par contre, non, mais oui, non, mais du moment que tu payes, non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que c'est un élément de décoration plus qu'une console. Une console, tu la poses à côté de ta télé, basta, tu t'en prends. L'ordinateur, j'ai jamais calé ça en élément de décoration. Toi ? Mais t'as d'autres gens, ils sont passionnés par leur PC. Eh ben, si t'as une salle dédiée pour le PC à la rigueur, mais. Mais oui, c'est ça. Non, moi, dans ma vie, ouais, il est là. Je l'ai fait comme ça en vitre parce que je voulais du blanc et tout, mais il aurait été. Mon premier PC, t'as vu comment il était ? Oui, tout noir. Oui, il n'y a pas une vitre, rien du tout. Oui, mais tu prends tous les grands streamers qui ont des magnifiques tours, tu vois, c'est un élément de décor. Ils jouent avec l'image, oui. Mais bien sûr, mais c'est ça que je veux dire. Il y a combien de streamers ? Tu vois ? 4 grands streamers. Ils gagnent combien d'argent ? Non, mais on est d'accord, mais je veux dire, tu vois, c'est un truc cher, enfin, c'est un truc pour décoratif. Et tu les vois pas présenter leur console, on s'en branle. Tu vois ce que je veux dire ? Leur PC, on s'en branle aussi. Non, pour moi, c'est l'équivalent du mec qui me fait putain, j'ai la Clio RS truc. Ça... Oui, parce que toi, tu t'en branles. Bah ouais, complètement. Il y a des mecs, tu vois, c'est pas ça. Moi, c'est comme ça que je vois le PC actuellement, si tu veux. Ouais, c'est un peu le tuning, tu vois, du jeu vidéo. Ah oui, ça, t'as raison. Non, mais voilà, clairement. Mais pour ceux qui aiment ça. Ceux exactement. Qui non, mais oui. C'est la grosse différence pour moi entre la console et le PC. La console, ça uniformise un système. Le PC de personal computer, c'est l'inverse. Chacun fait comme il veut. C'est ça. C'est pour ça que t'as autant de configs différents, de machins, de prix différents. Oui, voilà, pour le coup, oui. Parce qu'un jeu qui tourne sur un PC à 500 balles tournera aussi sur un PC à 2000 balles. Mais oui. Un jeu qui tourne sur un PC à 2000 balles ne tournera pas sur un PC à 500 balles. De la même génération. Hein. Que un jeu qui tourne sur PS5, bah, il tournera sur PS5, point barre. PS5, mais pas sur PS5 PS3. Pro, Non, ben... Bah... Il y a des générations d'écart. Non, mais voilà, je préfère, c'est... parce qu'après on va dire qu'on dit des conneries. Donc, ouais. Hein, je mets des points sur les i. Des quais, des T sur des barres. Des barres sur des T, c'est ça. Des barres dans les culs aussi. Barlotés. Quelle violence. Non, et voilà, le PC c'est plus polyvalent, on peut faire plein de trucs. Putain, on va bientôt pouvoir jouer à la Switch 2. Et là, j'en achèterai pas. Il y a un nouvel émulateur qui commence. Oh putain, ils avancent pas mal. C'est pas officiel encore, attention, ne cherchez pas ça. Non, cherchez-le, on s'en branle. Et pourtant, pour l'instant, ils arrivent à lancer Donkey Kong et ça crache après l'entrée dans le niveau. Après, vous faites pas chier sur Donkey Kong et pas ouf. Hein. Non, mais c'est pour le début. Ah, pardon. Faut d'abord que ça tourne là-dessus. Ah, ça, c'est excitant. Enfin, moi, ça me plaît en tout cas. D'où il faut un PC puissant. Ah là. Voilà, après. Et non, mais aussi, ce qui me saoule aussi à l'heure actuelle, c'est mais les DLC, ça me saoule. Genre, ils annoncent un DLC sur Expedition 33. Non, ça m'énerve. Alors oui, on va te faire, il est gratuit, je m'en bats les couilles, c'est pas ça. Déjà d'un, ce genre de DLC, moi ça me fait pas retourner sur le jeu parce que j'ai autre chose à foutre. Et pour moi, du coup, maintenant j'ai la sensation d'avoir joué un jeu pas fini. Voilà. Alors ça, c'est déjà une genre de réflexion que j'avais entendu. Ça m'énerve. Ouais. En mode, c'était même... tu l'as dit au dernier épisode, Donkey Kong. Bah, lui, c'est pire. Mais en fait, t'avais raison, c'est en gros... t'as l'impression qu'on te vend le jeu par bout. Quoi. Ah bah, c'est clairement ça. Hein. Ils ont déjà anticipé qu'ils... Qui vont rajouter des trucs alors qu'il n'est pas sorti. Ouais. Super. Ouais, enfin, c'est pire, c'est un mois après. Ouais. Ils arrivent et puis ils te disent 3 ans après, on va sortir le DLC de mais Pokémon là qui va arriver. Il y a un DLC déjà prévu. Tu dis ok. Mais un an après, ça me choque pas. Ok, le jeu est sorti. Le jeu est sorti, il a marché. Puis ils ont décidé de redévelopper quelques niveaux supplémentaires ou tout ça. Bon, ok. Mais quand t'arrives et qu'ils te disent Donkey Kong est sorti, puis on va faire le DLC après. En gros, oui, en fait, tu vends le jeu en morceaux. Non, mais littéralement, un mois après, c'est ça, c'était un mois après. Ouais, deux mois, je sais plus. Là, c'est abusé. En fait, tu vends le jeu en kit, quoi. Ah, que. Ouais, non, bah oui. Là, oui, c'est là. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Mais à l'époque, on avait des add-ons. C'était vraiment un autre gros jeu. Monster Hunter, quand on te fait un DLC, genre Monster Hunter World et Iceborne, C'est un nouveau jeu. Iceborne, c'était quelque chose. Le double du jeu, tu vois. Ah, c'était quelque chose. Tu me parles d'époque. Moi, je te dis, à une époque. J'étais le... Pardon, j'ai. Ça te rend triste. A... C'est pas grave. Il a la voix qui est partie, là. Raconte à une époque, j'achetais un jeu. Et après, je rachetais le 2, en fait. Oui. J'achetais rien entre, quoi, en fait. Oui, oui, c'est clair. Je suis d'accord. C'est... Moi, à une époque, je jouais à Age of Empires. Il y avait quand même des DLC, mais on appelait ça un add-on. On avait carrément un autre jeu. Ça aurait limite pu être le... Enfin, c'est pas le 2, parce que ça change pas les mécaniques, mais on a une autre grosse campagne complète. On n'a pas de 3 heures de plus. Tu vois, Tu vois. Je me suis fait une réflexion tout à l'heure. Aussi profonde que d'habitude ou... Aussi profonde que d'habitude. Non, non, sérieuse. J'ai le jeu Arizona Sunshine 2. Ouais. Yeah. En VR. D'accord, donc ça fait un moment que je l'ai pas lancé. C'est un jeu solo, tu vois. Ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il est sorti. Pas loin, ouais. Pas loin. Ils arrivent à me faire des mises à jour. Mais ça change quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Mais je sais pas, je vais même pas été voir. Ah, d'accord. Oui, mais ça doit être des patchs, des conneries. Mais pourquoi? Des bugs, des machins. Oui, mais pour coller des patchs. Mais avant, il n'y avait pas tout ça. Ah bah non. Avant, il n'y avait pas Internet. Avant, t'achetais ton jeu, il était tel quel, il était brut, il était fini. Ouais. Ouais. Mais il prenait pas. Ou buggé, mais au maintenant, moins. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sortent des jeux non finis à chaque fois. Bah, c'est fou ça. Bah, parce mais les Early vendent. Access, les B. Alors. Ça aussi, l'arnaque des Early Access. J'aime les patchs correctifs. Voilà, parce que oui, mais. Bah, ah, ta merde. On a sorti le jeu, il y a un petit bug, on le corrige avec un patch correctif. Ok. Mais comme tu dis, effectivement, t'arrives, t'as une grosse mise à jour pour te dire ben on a rajouté un personnage, on a un niveau, machin, et tout, même si c'est gratuit. Ouais, tu dis, putain... Intégrez-le de base, en fait. Voilà, ouais. Comme tu dis, le jeu, il, le faites pas, Il diffère. Et dans 10, 15, 20 ans, tu remettras ton jeu dans la console, tu pourras plus faire de mise à jour ou quoi que ce soit, tu vas te retaper le jeu... Original. Original, quoi. Comme il dit, là, il parle d'accès anticipé, ça se trouve, des fois, on achète un jeu... Il n'y a pas écrit accès anticipé, mais c'est tout comme. Hein. Bien sûr, mais c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est clair. Tu prends No Man's Sky. Ah bah, oui, si oui. Bah non, il était complet à sortie. Il est amélioré. Il était complètement vide, mais c'est sûr qu'il était complet. Hein. Si je remets le jeu dans ma PS4, j'ai le jeu comme il était en 1.0. Chiant, mais il est complet. Ouais, complet, ouais. Complètement chiant. Un jeu comme Star Citizen, il n'y a rien qui te garantit que le jeu sortira en version finale un jour. Non, mais... Non, mais il y avait un jeu comme ça où, avec le patch Day One, en fait, ça pouvait pas fonctionner. C'est pas Resident Evil. Pourtant, c'était une grande licence. Ah, ça me parle, ça. En tête. Que ça me parle, Cyberpunk. C'est pas si vieux que ça. Hein. Non, c'est pas si vieux que ça. Oui, si t'avais pas... Le patch Day One, Day One en fait, tu pouvais pas jouer. Limite, ça re-téléchargeait tout le jeu. Ouais. Putain, je l'ai plus en tête. Oui, non, oui, c'est pas Cyberpunk. Ça me... Non, mais bon. Mais parle, en l'état, en version 1.1, comme dit Guise, il est brut de décoffrage. C'est buggé. C'est comme ça. Ça en fait pas un mauvais jeu, attention. Mais c'est bugué à mort. Bah ouais, mais c'est le monde. Mais après, on se plaint tout le temps des mêmes choses. On radote comme des vieux cons. Vieux. Comme tu des peux vieux le dire. Au bar, putain. Tu peux le dire, mais on est là. Après, comme je dis, c'est pas, y a pas de mauvaises choses. Oui, c'est ce que je venais de dire avant. S'il y a des patchs correctifs pour éviter certains bugs, certains trucs qui bloquent et tout ça, je suis content que ça existe. Et y a pas de problème. C'est comme on dit, la grande différence avec Nintendo. Quand un jeu Nintendo, développé par les studios Nintendo, sort, il n'y a pas de patch Day One. Le jeu, il sort, il est fini. Ça m'insupporte de mettre le jeu, téléchargement de patch. Putain, mais... Pokémon, je l'ai mis, tu joues. Bah oui. C'est génial. Mais il y a des jeux, tu les prends, tu télécharges le patch d'abord. Ouais. Ça casse les couilles. Ça veut dire, on a sorti le jeu, on l'a sorti, c'est bon. Mais on l'a... Bah parce que maintenant, bah ils ont des... Ça marche avec les investisseurs. Les investisseurs, ils disent Pokémon, il faut qu'ils sortent telle date et vous n'avez pas le choix. Et voilà. Ils se retrouvent dos au mur et ils sont obligés de sortir Pokémon, leur jeu. C'est une exception. Mais c'est pour ça que les jeux triple A, ils vont se faire éclater le cul là, par les indés parce que les indés, ils n'ont pas ce problème. Mais justement, c'est le sujet d'après, c'est bien. Tu me fais une jolie petite passerelle. Quelle transition magnifique. Attention, cette cascade a été réalisée par un professionnel. Ne le retentez pas chez vous. Est-ce que, moi, c'est pareil, c'est encore un gros sentiment que j'ai en ce moment, est-ce que l'indé, c'est pas le futur du jeu vidéo, je vais pas dire ça, mais le jeu vidéo tel que nous, on l'a connu avant, c'est-à-dire des jeux faits de A à Z par leurs créateurs sans qu'on leur dise quoi mettre dedans, quoi faire, de bonnes idées, de la révolution, de l'originaliser. Voilà, moi, quand je joue à un jeu indé, ou même un jeu... un petit jeu d'un petit studio qui a été fait vraiment Sans contrainte d'un gros... Voilà, sans contrainte. Ouais. Et parce qu'on ne prend pas plus de plaisir. Est-ce qu'on n'a pas de plus jolies découvertes, quoi. Ah ben là, les jeux que je t'ai parlé tout à l'heure dans mon checkpoint, c'est ça. C'est des jeux indés. Ouais. Et il y a plusieurs années, là, ça fait 2 ans, je crois que c'est les GOTY, c'est des jeux indés. Qui les ont. Oui. Parce que le dernier, je crois... En tout cas, dans les listes, il y a toujours un, je crois. Il n'y a pas de gagnant comme ça de... Gagnant, je sais. Il n'y a pas eu Hades. Bon, bref. Hades, je crois qu'il n'a pas gagné. Non, mais oui, tu as cette sensation parce qu'en fait, c'est des petits studios. À l'époque, les gros studios des années 90, c'était quand même des petits studios. Ouais. Ils n'étaient pas grands. Voilà, on dit que c'était des grands studios d'époque, mais ils étaient quoi, une vingtaine. Oui. Donc, c'est pour ça que tu as cette sensation. Que les gros AAA, c'est une grosse locomotive, mais c'est pas un gage de bonne qualité. Hein. Ah non. C'est juste beaucoup d'argent investi. Ah oui. C'est ça, justement. C'est un AAA. Et c'est là où l'actionnaire, tu disais, il dit, ben moi dans mon jeu, qu'est-ce qui marche, les mondes ouverts? Eh ben on fait un monde ouvert. Ah ouais, mais mon jeu le permet pas. Je m'en branle. Je veux un monde ouvert. Quoi, ça se passe dans le Far West? Ouais, mais en ce moment c'est la mode des katanas. On peut pas mettre un katana? Ouais, mais enfin, c'est un cowboy. Oui, mais je m'en fous. Je veux mon cowboy. Et voilà, mais c'est comme ça que ça marche en fait dans les grosses structures. Ouais, clairement. On regarde ce qui fonctionne, on le met dedans. Et après, il y a ceux qui réussissent comme Genshin Impact. Fortnite. Ah, Fortnite, c'est différent. Eux, ils prennent tout ce qui fonctionne, mais ils ont leur modèle de jeu. Ça marche trop bien. Eux, c'est que des skins. Mais Genshin Impact, c'est ça. Ils ont regardé. Ça, c'est bon. On coche. On mélange tout. Après, ils l'ont bien fait. Oui, ça n'a rien à dire. C'est pour ça que j'attends mes potes chinois à sortir une petite console. S'il vous plaît. Le seul problème, pourquoi il y a Neo, ils peuvent pas sortir des consoles? Parce qu'ils savent pas faire d'OS. Et ils sont pris par les couilles. Voilà. Là, j'ai dévié complètement. On va le ressortir cet exemple parce que c'est peut-être le jeu de l'année. Hein. On va reparler d'Expédition 33. Ils ont pas. Tu n'as pas fini. Non, mais je le fais. Ah, faut que tu le fasses. Je le fasse. Mais tu vois, j'ai entendu des interviews des créateurs. Ils avaient pas de pression. Ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire. Et est-ce que c'est pas ça qui a fait que le jeu a tant marché? C'est que. Non, je pense pas que des passionnés qui fassent un jeu, ça fonctionne. Donc, c'est ironique. Hein. Ça, oui, bon, on l'a bien senti. Hein. C'est pour ça que je rigole. Demande à ceux qui ont fait Aladdin sur Super NES s'ils ont eu la pression. Bah, visiblement, oui. Ouais, apparemment, oui. Non, mais ouais. Voilà. Je vais repartir sur cet exemple. Ça plaît ou ça plaît pas, Death Stranding, Kojima, il a fait ce qu'il voulait. Parce qu'il est lui-même le producteur de son propre jeu. Donc, en fait, il a personne au-dessus de lui qui lui dit. Il est plus chez Konami, il fait ce qu'il veut. Ça se ressent. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais ça se ressent, c'est sa vision des choses. Elle est comme ça et elle sera pas autrement. C'est original. On peut pas dire le contraire. Il y a des codes de certains autres jeux, je vais pas dire le contraire, mais on sent qu'il a fait ce qu'il voulait. Ça te plaît pas, voilà. Un Assassin's Creed, tu sens que il y a pas d'aura. Ouais, c'est vide. Mais c'est pour ça qu'on se souvient très bien de Kojima ou de Suda 51. Mais c'est qui a créé Assassin's Creed? On vous arrête. Vous dites ça, mais on n'a pas joué à tous les derniers. De quoi? Tous les Assassin's Creed. Shadow, Mirage. Mais est-ce que t'as envie d'y jouer? Bah ouais. Alors moi personnellement, ça m'a gonflé. Ouais. Tu vois, je prends Cyprien, mon collègue. Ouais. Il a fait Mirage. Et il avait fait que le 1 ou le 2, il m'a dit après. Ouais. Mais il m'a dit qu'il a kiffé Mirage. Il m'a dit c'est complètement différent. Ouais. Il m'a dit j'ai retrouvé autre chose. Et pourtant il n'a pas fait autant que j'ai fait moi. Hein. Ouais. Je me dis peut-être qu'un jour, à un moment donné, il va peut-être falloir lui relaisser sa chance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé. T'as fait quoi, le Valhalla, toi, en dernier, non? En dernier, ça m'a gonflé, je l'ai même pas fait. Et alors, à contrario, il a essayé le Valhalla, il aime pas. Et c'est différent. C'est des propositions différentes. Mais Mirage retourne plus à l'ancienne. J'en ai un qui est à fond sur les nouveaux, il supporte pas le Mirage. Il aime bien le Shadow. C'est-à-dire, des fois, on parle de jeu et qu'on revient pas dessus. Et des fois, peut-être que... Moi, je laisse la chance à chaque fois. Ça, c'est faux. Bah, pas du tout, j'ai joué aux Assassin's Creed. J'ai fait Odyssey et Origins. Combien? Une heure? Non, j'ai au moins fait 4 heures, mais c'est tellement nul. Après, on est dans un monde où les investisseurs, en fait, connaissent pas le jeu vidéo. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est le buzz, c'est l'argent, c'est tout ça. Bah oui, c'est l'argent. Elden Ring est sorti, il a eu un succès amplement mérité. Ils sont tous arrivés, faites du Elden Ring. Bah, From Software, c'est pas non plus un énorme studio. Hein. Non, en plus, oui. Et ils sont arrivés, faut faire du Elden Ring. Non, mais mon Soul, je le voyais. Non, tu fais du Elden Ring. Et ce résultat, le jeu était catastrophique. Et voilà. Ouais. Et tout marche comme ça, en fait. Fortnite a eu du succès, il fallait tout ce qu'on fasse comme Battle Fortnite. Royale. Voilà. Des exemples, Genshin Impact. Il y a eu plein de clones de Genshin Impact qui sont sortis derrière, qui n'ont pas forcément fonctionné. Faut savoir que, oui, mais ils gèrent. Voilà. Et c'est en fait, c'est ça. C'est dès qu'il y a un truc qui fonctionne, les investisseurs ils disent « Ouais, faut faire comme ça, parce que c'est le truc du moment. » Et alors que la vision du créateur, elle est pas forcément partie là-dessus. Et à côté de ça, t'as un jeu comme Balatro qui fait des millions de ventes en coûtant 10 balles, et parce que c'est un concept que personne n'a vu passer ailleurs. Et ouais. Ils ont fait « Oh merde, ça marche bien, con. » Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Alors, je dis que c'était très simple. Non, mais... Les mécaniques de jeu sont compliquées, mais c'est original. C'est original, c'est pas... Voilà. Hades et Dead Cell, quand ils sont sortis. Des roguelites, il y en avait des pêle-mêle. Mais eux, ils ont leur petite originalité, leur style graphique, et c'est des petits studios. Et ça cartonne. Bah ouais. Et Expedition 33, c'est un petit studio qui était tranquille, fait par des passionnés. Vampire, et ça se ressent. Vampire Survivor. Vampire Survivor. Bah alors oui, ce jeu, ouais. Graphiquement, chier ouais. Partout. Et oui, excellent c'est d'ailleurs. C'est clair. Visuellement, ça peut être pas mine, mais pourtant, c'est très... Addictif. Ah ouais. Alors attention, après il y a des gros jeux qui sont très bien. Non, il y a... Alors j'ai pas d'exemple. Hein, mais... Ah bon. Non mais heureusement... T'abuses. Tu prends les The Last of Us. Ils sont très très bien ces jeux. Je peux pas dire le contraire. Tu prends Spider-Man. C'est très très bien, c'est une bonne licence aussi. Gros générique pour moi, mais oui. Mais ça plaît à beaucoup de monde. Bien sûr. God of War au niveau scénaristique et mise en scène, c'est exceptionnel. Tu prends les Uncharted. Et là, on parle que des studios PlayStation qui sont experts en jeu narratif parce que PlayStation les pousse et ils les laissent, je pense, avec une certaine degré de flexibilité. Ils font ce qu'ils veulent, les créateurs dedans. J'imagine. Ah, j'ai en tête une scène de God of War à Ragnarok que j'ai surkiffé parce que. Au niveau de la mise en scène, j'en ai pris plein la tronche, quoi. Ah, c'est du cinéma. Ouais. Et ça te fait vivre l'expérience autrement, quoi. C'est vraiment. C'est des studios qui ont les mains libres. Voilà. Ouais. Parce que l'actionnaire, c'est qui? C'est PlayStation. Ils leur disent, on veut. Tu vois. Ils savent ce qu'ils veulent comme production. Ouais. Ils font confiance à Santa Monica Studio pour dire, hé, les gars, faites ce que vous savez faire. On vous donne le pognon, faites le jeu. À mon avis, voilà. Ils cherchent pas à savoir ce qui va plaire ou voilà. Ils demandent aussi de faire ce qu'ils savent faire. Ah ouais. Et c'est la bonne formule. Bah oui, comparé à Sekiro, Hogwarts Legacy, de Ubisoft, ça encore. Hogwarts Legacy, Warner. C'est Warner. Ouais, c'est Warner. Bon, voilà. Enfin, c'est eux qui ont les droits d'Harry Potter, donc je pense. Non, mais qui ont dû reprendre tous les codes à la con des jeux open world. Oui. Alors, il est sympa. Il est pas mauvais. C'est standard. Mais au bout d'un moment, tu t'ennuies. Tu te fais chier. Tu t'ennuies voilà. Parce que ils sont pas rentrés pleinement dans, ils ont pas exploité comme ils auraient vraiment dû exploiter l'univers. Ils ont voulu mettre leur code débile d'open world et tout team. Voilà, c'est dommage. C'est bon Je sais pas, je parle avec l'animateur. C'était développé par Avalanche Software. Édité par Warner Bros. Ah, tu vois, j'avais l'éditeur. Comme ils avaient la licence Harry Potter, quoi, c'était. C'était évident. C'était assez évident. Bon, mais on va s'arrêter là. Si vous avez rien d'autre à dire. Non, pour. Est-ce que vous avez des suggestions? Non, pour conclure, juste. Ben, moi, je le redis encore, mais. Est-ce que dans l'avenir, comme tu disais, vivre avec une génération de retard. Et savourer. pleinement cette génération parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent, on peut pas jouer à tout. Ah non, clairement pas. Il y a pas grand monde qui feront ça. Hein. Non. Il y a pas grand monde qui feront ça. Les gens vont continuer à acheter s'ils ont les moyens. Moi très sincèrement, tout dépendra des prix. Ah non, mais clairement. Moi tout dépendra des prix. Alors PlayStation 6 annoncé, préparé tout ce que vous voulez, il y a pas de souci. Elle sortira quand elle sortira. Si maintenant elle est à 600 balles, bah non en fait. Ma 5, elle va très bien me contenter en attendant. Il y a plein de jeux à faire dessus. Moi, je la prendrai la 6. Oui, quand la 7 sortira. Tu prendras ma 5 quand je prendrai la 6. Non, je prendrai la 6 pour jouer à tes jeux de la 5. Ouais. Moi, j'en ai pas de jeux. Bah oui. Donc, forcément. Si elle est rétrocompatible. Oh, bah, j'espère, ils sont pas assez cons. Oh. Bah, sans rire, même pas de lecteur. Hein, Arrête de dire. Si. Oh, hey, ah, t'imagines la baise, on sort une PlayStation, y a pas de lecteur. Je... Non, 120 euros à côté. La fin du physique. Mais c'est, je pense qu'il y a encore une génération à attendre. Non. Mais là, je crois que ça y sera tout le temps. Là, la console, tu l'achètes sans lecteur maintenant. Ah, avec ou sans lecteur. T'as des packs. Non, mais la nouvelle, là, je crois que de base, elle est sans lecteur. Avec ou sans lecteur. Ah, t'as toujours le choix. Oui. Okay. Tu peux l'acheter sans lecteur mobile. Et oui. Tu peux acheter le lecteur à côté. Mais elle est moins chère sans lecteur. Oui. Ou enfin, pour que tu l'achètes à côté, c'est pareil. 80 balles. Ouais, il a un peu baissé le lecteur. Ah, ok. Il a un petit peu baissé par rapport au prix de départ. C'est le truc qui a pas qui a baissé. La prochaine console, ce serait une Switch 2. Allez-y, cash. Bah, parce que je veux pas l'acheter neuve. Tu vas ramener ta Xbox ? Non, moi je la garde. Mais la machine, la console est super. Puis moi, c'est ma seule console next-gen. Enfin, next-gen. Si tu veux, je peux t'en vendre une ce soir. Non. 150. Bon. J'ai pas besoin d'un calepin. 150 ? Ouais, 150. J'en ai une pas loin. Pas loin ce soir. Bah, 150, ça peut se rendre plus cher, Easy Cash. J'ai adoré le. 150 ? Bah, on reprise. Et. Dernière question après, on arrête. Et s'ils te vendent la Switch 2 au même prix, mais qu'ils te mettent un bon jeu avec qui te fait envie. Au même prix actuel ? Au même prix actuel. Non, je te prendrai Easy Cash. Non, toujours quand même. 470 euros avec un jeu. Non, en dessous de 400. Imagine, le prochain Pokémon, c'est une tuerie, il est comme Isabelle Dibo et tout ça. Et c'est le même prix avec le jeu en plus. À combien ? 440 là ? Ouais. Non ? Non, toujours pas ? Bah non. Ok, non, c'est. Parce qu'en plus, le jeu que tu me parles, il sera en démat. Ce sera un code de téléchargement qui leur coûte rien. Bah oui, bien sûr. Bah non. Elle aura le temps de baisser en plus à Easy Cash. Donc c'est vraiment... Non, mais c'est intéressant de voir si ça pouvait te... Alors oui, si le Pokémon est comme ça, ça me tente de l'acheter, mais pas à tarif plein. D'accord. Tant qu'elle est au-dessus de 400... C'est psychologique. Bah parce qu'elle ne vaut pas, donc je ne veux pas. D'accord. Ouais, non, mais c'est mon avis. Non, mais c'est un bon avis, ça m'intéressait justement. Et... Bah, bon... Guy, je ne lui pose même pas la question. Non. Et moi, tu ne me demandes pas. Je sais pas, non. On verra au prochain épisode. Ouais, t'as raison. Quelle console tu n'as pas, en fait? Mais la Xbox Series X. Bah bon, tu l'as pas ça? Non, j'ai pas la Xbox. Ah, t'as toujours la One? Ah, je pensais que t'avais la. J'ai rien dit. Qui fonctionnait très bien, puisque lui, tu vois, avec sa One, il pouvait faire son Game Pass tranquille. Hein. Mais je faisais la One et le PC. Parce qu'il peut faire du streaming et tout en plus. Et il a pas acheté une série S. Et j'achèterai pas d'ailleurs. C'est ça qu'il fallait faire. Oui, maintenant, j'achèterai ni la série X, ni la série S. Non, bah oui, évidemment. Elle est morte. Oui. Donc tu leur console, c'est con là. T'as bien joué ton coup. T'as bien. Drop the mic. Bon, mais sur ce, les amis, c'était bien. Sur ces belles paroles. C'était bien sympathique. Bon, mais du coup, merci à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires négatifs ou positifs. On prend ce qui vient tant que c'est constructif. Oh ça rime, putain, je roule. Je suis sûr qu'il a écrit ça. Elle était bien. Non, j'ai même pas écrit ça. Il a même pas écrit. Sinon, on est dispo sur pas mal de réseaux. X, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Discord. Discord. Et pour nous écouter, on est présent sur presque toutes les plateformes. Et si vous nous écoutez actuellement, j'ai pas besoin de vous rappeler lesquelles. On est clair. Oui, mais c'est... Des petits pouces, des étoiles et des étoiles. Faites-nous plaisir, comme dirait Andy. Sur ce, encore merci. Et à bientôt. Ça je dis jamais ça. Si, tu dis faites-nous plaisir. Ah bon ? Tout à fait. Ok. Non, allez, sur t'es, ce... t'es sûr qu'il dit pas faites-moi plaisir ? Ouais, peut-être. Ouais, d'accord. Pardon. Bon, donc sur ce, encore merci et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. Salut. Salut tout le monde. Vous me connaissez, je suis quelqu'un qui ose tout. Oui. Ah ouais, là, c'est ça te caractérise. Bon, j'ai pas réussi. Mais t'as osé. La double sodomie. La double sodomie. Hein? Il y a juste derrière. Non, ça, j'ai pas. Non, mais c'est un play yougoslave. Ouais, c'est pas ça. Le jour où tu la vois là, faut lui demander de le faire. Tu verras, c'est minable. Oh, putain. Pas ouais, mais en même temps, il avale des pièces. Il peut pas tout faire. Oh. Parce que quand tu le secoues, lui, il fait gling gling par contre. Alors, je vais lui apprendre. Parce qu'il fait 1, 2, 4. Ah merde. Parce que c'est une pièce de 4 euros. Une pièce de 4 euros. Non, mais du coup, je suis là. Te. Donc, maintenant, il fait te. Maintenant, tre. Trempe. Trump. Ah, peut-être, je vais essayer. Essaye lui, Trump. Trump, désolé. Fils de pute. Et logiquement, ça passe. Qu'est-ce que t'as contre Trump? Rien, c'est Seb qui était... Tu le laisses tranquille. Ouais, c'est vrai. Il n'a pas eu le prise d'appel de la paix, pas. Enfin. Toi qui commence le checkpoint? Ouais. Je sais pas, c'est moi qui vais décider. Non. Oh putain. C'est le présentateur qui décide. Ah si. Chaque année, c'est... Oui, il commence le checkpoint, t'entends dans son début. Pardon. Moi, je suis obligé de faire mais mon checkpoint. Jamais ça s'est il passé nul, comme je ça. Pas préparé. Mais toi, t'es un malade, en fait. Mais toi, t'es un malade. La dernière fois, tu m'as dit, qui c'est qui a commencé le checkpoint la dernière fois? Ouais, mais ce sera toi qui va le commencer. Non. T'as c'est pas moi dit. Qui va commencer non, mais t'as pas dit. Oui, c'est le quiz qui décide de qui décide. Non, non, non. On a même pas commencé l'enregistrement. J'avais dit quoi? Ah non. Et oh non, non. Commencez. T'as vu? Non. Fermez vos gueules. Commencez pas à vous engueuler maintenant. C'est pas maintenant. C'est un petit peu comme le quiz. Il fait ses règles au fur et à mesure. J'ai écouté. Juste avant l'épisode, et j'ai bien dit, c'est Mimi qui a commencé avant, parce que c'est lui qui avait fait le quiz, et c'est lui qui toute avait... Façon, ouais, c'est parce que c'est... Après, façon, c'était toi. C'est... Et après, depuis deux mois, c'est comme ça, en fait. On va être au clair. Non, ça n'a jamais été comme ça. On va faire le quiz, on va faire le quiz, il y a 35 questions, à la fin, on finira à 47, et j'aurai perdu, et lui, il aura 82 réponses. Ça, on s'en branle du quiz, en fait. Toi, tu parles de depuis que je note tout, en précisant Guiz, il a parlé d'une série, d'un truc, d'un machin. Non, non, mais si. Ça. J'ai même pas écouté, c'est quoi le débat? Il y a un débat? Ah ouais? Oui, c'est moi qui commence le checkpoint. Mais parce pourquoi? Que c'est moi qui fais le quiz. Oui, mais non, parce qu'il a dit la dernière fois, c'est celui qui... c'est celui d'après. Non. Si. Mais non, parce que c'était compliqué justement de faire comme ça. Que là au moins, c'est celui qui fait. Oui, ça la fait deux mois que c'est mis en place, et il a fait ça dans sa tête tout seul. Mais c'est vrai, écoute-moi bien, Millie Boy. Mais c'est bon, tu dis ça, mais c'est bon en plus, on a jamais. Franchement, on a dit, bon, t'as commencé, mais ce sera toi qui commencera. Ça a jamais toujours été au feeling. Tu crois? Ah, mais ça, c'est ce que tu crois. Attends, c'est ça, qui c'est qui l'a fait la dernière fois? C'est moi. C'est Guiz. Et juste avant, c'était toi. Et juste avant, c'était Seb. Mais vas-y, fais-moi écouter l'épisode mais 65. Mais oui, mais oui, mon monsieur. 65. Mais non, 65. 65. Si, on a fait le 66. 66, c'était c'est moi. Limite. On va passer une bonne soirée. J'ai regardé juste avant. T'as dit un gros mot, t'as dit putain. T'as dit têtu. Plus tu que t'es. Les jambes de tort. T'as dit un gros mot, têtu. Ah, si tu regardes, c'est Mimi qui a commencé. Mimi le retour de l'aise. Parce que tu mets dans l'ordre, ça eh ben commence oui. Oh, ça me fait rien dire ça. Là, moi j'entends que ce qu'on dit. 64. Ah, c'était pas dans l'ordre. Chez. Allez, vas-y. Ah, Jimbo. Ouais, ah, tiens. Ouais. C'est pas son quiz. Non, mais à partir de maintenant, on fait comme ça. J'ai choisi depuis l'épisode 65. Parce que là, regarde. Regarde l'ordre. Regarde. Mimi, Guiz, Only, Jimbo. Oui, non, Jimbo, oui, mais du moment qu'on prend Mimi, oui, on prend dans les oreilles. On est d'accord, oui, dans les oreilles dans du sens. Oui. Et là après, à l'autre c'était qui? C'était toi, moi. Et c'est oui. Plus logique de faire comme ça comme oui, ça. Je suis d'accord, mais t'as décidé, ça fait deux mois. Oui, j'ai décidé. Pas, t'as, tu me sors pas un truc du style, ça fait trois ans. C'est pour ça que tu me dis on commence n'importe. Non, on commence par moi. On a toujours commencé n'importe comment. C'est vrai. Bon. Sauf voilà. Depuis deux mois. En plus, techniquement, ça fait 4 mois. Donc, on est d'accord, c'est moi qui commence. Non, c'est celui qui fait le quiz qui commence. En fait, celui qui fait. Oui, écoute-moi, celui qui fait le fait, quiz, celui qui triche. Il commence le checkpoint, il fait les courses et il ferme sa gueule. Ah oui, c'est douloureux. Le dernier point est à préciser. Mais sinon, c'était ça. Ça dépend à quel moment. Voilà. Faut le définir, on sait pas encore. Bah, tu vois, c'est logique. Quand c'est pas à toi de parler, tu fermes ta gueule. C'est ouais. Logique. Ah oui, c'est quand logique. Je... C'est logique. Bon, on était en train de... On était dehors parce que les autres ils fument là. Et je suis rentré parce qu'ils sont tous en train de se chier au froc, au bénard. Hein. Et après on dit les gaz à effet de serre, la pollution. Ouais, tu parles, on sait qui c'est la pollution. Hein. C'est mes geeks et moi. Hein. Une partie de l'équipe. Hein. J'en peux plus. Ils racontent des conneries en podcast, ils sont insultants envers les auditeurs, ils préparent pas leur sujet, ils finissent pas leur jeu, ils regardent le début et la fin d'un film, ils la regardent pas en entier, et en plus ils détruisent la planète quoi. Réchauffement climatique et tout le tintouin. Aïe. Alors, moi je suis là pour relever le niveau, moi je te le dis. Toujours de mauvaise foi au niveau du quiz. Ouais, t'as triché, ouais, tu m'as pas compté les points. Alors que moi, je sais que c'est un truc pour s'amuser entre potes et Guiz. J'ai mal au bide, d'un coup là. Qu'est-ce que t'as branlé? Ah, je sais pas, j'ai mal au ventre. Oh, j'ai en transpiré tout. J'avais du mal à parler, vous commencez à me faire parler là. J'ai en train de me décomposer. Faut que tu les fasses stopper plus vite pour arrêter. Ah, eux? Ah, ouais, putain. Vas-y. Vous moulez la parole, les mecs. Vas-y. Moi, je dis rien, je te laisse faire. J'attends. Je sais plus, je crois que t'as fait le signe il y a un quart d'heure. Ah, il y a... Non, il était... 58. 3,58. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et il doit... Il va... Le truc, il est découpé, du coup. Ah oui, ça fait un moment qu'il est découpé. Attends, faut que je me lève. J'ai mal au cou. Il avait vraiment mal au ventre. Putain. Et bien ouais. Attends. Tu veux faire quelqu'un? Arrête. Me touche pas, enculé. Oh, il va me faire une gastro en direct. Non, faut que ça passe. Va lâcher le gaz dehors. C'est vers où que t'as mal? L'estomac ou... J'ai envie, je crois que j'ai envie d'aller aux toilettes. Va lâcher une caisse dehors. Non, si je suis une caisse dehors, je me chie. Pourquoi tu le dis pas à côté du micro? Ça enregistre. Ah merde. On entend peut-être, ça se trouve. Bah, je suis obligé de pire. Par contre, faudra que tu montes le son, que tu essaies de faire un peu de montage, mais ça vaut le coup. Tu chies dans ton bed ou parce que... Je te laisse le ventre, ça aide. Je te propose pas de café. Là, si je chie dans ces toilettes, je lui remets. Tu réveilles tout le monde. Il va rentrer chez lui, il va se foutre aux chiottes, ça va faire, il a encore bu. Ouais, va dehors pour péter.